j'adore ça. Nouveau son hors classement ce soir dans leur Dance 25 TYP avec la belle Eva Simmons qu'on avait entendu sur le This Is Love de Will.i.am. Nouvellement hors classement dans leur Dance 25. Eurodance 25 sur Fun Radio. Et nous on va se retrouver dimanche prochain entre 18h et 20h avec un nouveau classement. Je vous rappelle les trois entrées de la semaine. Le nouveau Showtake avec le We Like To Party, le nouveau Ola avec Jackie Kennedy et la première entrée Hélène Leven, carton des clubs en Italie puisque c'est numéro 5 là-bas et ça s'appelle Wild Child. Belle soirée tout le monde, party fun tout à l'heure, Nicky Romero et Mercer ce soir pour la semaine et pour l'émission en spéciale DJ Max, ça sera à ne pas louper. Et d'ici là, 4h pour bien décompresser en fin de semaine. Ouais, oui. On va raconter un petit peu les bêtises de la semaine, c'est avec Mickaël jusqu'à minuit. Comment ça va? Bah, très très bien. Alors pour le peloton, parce que je cotise pour acheter un rasoir à Polo. Pour l'instant j'ai 1,40€ et un trombone. Bah, et c'est déjà pas mal. Alors je pense qu'avec le trombone on peut réussir à faire quelque chose, je crois. Bah oui, j'ai pas trouvé encore. Peut-être moyen de gérer. Bon écoute, on va chercher, mais en même temps la saison n'est pas finie. Y'a que Mike. Oui, il faut le trouver avant le mois de juin. Parce que quand tu réfléchis, 1,40€ en une semaine, hein, reste quand même pas mal de semaines avant fin juin. Donc je pense qu'on peut lui acheter un petit truc bien. Ouais, on va monter un truc sur ta page. Il y a peut-être moyen, ouais. Un peloton. Je vais créer un compte PayPal. Les auditeurs pourront faire un don pour la barbe de Polo, pas de problème. Ah, j'adore. Bon, bah ouais, ça peut être pas mal. Bon, Miko, rencard la semaine prochaine. Belle semaine à vous. Et bah, belle semaine à toi également. Et puis, bah, bonne semaine tout le monde. On est parti maintenant en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit. Arrête de me faire chier. Mickaël. Mickaël, nos limites. 20h minuit. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Eh ben ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à minuit comme tous les dimanches. Et puis du lundi au jeudi également de 23h à 2h du mat. Benoît qui est avec nous déjà là. Premier sur le coup Benoît ce soir là, comment tu vas? Ça va, et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, passé un bon week-end, chandeleur, crêpe, tout le bordel, je me suis fait péter le beat midi. Bien quoi, tranquille. Eh bah tout ce qu'il faut, tranquille, ouais. Bah voilà, exactement, c'est ce que je me dis aussi. T'as testé la chandeleur ou pas toi, non? Enfin, t'as testé la crêpe plutôt? Bah bien sûr, il y a le dedans où il a fait les crêpes tout à l'heure. Ah, très bien, j'ai essayé d'en lancer une, moi, c'est sans succès, hein. Une catastrophe j'ai envie de dire. Ah bah ouais. Ah, catastrophe merde. De chez catastrophe. Mais bon, ça arrive même au meilleur, hein. Comme quoi, c'est ce qu'il faut se dire. Bah oui. Bon, t'as passé un bon week-end, Benoît? Ouais, tranquille, je suis au ski là. T'es au ski? Oh l'enculé, ouais. Ah, c'est futur jambes cassées ça, non? Non, bon. Ça va, bon, les deux premières fois où j'ai été, moi je me suis fissuré une côte à gauche et la fois d'après une côte à droite. Bon, enfin, souhaite. Ouais, si vous vous êtes déjà cassé les trucs d'ailleurs en allant au ski, si vous y êtes en ce moment là, bah, comme Benoît, là, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Dites-nous, comme lui, si vous voulez passer l'antenne, il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Vous tomberez donc sur Sandro Standard là, qui a bouffé de la crêpe ou pas ce week-end? Non. Oh bah attends, t'es en chandeleur. Bah ouais, ah, mais non. Tu peux faire des crêpes light. Non. T'es pas obligé de mettre du Nutella, de la coco et tout le bordel par-dessus. Ouais, mais bon, j'ai pas le temps de cuisiner. Ah bah ça doit être ça alors le problème. T'offres des crêpes non? Bien sûr, bah, tous les jours en fait, salé et sucré. Bon bah écoute très bien, quoi qu'il en soit des crêpes à base d'amis. Tu vas les niquer ta mère gentiment. Voilà. T'as une petite bite à mon avis. Ouais mais il a peut-être fait des trucs avec la crêpe, allez savoir. Polo qui a passé le week-end aussi à chercher une nouvelle mélodie là pour le pipo. C'est vrai que c'est un peu comme les grands succès, les grandes musiques. Il y a un moment faut renouveler. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau son de Pipo bientôt? Il y a du travail dessus en tout cas. Ouais, j'y bosse. Bon bah j'espère. On se refera évidemment le chéri, je peux te faire cocu. Et alors attention parce que le chéri, je peux te faire cocu pour ceux qui étaient avec nous cette semaine, c'était exceptionnellement lourd. La chance, je vais t'enculer ta mère, c'est ça la chance que j'ai. Bah oui, bah il a eu beaucoup de chance. Hein. Allez, vous enculez vous deux. Voilà, il était énervé légèrement. Vas-y, bah niquez ta mère un peu. Vas-y, passe-moi ma femme. Voilà, tout ça évidemment, c'était sur moi, hein, le chéri, je peux te faire cocu qu'on va réécouter dans quelques minutes. Je vous calerai aussi du son avec le son de Pharrell Williams. Ce sera Happy dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y aura aussi le nouveau Shakira et Rihanna, Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Et puis avant 21h également, hein, le son d'Avicii que Fun Radio est la seule radio à vous passer. Et donc forcément vous l'avez découvert ici, normal. Addicted to You. Mais rassurez-vous, hein, le temps qu'ils se réveillent un petit peu partout là, ils se rendront compte que le morceau est juste énormissime. Et je vous le fais passer tout à l'heure avant minuit pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter. Des fois qu'il y en a qui ont pris 15 jours au ski, hein, pépère, tranquille, à la cool, sans écouter la radio. Et ben vous allez voir le son d'Avicii, je vous le passe tout à l'heure avant 21h. Retour avec Benoît dans quelques minutes. Et puis avec la colle d'Arnaud également là. Ça va Arnaud? Oui ça va, salut. T'as passé un bon week-end toi? Ouais, nickel. T'as fait quoi? Ben j'étais en vacances et là j'ai repris le boulot là ce soir quoi. Ah d'accord, tranquille, tu fais quoi comme taf? Je bosse à la SNCF. Ah ouais, donc t'es un peu en vacances encore, quoi, non? L'enculé, ça y est, c'est tous les mecs de SNCF qui vont appeler maintenant. Hey, enculé, hey, qu'est-ce que tu crois? On travaille, qu'est-ce que tu crois? Bon, et t'étais où en vacances, Arnaud? J'étais à Bordeaux. À Bordeaux, d'accord, ok, très bien. Bon, ah bah impeccable. Ouais. Alors, on va peut-être te filer maintenant, puisqu'attention, je vous rappelle que cette semaine, je vous offre des casques DJ et puis des Xbox One également. Et là, c'est bah tu vas jouer pour tenter de choper justement le casque DJ Arnaud. Attention, pour gagner, c'est simple, il faut que tu balances une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse avant 22h, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, en tout cas la personne qu'on aura appelée à l'antenne, si elle ne trouve pas la bonne réponse, à ce moment-là, c'est toi qui gagne. Vas-y, Arnaud, on t'écoute, ça vaut quand même 200€ le casque. Donc on t'écoute. Ok, alors donc la colle c'est: je pleure lorsqu'on me tourne la tête, qui suis-je? Ah c'est tout. Attends, je répète, ouais. Je pleure lorsqu'on me tourne la tête, qui suis-je? C'est ça? C'est ça, ouais. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, bah allez-y alors, hein. Je pleure quand on me tourne la tête, qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, si vous voulez gagner votre casque DJ, c'est simple. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 par SMS depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi, je vais vous mettre la colle dans 5 petites minutes sur le Facebook de l'émission. facebook.com/M-I-K-L officiel, vous allez pouvoir la lire, comme ça ce sera plus facile. Bon, eh bah écoute Arnaud, on te récupère plusieurs fois avant 22h et puis bah, je te souhaite bonne chance, hein. Ok, ça marche, merci. Salut Arnaud, à tout à l'heure. Bon, et des messages qui arrivent également avant de reprendre Benoît. Il y a Indio le Piu-Piu qui dit bonsoir et gros bisous à toute l'équipe. Bah salut Indio le Piu-Piu, le prince Nadia qui débarque aussi. J'ai moi-même fait mes propres crêpes cet après-midi et je suis en train d'en manger en écoutant l'émission, et qu'elles sont bonnes. Mmh. Oui, c'est les auditeurs ou auditrices, hein, qui sont éventuellement dans le quartier de la radio, hein, vers le 8e, en tout cas sur Paris, et qui veulent passer, faire une visite des studios. Toi, ça fera un plaisir de faire visiter les couloirs, le studio, etc. en échange de crêpes. Bien entendu. Bien, hein, sûr. Ah, on a rien sans rien aujourd'hui. Hein. Bah, oui, qu'est-ce, hein, que tu veux. Et Sophie qui dit: je voudrais faire une dédicace à tous les Adamsiens et Adamsiennes. Bah, c'est fait. Et Loulou Guigui qui dit le dimanche soir c'est Mickaël. Nos limites, parfait après un bon week-end de fête. Exactement, histoire de décompresser avant de reprendre la semaine. Bon, Benoît qui est de retour là. Ben. Oui. Bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi, Benoît là. De la pire honte que j'ai eue dans ma vie. Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis non parce que j'imagine que ça va être du lourd. Enfin, j'espère en tout cas. Oui, du lourd. Ça va être quoi? Ça va être de boulot et de sexe. D'accord. Ah. Non, on peut en parler, hein, si tu veux. Hein. Vas-y, hein, n'hésite pas. Hein. Tout de suite. Ah oui, bah vas-y. Alors là, on va pas perdre de temps là. Ah bah allez, c'est parti. Alors j'étais donc je faisais un boulot saisonnier, donc dans un bar. Ouais. Donc bah il y avait le patron et la patronne, ils étaient mariés. Ouais. Et bah voilà, je voyais bien que la patronne me faisait de l'œil depuis un moment. Donc ça faisait 3 semaines que je bossais. Et à un moment, bah le patron, soit il ouvrait le matin et la patronne le soir et vice versa. Et oui, voilà, c'est jamais là ensemble, quoi. Voilà. D'accord. Et j'étais avec la patronne un soir et puis le patron n'était pas là, donc il y avait plus de clients, on avait fermé. Et puis, bon, on discutait tranquillement et à un moment, elle commence à me chauffer comme ça. Mmh. C'est marrant parce que ça arrive toujours aux autres, ça. Je sais pas si t'as remarqué, mais jamais ça vous est déjà arrivé, vous? Non. Jamais. Bah, moi non plus, jamais. Moi, j'aurais bien aimé me faire chauffer un jour par ma patronne. Mais... jamais, t'as l'impression que c'est des histoires qui arrivent que dans les films. Mais apparemment, non, c'est juste qu'on a la poisse et que ça nous arrive pas à nous. Mais enfin, souhaite. Ouais. Alors, vas-y, continue donc. Bon, après, il faut voir la gueule de la patronne aussi, hein, parce que c'est pas le tout de se faire chauffer par la patronne. D'accord, bon, alors vas-y. Ouais. Et bah du coup, bah voilà, au début j'osais pas trop parce que vis-à-vis du patron et tout, je m'entendais bien avec, je l'aimais bien, quoi. Ouais. Et bah du coup, bon, à force, elle insistait, donc voilà. Toi, t'as fait plaisir, quoi, tu sais, bon prince que t'es, tu t'es dit bon allez. Voilà. Allez, je vais lui faire plaisir à la vieille, C'est peut-être la dernière fois. Ouais, c'est ça, la pauvre. Donc voilà, donc on commençait, donc bah je vous fais pas de détails, hein. Non. Non. Oh, je suis déçu. Oui, bah, moi aussi, mais bon. Et en plein, quand j'étais en train de la chibrer, le patron est arrivé. J'ai beaucoup aimé. Aussi, c'est nouveau, je note sur mon calepin. Chibrer. Donc, le patron est arrivé et... Et bah, du coup, il nous a vus en plein dans l'acte, quoi. Ah, parfait. Bon, alors, reste avec nous. Pas tant parfait que ça. Bon, et bah, reste avec nous, Benoît. On va revenir avec toi dans quelques minutes. On écoutera aussi le son de Pharrell Williams avec Happy sur Fun Radio. Je vous mets la colle là maintenant sur le Facebook, là, dans une minute. facebook.com/MIKL officiel. Et puis, bah, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme pire honte, hein. On fera le tour aussi du studio, là, pour voir un peu ce qui s'est passé chez nous. Et puis, on attend vos appels. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et il n'y a plus de pub maintenant sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun. Là, on est ensemble jusqu'à minuit, comme tous les soirs dans toute la France. Si vous revenez du week-end et que vous êtes sur la route, là, bah, bonne chance. Hein. Puis bon courage aussi si vous êtes dans les bouchons. On est là jusqu'à minuit. D'ailleurs, appelez-nous hein, où vous soyez. 01 42 48 5000. Et la bonne nouvelle également, c'est que ce soir, je vous offre aussi votre Xbox One sur le Facebook de l'émission. Donc si vous voulez la choper, vous faites un like et un partage sur la photo où je suis avec bah, la Xbox One. Et puis si vous êtes tiré au sort tout à l'heure avant minuit, je vous l'offre. Sympa comme cadeau quand même pour terminer le week-end, classe. Plutôt cool. La Xbox One a gagné sur le Facebook et uniquement sur le Facebook ce soir, facebook.com/MIKAELOfficiel. Et venez nous rejoindre également sur le Twitter si vous le souhaitez, tapez MIKAEL underscore, c'est le petit tir en bas, MIKAEL underscore officiel, c'est le Twitter de l'émission. Si vous m'ajoutez, je vous ajouterai également, on se suivra mutuellement. Et puis là c'est parti, 20h13 sur Fun Radio, on s'écoute Pharrell Williams, c'est Happy, bonne soirée tout le monde. Et le son de Pharrell Williams à l'instant sur Fun Radio. Et un petit message de Magda qui dit oui, enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Mickaël No Limit 20h minuit et le dimanche de 23h. Ah non, c'est de 20h à minuit le dimanche et la semaine de 23h à 2h. Effectivement, Magda. Fabienne qui dit tu follow plus par derrière, maintenant tu nous ajoutes. Non, bah je vous continue à vous follower par derrière, les filles. Il n'y a que les mecs que je peux ajouter, évidemment. Pour les autres d'ailleurs, n'hésitez pas hein, sur Twitter et sur Instagram, ajoutez-moi, tapez Mickaël officiel. Et puis bah si vous me suivez, si vous me followez, je vous followerai également donc par derrière. Mais que pour les filles. Claire qui dit génial le son de Happy, bah confirmé, ouais. Et Camélis qui dit salut l'équipe, demain j'ai pas cours et mon copain aussi, alors je vais chez lui et il va me dépuceler, je vous raconterai demain. Ah bah ok d'accord Camélis, mais par contre sois recouverte, hein, n'oublie pas de prendre les capotes, tout le bordel. Et si tu veux, tu nous appelles en direct, on suivra le truc et on donnera des conseils en live. Je donnerai des très bons conseils. Totalement. Et Sarah qui dit Mickaël, je t'écoutais sur ton ancienne radio, trop heureuse de t'avoir retrouvé sur Fun, t'es magique, merci Sarah, gros bisous à toi. Et Lucas qui dit aussi je me pose et j'écoute en me tapant des barres. Bon ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les autres, allez-y, appelez-moi 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique si vous voulez passer dans l'émission. Et puis on va continuer à parler des pires hontes avec Benoît dans quelques minutes. Et ce week-end c'était le nouvel an chinois. Eh ouais, alors je pense qu'il y en a qui ont suivi. On rentre dans l'année du cheval de bois. Ah, ah c'est ouais. Cool. Mais quelle bonne nouvelle. Ouais. Ah bah oui alors. Et qui selon les grands maîtres feng shui donc serait profusion de scandales, de violences, de conflits, de disputes. D'ailleurs, Justin Bieber a démarré la nouvelle en chinois avant nous apparemment. Hein. Puisqu'il s'est déjà foutu dans la merde à plusieurs reprises. Donc d'ailleurs, si vous voulez connaître votre avenir pour l'année du cheval de bois, là, on a un spécialiste qui est venu répondre à vos questions. Maître Ping est avec nous. Bonjour. Bonjour Maître Ping, comment ça va? Bien, merci. Maître Ping est donc le restaurateur en face de la radio. Hein. Ouais. Très très bon toi. Très très bien. Merci. Les auditeurs. Oui, d'ailleurs, merci pour les 10%, parce que quand on va avec la carte de Fun, on a 10%. Oui, bien sûr. De vous les faire 15, ma femme ne veut pas. Ah oui, bah j'imagine. Bon, donc, si jamais vous pouvez répondre à toutes les questions là, des auditeurs éventuels. Bien sûr. Est-ce que vous voyez ce qui va se passer pour Polo, par exemple, dans le Nouvel An chinois? Ça dépend. Quel est ton signe? Quel est son signe astrologique? En chinois ou en... Ah, oui, en tinois, oui. En je sais pas, moi. Chinois, c'est tigre. Moi, tigre, c'est ouais. Moi, je suis un coq. Ah, c'est tigre. Alors qu'il est ta dominante yang. À quoi? Dominante Yang, ton atout principal, il est courageux. Ah, il est courageux, d'accord, oui, ok. Courageux, et moi, le coq? Ah, le coq, une seconde. Ouais, bah regardez pour le coq. Et les autres, allez-y, hein, 01-42-48-5000 ou 02-851-4x0. Je vais vous mettre un post sur le Facebook, vous allez me dire de quel signe astrologique, enfin, de quel signe chinois vous êtes, et puis on fera votre thème avec Maître Ping. Alors, le coq, c'est quoi? Vous êtes dominante Yin. Oui, alors, ok, génial. T'es génial, t'es très important parce que vous êtes quelqu'un de franc et honnête. Ah, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, c'est marqué honnêteté sur ma tête. Par contre, vous êtes vaniteux. Ah bon? Oui. Bon, c'est de la merde, votre truc. Et vous aimez le luxe. Oui, c'est vrai, bah, comme tout le monde, hein. Tout le monde aime bien un mot à l'autre. Maître Pi, est-ce qu'on étoffe? Étoffe, ouais. Étoffe, je sais pas qu'est-ce qu'il est, son signe. Ah, bon, je sais pas, quoi, moi. Ton signe? Je pense que c'est singe. Ah, je croyais que c'était cochon, moi. Ça m'étonne. Ouais, cochon, ça aurait pu être bien, ouais. Cochon de bois. Ouais, alors, Maître Ping, c'est quoi, singe? C'est de la merde. Ouais, alors c'est quoi? Dominante Yang. Ouais. Alors, Dominante Yang est grand défaut, alors il a un complexe de supériorité. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bon, t'arrêtes quelqu'un de lutide. De? Lutide. Lutide? C'est non, lutide. Oui, lutide, c'est non, quoi lutide? Lutide à l'agréable? Lucide. Ah, lucide, d'accord, ah, ok, très bien. Ouais. Bon, attends, on va reprendre Benoît dans quelques minutes. Tiens, et Johan est avec nous aussi pour parler des hontes. Salut, Johan. Salut. Salut. Comment ça va, Johan? Bah ça va super, et toi? Bah oui, super bien, ouais, très bien. Bon, Johan, c'est quoi? Tu connais ton signe chinois là? Bah je suis chien. Ah t'es chien? Alors Maître Ping, c'est quoi les chiens là? Les tiens, mais vous voulez pas l'horoscope de l'année aussi? Parce que là on a fait que le caractère. Ouais, alors allez-y, mais on fera au fur et à mesure là. Bon, terminez d'abord pour Johan et puis on verra. D'accord, alors donc Johan était en fait quelqu'un de fidèle et de loyal. Mais c'est normal pour un tien. Ah, vous êtes loyal, Johan, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous en faites quoi des chiens, Maître Ping, vous? Moi, de l'aimant, c'est très très bon, très très bon. En fait, vous les prenez vivants, vous les plongez dans l'eau. Ça suffit, Maître Ping, calmez-vous. Bon, et sinon, tu veux ton horoscope pour l'année ou pas? Ouais, bah alors vite fait, ah, bon, on fera ça après, non? D'accord, pas de problème. Bon, alors très bien, je viens de mettre le poste là, c'est quoi votre signe chinois? Il y a Maître Ping qui répond à vos questions en direct dans Mickaël No Limit, c'est bon, hein? Bien sûr, je peux donner l'avenir. Ah bah très bien, parfait. Alors on y va, c'est posté donc facebook.com/mickaël officiel, allez-y. Il y a Margot aussi qui dit salut tout le monde, 20 minutes de retard, ma fille ne veut pas que je vous écoute. Oh bah alors, tu sais quoi? Voilà, c'est tout ce qu'elle mérite. D'habitude c'est le contraire. Oui c'est ça. Et Anaïs qui dit je vais écouter Mickaël, ça va me détendre. Bah bienvenue Anaïs. Et Benjamin qui dit moi je suis serpent, je suis 2001. Benjamin serpent. Bah on va mettre un petit dernier là maintenant. Bien sûr, alors, on en fera d'autres tout à l'heure. Alors terpent, terpent. Non serpent, pas terpent, serpent. Oui, avec un S. Peut-être que tu dis terpent. Non avec un S. Oui peut-être que tu dis. Oui enfin bon bref. Bon alors. Alors t'es oulala, t'es quelqu'un de dalouf. Ah oui. Oui, il est tout le temps en train de se poser des questions de suspicion. D'accord, ok, très bien. Voilà. Vous mettez un 17 et un 43 aussi pour ce soir. Bien dur. Parfait, bien dur. Très bien. Bon, alors, Johan. Ouais. Bon, les autres, allez-y, on fera d'autres signes chinois tout à l'heure, évidemment. Alors, Johan, toi, tu nous appelais parce que tu voulais réagir à Benoît. On a perdu Benoît, là, je pense qu'il n'y a plus de batterie, mais on va essayer de le récupérer. Parler des pires hontes, Johan. Alors, c'est quoi ta pire honte, toi? Exactement. Alors, moi, ma pire honte, tu vois, en fait, c'était un délire. En gros, j'allais en soirée et tout, pour l'anniversaire d'un pote. Et là, bon, je suis pas une petite caisse d'habitude en soirée. Mais là, je me prends un shooter pour fêter ça, et là, je me dégueule dessus, mais de partout. C'est bon, ça. Je cours à la salle de bain, j'enlève les morceaux qu'il y a, tu vois, mais l'odeur est restée, du coup, j'ai passé ma soirée seul au fond d'un canapé. Oh, l'horreur. Et puis voilà, personne, donc grosse ambiance, je pense, mais voilà. C'est pas mal, ça, comme pire honte, hein. Ouais. Bon, après, il y a aussi la pire honte de la mère de Toff, le jour de l'accouchement. Oh. Non, parce qu'elle savait pas à l'époque, elle savait pas. La pauvre. J'ai mangé des crêpes d'ailleurs, elle a fait des crêpes, j'en ai mangé une, très très, très, très bonne, très, ouais. Très, mais toujours hein, quand ça vient de chez l'heure de Toff. C'est à dire que là j'ai à manger pour 8 jours. Ah bah elle fait mieux la bouffe que les enfants. Sauf pour sa sœur, qui est très, bien passée avec la sœur. Mais c'est normal, c'est le deuxième coup, tu vois. Elle a mieux travaillé le dossier. Moi j'étais l'ébauche. Bah voilà, c'est ça. Ma sœur a été l'enfant parfait. La débauche, oui. Ouais, la débauche. C'était l'ébauche de la débauche. Voilà, c'est ça. Bon, la pire honte, Toff? Bah, il y a pause caca quand même. Il y a pause caca, mais ça, on a l'habitude. Tu connais l'histoire de pause caca, Johan, ou pas? Absolument pas, non. Non, sérieux, tu connais pas? Attends, je vais la remettre. Comment? Ah, mais dans American Pie? Non. L'histoire de Toff avec. Quand il était au scout et une histoire avec du caca. Ah non, bah non, je connais pas du tout. Non. Ah bah attends, je vais te la mettre. Attends, pour les autres, je suppose que vous allez encore écouter avec plaisir. Et puis alors pour ceux qui connaissent pas, alors écoutez, donc Toff nous explique qu'il a été scout et qu'il y a eu une histoire. Alors, écoutez, c'est l'ardif, je vous la remets, ça dure 2 minutes. Et tu me diras ce que t'en penses après, Johan, pour voir en termes de honte si celle-là a atteint un bon level. Alors donc, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Mais je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah. Et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais. T'as fait les scouts aussi toi ou pas Grâce. Ah non, pas du tout. D'accord, bon. Bon. Et donc, tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que bah, y a pas de toilette. Ouais. Et donc, t'as deux possibilités, soit... Tu chies dehors. Soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout, là. Et donc donc finalement au bout d'un moment fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je chie dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, ouais. Je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fils. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, hein. Elle m'a saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche, elle m'a saoulé. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'es que t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celle qui a été celui qui a été le meilleur, celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc... Attention, Johan. Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Ouais. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Et donc, je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Ah, oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle s'en voyait. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà, alors en termes d'affichage, Johan, on est pas mal là, non? Ah mais là carrément là. Ah là on est plutôt à un bon level hein. Si vous avez eu des pires hontes que celle de Toff, n'hésitez pas à nous appeler hein. Ah bah oui, attends. Donc tu vois Johan, finalement la tienne est pas mal, mais ça reste quand même moyenne. C'est soft hein, quand même. Ouais c'est soft ouais. Non mais en plus le pire c'est que j'ai été scout mais nous on faisait avec des feuilles d'arbres pour s'essuyer. Ah oui bah ouais, des feuilles d'arbres ouais. Pire. C'est encore plus dégueulasse. Bon bah merci Johan en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Bah y'a pas de quoi. Salut à toi, à bientôt Johan, ciao à toi. Puis on va récupérer Benoît dans quelques minutes, Renaud également. On aura Sephora en direct du magasin de parfums. Salut Sephora. Tu peux me mettre un Jean-Paul Gaultier, Sephora. Hé hey Sandra, qu'est-ce que tu veux pour chez... Il y a Sephora là. Il y a Sephora là, on fait commande, tu veux livraison. Ouais, je veux bien du vernis. Voilà, du rimmel. Vous faites du maquillage ou pas? Ça va Sephora? J'imagine qu'on est les premiers à faire ce genre de vanne, non? Sephora. Sephora. Ah ouais, tiens, on a fait des vannes dans le vent là, parce que c'est quoi? Elle a entendu. Bon, on va la récupérer, elle entend rien, Sephora. Ou alors elle sait, elle répond plus au con, tu vois. Elle est où? Non, ouais, c'est bon, je réponds pas à ces connards là, ça sert à rien. Bon, on va faire la call également dans quelques minutes, et puis on va se faire le son de Shakira maintenant. Shakira et Rihanna, Can't Remember to Forget You. On aura aussi les appels de Toff, et puis pour l'avenir dans les signes chinois avec Maître Ping. Hein. Bien sûr, je suis totalement disponible. Voilà. Facebook et Twitter, mettez le hashtag et Mickaël, bien entendu. Allez, c'est parti, 20h28. On est en direct sur Fun Radio là tous les dimanches soirs et c'est Shakira et Rihanna qu'on écoute sur Fun Radio. Shakira et Rihanna sur Fun Radio et il y a Benoît qui vient de me tuer avec son histoire et bonne nouvelle. Apparemment il y aura une nouvelle qui va suivre. Ah, une nouvelle honte qui va suivre. Il y a n'est-ce pas qui dit pire honte que celle de Toff, je crois que ça n'existe pas. Et un duo le piou-piou qui dit je ne l'avais jamais entendu non plus. Coup de pelle pour moi, avec plaisir. Voilà. Et puis n'oubliez pas également qu'on fera tout à l'heure avant minuit là le top tweetos. Hein. Lâchez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis si vous êtes classé numéro 2 ce soir dans le top 5, hein, si vous êtes deuxième auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission, hein, et bien vous repartez. Tiré avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Bon, allez, hashtag Mickaël, n'hésitez pas, il y a Nalia qui dit et pour les dragons, c'est quoi? Bon, on va en parler dans quelques minutes encore avec Maître Ping. On va parler avec. Restez là, il y a des cochons aussi dans quelques minutes là qui vont débarquer là, le signe. Réfléchissez déjà, Maître Ping. Hein. Bien sûr, de tout réfléchir. Bon, très bien, réfléchissez un petit peu. Benoît, qu'on va récupérer pour les pires hontes, on aura Renault également, on va récupérer Sephora. Et puis, vous le savez, tous les soirs, pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion écouter l'émission la semaine, il y a les appels de Toff, hein, on fait les appels tous les soirs sur un thème toujours très culturel. Ah, toujours, c'est totalement. La culture qui prime. Bah totalement, d'ailleurs là on l'avait fait sur la masturbation. Oui, on s'était demandé pourquoi en fait dans une enquête il y avait 7 femmes sur 10 qui avaient répondu qu'elles se masturbaient au moins une fois par mois. Alors quand on demande à des copines c'est toujours mais moi jamais de l'amour, jamais. Me caresser avec mes doigts, oh là là. Mais jamais, c'est sale, alors que comme le dit un grand sage, ce n'est pas sale. Mais évidemment. Exactement, tu découvres ton corps et c'est très bien ainsi. Bon, donc du coup, on avait fait des appels pour vérifier si effectivement, si on arrivait à trouver des filles honnêtes dans ce bas monde. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous masturbiez. Allez vous faire foutre, bande de connard. Mais, enfin madame. Oui, parce que je n'ai pas envie du contraire, tu es seul à faire ce genre d'appel, hein, parce que bande de connards, pour le coup, quand même. Ouais, mais bon. Je savais que vous étiez près de moi. Bah oui, souvenez-vous, hein, on avait rappelé, pour ceux qui écoutent pour la première fois, écoutez, il y a encore 2 appels après, hein, de plus en plus lourds. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais je sais pas ce qui s'est passé. On a été coupé. Et alors? Ben, en fait, voilà, je voulais savoir si elle se masturbait, monsieur. Voilà, donc là, on peut s'imaginer, bon, les mecs sont quand même, ils parlent pas, etc., c'est un peu nul. Mais rassurez-vous, hop là, on a au troisième appel, hein, c'est là que ça se, c'est là que, ça score. C'est là que ça se corse un petit peu, malgré que nous n'y étions pas. On avait rappelé, et c'est là que tout démarre. Oui, excusez-moi, monsieur, je sais pas ce qui s'est passé, on a encore été coupé. Non, mais si t'as des couilles, tu viens devant chez moi et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bah oui, monsieur, mais enfin, je suis un peu loin pour venir jusque devant chez vous, donc si vous pouviez m'expliquer au téléphone, ce serait plus simple. Non, non, ça serait bien que tu viennes devant chez moi et je vais t'expliquer ce qui se passe. Mais. Hey, gros fils de pute. Attends, tu vas bien niquer ta mère, tu raccroches, tu me rappelles encore une fois, je te nique ta mère, tu viens devant chez moi, je te donne mon adresse. Ok? Bah enfin, monsieur, pourquoi toute cette violence? Parce que t'as une grande gueule, là, tu téléphones, là, tu fais chier le monde, pas tu viens casser les couilles. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous appelle parce que je voulais juste savoir si votre femme se masturbait. Mais va niquer ta grand-mère, fils de pute. Ok? Mais enfin. Est-ce que ta grand-mère, elle se masturbe? À son âge, je ne pense pas, monsieur. Eh ben alors, eh ben va lui mettre un gros dos dans la chatte et va niquer ta mère aussi, gros bâtard. Va. Maintenant, si t'as des couilles, tu viens devant chez moi et je te plie en deux, bâtard. Va. T'es de fils de pute, va. Mais enfin, monsieur, toute cette violence ne sert à rien. Ah bah totalement, si, bah vraiment rien. Du coup, bon, on l'avait rappelé encore un coup, hein. Bah oui, ouais, il a mérité. Bah il a mérité. C'est ça, on l'avait rappelé. Vous avez vu, au début, c'était quand même plutôt... Dis-moi, monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé comme ça. T'habites où? Dis-moi, t'habites où, bâtard? Moi, je suis à Paris, monsieur. T'habites à Paris? Oui, monsieur. Moi, je te donne mon adresse maintenant, gros fils de pute. J'ai un tour quoi, je t'explose ta race, ok? Fais ton gros malin, vieux fils de pute de Parisien. Moi. Non, mais monsieur, un peu de calme, enfin... Je comprends pas pourquoi vous énervez, vous me dites juste si votre femme se masturbe ou pas, point, on va passer... Ouais, tu vas voir si elle se masturbe, fils de pute. Mais donc elle se masturbe alors? Ouais, c'est ta mère qui se masturbe, espèce de bâtard. Mais enfin monsieur, un petit peu de calme. Nique ta grand-mère, maintenant je vais mettre en silence, tu pourras t'appeler tant que tu veux pendant la nuit, je m'en bats les couilles, espèce de gamin. Va. Ah donc si vous en battez les couilles, c'est que vous masturbez par contre? Bien sûr, je me masturbe sur ta mère, je me masturbe sur ta grand-mère et je les arrose, espèce de bâtard. Voilà, l'appel s'était donc arrêté là. Nous avions décidé de ne pas aller plus loin. Je pense que nous avions bien fait. Bon, on fait des appels tous les soirs sur Fun Radio. Si d'ailleurs vous avez des gens comme ça très sympathiques, comme celui-là, qui est donc un ami d'un auditeur, il faut le savoir, ou un frère, ou je ne sais pas, puisqu'on vous demande en tout cas. Une connaissance, ouais, puisqu'on vous demande tous les soirs de nous envoyer des numéros de téléphone de gens qui sont bah, comme ce monsieur, très gentil, cordial, agréable, etc. Donc pour les envoyer les numéros, c'est toph@funradio.fr. Bon, on va parler des petits jobs aussi ce soir, là, parce que je viens de tomber sur une coréenne qui a trouvé comment arrondir ses fins de mois et elle arrive quand même à se faire 6000 boules. Waouh! Et en faisant quoi à votre avis? Alors, je donne une info, rien de sale, pas de prostitution, pas de vente d'organes, rien. Le ménage? Non. Je sais pas, des photos? Des photos, non, elle fait pas ça, Sandro, comment est-ce qu'elle. Elle garde des animaux. Elle garde des animaux, c'est bien essayé, ah oui, mais non. Des félins ou des trucs non, comme ça? Non, pas du tout. Elle garde des petits vieux. Non. Benoît? Allô? Ah, Benoît, t'es là? Ouais. Bon, à ton avis, t'as écouté l'histoire là de la coréenne ouais. Là, qui arrive à se faire 6000 euros là, mais à ton avis, comment elle fait? Des cours de fellation, c'est bien essayé, non, c'est on pas a mal. Pas de truc dégueulasse. Non, attends, il y a Claire aussi qui est avec nous là dans l'Indre. Salut Claire. Salut Claire. Les auditeurs sont en diesel ce soir, il faut faut démarrer deux fois. Claire. Mais bon, qui est Claire? On la reprendra après. Sephora. Oui. Ah, Sephora qui est de retour. Dis-moi Sephora, est-ce que tu as une idée de ce qu'elle a bien pu faire la coréenne là pour gagner 6000 euros mais en faisant quoi justement? Non, rien de sale, pas de prostitution, non. Eh ben elle mange, en fait, tout simplement. Hein? Donc la fille se filme tous les jours, à chaque repas, et chaque jour, plusieurs milliers de personnes qui viennent la voir manger. C'est sérieux ça? Voilà, oui c'est sérieux, totalement sérieux. Euros. Donc si vous avez des bons plans pour gagner de la thune, là venez partager évidemment. Hein. Je vous en donnerai un autre tout à l'heure. Un très très lourd que tout le monde peut faire. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Renaud qui est avec nous là pour terminer sur les hontes là. Renaud d'Avignon. Allô Renaud? Oui. Ça va? Oui. Ouais. Très bien. Va, bah bienvenue à toi Renaud. Alors c'est quoi ta pire honte toi? Ben moi j'ai largué la plus grosse caisse de ma vie devant ma voisine. Super jolie quoi. Genre elle est bien ou pas? Ah elle est super bien. Ah ouais. Et t'aimerais bien la pécho, mais sauf que bah forcément avec le peste et la merde quoi. Ouais. Ah vas-y raconte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a dit quelque chose ou elle a fait style, il s'est rien passé? Mais en fait elle est passée chez moi et donc elle a parlé pendant une heure et juste avant qu'elle parte, mais j'ai largué la plus grosse caisse de ma vie quoi. Oh ah, putain. Ah l'angoisse totale. Et attends parce qu'on n'a pas fini avec Benoît aussi. Et Benoît? Ouais. Toi, tu t'indiques que tu t'étais tapé ta patronne et après le patron est revenu, il s'est passé quoi? Ouais, c'est ça. Et bah, en fait, le patron, il est revenu, donc bah voilà, j'étais dedans. Dans la merde ou dans la meuf? Dans quoi? Dans la merde ou dans la meuf? Ah bah les deux. Très bien, vas-y, ouais. Ouais, donc on était un peu mal à l'aise, quoi. Ah bah. Sans déconner, bah oui. Ouais, ouais. Monsieur le directeur, bonjour. Et puis on pouvait pas nier, donc voilà. Donc, il faut toujours nier, même quand on peut pas. Même quand ça paraît mort-né, hein, même si t'es. Là pour le coup c'est le cas, hein, même si tu te fais griller ouais, alors que t'es dans la dans l'autre meuf, tu dis. Mais non, non, non, c'est pas moi, pas du tout. Il y a une erreur. Ouais, enfin bon. Toujours nier. Pas en rajouter non plus, quoi. Toujours nier. Bon après, vous faites comme vous voulez, moi c'est un conseil que je vous donne, mais toujours nier. Donc j'ai eu de la chance, il a été plutôt vers sa femme que vers moi. Ouais. Donc il a été bah voilà, moi il m'a dit de dégager, donc je suis parti. Et au final, ça fait que bah il a viré sa femme donc du bar, donc bah moi aussi évidemment avec. Eh ben forcément, et vous avez ouvert un autre bar en face, non? Non, non, non. D'accord. Non, vous avez appelé ça les cocus. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, donc, plus de taf quoi. Donc non, ouais, voilà, plus de taf. Boah, mais c'est rien, ça. Au moins t'as pêché la meuf ou ah, t'as oui. Pas été jusqu'au bout. Non, non, bah après on s'est revu quoi, donc. Ah bon, bah alors nickel, bah voilà, et ben bah, ça c'est un gagnant, ça Benoît là, parfait. Bah alors. Je suis fier de toi. C'est très bien, bah Benoît et Renaud, merci à vous d'être passés en tout cas. Ouais, pas de problème. Merci. Je peux passer une dédicace. Allez, vas-y Renaud, là, profite à une seule personne, hein, choisis la bonne. À tout le collège Paul Valéry de Roquemort, voilà. Très bien, on embrasse tout le monde là-bas. Et t'as fait passer le message, Renaud, que tu passais sur Fun Radio ce soir? Ouais, à tout le monde. Bon, très bien, et demande-leur des nouvelles demain, voir si t'es passé pour un con pas, Renaud, avec ton père. Ah bah ça sonne déjà, tiens, voilà, hop là, ça vibre. Et attention, ouais. Renaud, rien que pour toi, tout le monde se tait. Voilà Renaud, allez. C'est cadeau. Merci. C'est cadeau, c'est offert. Salut Renaud. Merci. Ciao. Merci Benoît, à bientôt Benoît. Ciao. Ciao à toi, bye bye. Bon, et puis on avait demandé Maître Ping, on avait demandé le cochon. Cochon, bien sûr. Oui, c'est Kylian sur le Facebook qui voulait avoir son avenir en signe chinois. T'es quelqu'un d'égoïste. Ah bon? Oui, mais par contre, il est quand même honnête et rigoureux, mais il est égoïste. Ah, il est égoïste? Oui, oui. Mais honnête et rigoureux quand même. Oui, mais il est maître seul. Ah, il est maître seul, d'accord, ok, oui. Très bien. Bah voilà, Kylian. Les autres, allez-y, hein, facebook.com/MIKLOfficiel ou alors Twitter, vous mettez le hashtag MIKL. Dites-nous de quel signe chinois vous êtes et Maître Ping se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On va également. Ah oui, Toff, ah oui, putain, je suis con. La pire honte! Oui! Ah, ah. Bah alors attention, on y va. Attends, musique de l'histoire, bien entendu. Le roi de la honte est là. Et attention. Alors, donc en fait, j'ai une meuf avec qui j'étais à l'époque. Donc à l'époque, c'était encore des appareils photo jetables. Ouais. C'était il y a très longtemps. Vieux, ouais, déjà qu'on voit. On nous dit que la 40 balais, personne ne croit. Et donc on avait fait des photos, machin, avec des potes et donc deux meufs. Mmh. Bien à poil. Et bien bourrés. Et donc en fait on s'était dit qu'on développerait jamais cet appareil. Et donc j'avais laissé traîner cet appareil. Et un jour ma mère décide de faire du rangement dans le grenier où il y avait un tas de trucs et tout. Et donc elle trouve cet appareil photo jetable. Elle se dit bah c'est bizarre, on n'a pas développé cet appareil photo. Ah bah écoute, est-ce que tu peux pas lui faire développer l'appareil de ton fiche Et donc mais c'est pas possible Toff, t'es un ouf. Donc l'appareil photo est à développer. Et là ma mère récupère donc le... Elle pense que c'est des petites photos de vacances. Attends, c'est pas ça. Ah. C'est pas ça. C'est quand on était en Espagne. déjà le mec qui a développé les photos lui fait comprendre qu'il y a un problème avec les photos, tu vois. Et donc il lui fait donc il lui dit oui voilà vous les donnerez discrètement à celui Mais que tu me racontes, je suis là, pourquoi il dit discrètement, il est con ou quoi? Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Et tu sais, avec un grand sourire et tout, donc bon, ma mère elle comprend pas trop, elle rentre à la maison, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déballe. Elle déballe. Hey. Et là, oh, la honte. Elle tombe sur les photos de sa poêle. N'importe quoi, putain, c'est bon ça. T'as fait une réflexion ou pas? Ah ouais, donc elle m'appelle, elle me fait ouais, j'ai retrouvé un appareil photo jetable. Ouais, et alors? Et bah donc, ouais, je lui dis ouais, mais faut pas le développer, tu peux jeter le truc et tout. Elle me fait non, non, c'est trop tard, tu passeras chercher les photos. Et tu me vois 10 euros. Ah, on est pas mal là, tiens, on est pas mal. Bon, les pirontes, allez-y encore, hein, il y en a pas mal encore là. On va se refaire un coup de la colle avec Arnaud dans quelques minutes, on aura Sephora. On parle de quoi dans quelques instants, Sephora, dis-moi? Oui. On parle de quoi avec toi dans un instant, dis-moi?

Avicii sur Fun Radio avec Addicted to You, je vous l'avais promis. Eh ben le voilà à l'instant là. On va également se mettre le nouveau Guetta là tout à l'heure là, que vous avez découvert sur Fun Radio il y a peu de temps. Shut Me Down. Je vous calerai aussi un son que. Ah, ça fait longtemps, tiens. Drake, hold on, we're going on. Ben on va chiller, ouais. Et pas off, il va chier lui comme d'habitude. Et puis Britney ou ici nouveau là, Till It's Gone. Voilà, nouveau son de Britney Spears que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. Je vous le cale avant 22h sur Fun Radio. Il y a Devers 45 qui dit aussi bravo Moret pour t'être trompé pour le son. C'est un stagiaire en mousse ou quoi? Mais oui, mais c'est ça en fait. Thomas qui dit je cherche une copine aussi, dit à Sephora qu'elle me rajoute sur Facebook. Bah, c'est mal barré parce qu'on n'arrive plus à la joindre Sephora, ce qui est dommage, hein, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Avant de reparler des hontes et de reparler des boulots aussi, je vous ai demandé des astuces, voir si vous en aviez pour avoir des petits boulots faciles qui rapportent de l'argent. Oui, alors, dealer, ça compte pas, hein. On parle de taf Lego évidemment. Hein, il paraît que ça importe bien. Pour toi. Ah oui, mais c'est pas très légal. C'est pas légal du tout même. Bon, avant ça, retour avec Arnaud, puisqu'on donne la réponse dans moins d'une heure maintenant. Arnaud, t'es là? Oui. Bon, très bien. Allez, vas-y, Arnaud, fais péter la colle pour que tu puisses peut-être repartir avec un casque d'une valeur de 200 euros, un casque de DJ. On t'écoute. Alors, je pleure quand on me tourne la tête. Qui suis-je? Qui suis-je, pardon? Voilà, je pleure lorsqu'on me tourne la tête. Proposer un parapluie sur le Facebook? Non. Une éponge? Non. Des oignons? Non. Un arrosoir? Non. Quelqu'un qui dit facile la colle? Citron? Non. Non, non, une serpillière? Non. Un raisin? Non. Une bouteille? Non. Il y a Sullivan qui proposait salut, la réponse à la colle, c'est une boîte à meufs. Non. Non, bon bah très bien, bah, si vous avez la bonne réponse, allez-y, hein. Dans 50 minutes on donne la réponse. À vous de jouer, facebook.com/mikaelofficiel pour répondre, je vous écris la colle aussi comme ça vous pouvez la lire. Et sinon si vous n'avez pas forcément Facebook, vous pouvez envoyer un SMS MIKL espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 6322 depuis la Belgique, hein, et on donne la réponse avant 22h. Tu restes avec nous Arnaud encore un peu là? Oh. Ok, ça marche. Allez, bouge pas de là, Arnaud. Tous les autres, bah, vous nous appelez aussi. Hein, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit, comme tous les dimanches soirs, 20h minuit sur Fun. Et la semaine hein, également, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat. On va parler des hontes encore, évidemment, puisque Toff était le dernier à en faire. Hein. Oui, ah bah, oui des très hontes. Belle honte, je le rappelle. Bah oui, mais avant ça, nous avons notre amie Claire qui est avec nous, oui. Là, qui 25 ans, oui. Claire, dans l'Indre. Oui. Et oui, oui, oui. Bon, Claire, tu nous avais appelé. Oui, tu nous avais appelé parce que tu voulais ton thème chinois. Oui. Oui. Bon, t'es de quel signe, dis-moi. Allô. Allez, parti. Allô. Oui. Oui. À moi. Claire. Allô. Claire, t'es pas sérieuse là, quand même. Ah ben non, Claire. C'est sérieuse. Je suis là. Mais on t'entend mal, hein. On t'entend relativement mal, mais c'est allô, pas grave. Claire. Bon, Claire. Oui. Bon, très bien. Alors, oh. Elle est là, c'est bon, parfait. Alors, on y va. C'est quoi ton thème? C'est quoi ton signe plutôt? Dragon. Ah, c'est dragon. Oui, c'est vrai. Tu l'avais déjà dit en plus. C'est parti. On y va. Bien sûr. Alors, Claire, combien me dures-tu? Non, je vois pas le rapport, Maître Ping. Ça n'a rien à voir. Ah, pardon, t'étais pas à t'étoffe. Il m'a dit, il faut demander. Mais non, ça. Mais non. Oubliez-le. C'est un idiot. Oh ah, là pardon. Là. Dieu m'excuse. De me tuer emporté. Donc oui, donc elle est dragon. Alors donc pour dragon, elle a beaucoup de chance normalement dans la vie. Ah bon, t'as beaucoup de chance ou pas Claire? Oui. Ah très bien. Mais, par contre, c'est une chieuse. Elle n'est pas tolérante et pas patiente. Ah t'es chiante? Oui oui. Oui. Non. Non t'es sûre? Je suis sûre. Bon d'accord, ok. Si t'es certaine, alors tout va bien. Bon de toute façon, on t'entend mal. Par contre, moi je vois dans ton signe chinois que tu vas devoir changer de téléphone aussi Claire. Ah. Ah ouais. Ouais, parce que là on entend une note sur deux là si tu veux. Ah oui, mais tout à l'heure je vous entends une note sur deux. Ah oui, bah ça doit être pratique tiens dans les oreilles, tu vois, vachement pratique à mon avis, effectivement. Ouais. Bon. Dans les oreilles. Bon, et donc c'est tout Maître Ping? Bien sûr, sinon tu peux vous dire qu'en amour elle n'est capable de fidélité qu'avec les hommes qui l'admirent. D'accord. Ah c'est vrai. Oh bah voilà Claire. Je le savais. Comme ça on a répondu à ta question Claire. Et ton plus grand rêve c'est de devenir une star, mais ça n'arrivera pas. Ah bah super, bah voilà. Au moins comme ça c'est positif. Bon bah voilà Claire, en plus c'est un grand spécialiste des signes chinois qui répond évidemment à toutes vos questions. Hein. Oui. Attends une seconde Claire. Je voulais juste lui dire avant de partir que le stage a dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quel temps tout vienne dans ta vie. Ah merci Maître Ping. De vous d'en prie. Très bien. Bon bah vas-y Claire, à une seule personne, choisis la bonne. Ah mon frère Kevin à Limoges. D'accord, bah on embrasse ton frère Kevin à Limoges, pas de problème. Salut Claire. Au revoir. Eh ben salut Claire, à bientôt. On va parler des hontes aussi avec Olivier qui est avec nous de Montpellier là. Comment ça va Olivier? Salut l'équipe, ça va? Ça va bien et toi? Tranquille, tranquille. Hein. Bon, très bien. Alors, Olivier, dis-nous, qu'est-ce qui se passe par rapport aux hontes là? Qu'est-ce que t'as fait comme pire honte? Après, attention, après les deux hontes de Toff, la barre est haute. Ah, ben, il y a les professionnels de la honte et puis il y a les autres. Ah, c'est sûr. Ouais. Alors vas-y, c'est quoi le tien, la tienne, Olivier, la honte? Alors on va dire que j'étais avec mon ex chez moi, tranquille. Du coup, il y avait personne chez moi parce qu'ils sont partis, mes parents sont partis faire des courses. Ouais. Et du coup, mais je pensais que j'allais voir pour 2 heures. Donc je me suis dit, bon, vas-y, on va le faire. Et comme ma copine ne l'a jamais fait avant, donc c'était sa première fois. D'accord. Et du coup, vas-y, on le fait. Et on était au missionnaire. Ouais. Mes parents qui rentrent, je me suis dit, c'est bon, ils vont comprendre, ils vont pas rentrer dans la chambre. Bonjour, on a ramené on a ramené à manger. Hein. Je t'ai ramené tes gâteaux préférés. Tiens, regarde les petits gâteaux, les petits lus, là, on les a ramenés, comme on est gentil. La mère qui pleure. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc c'est presque ça en plus. Du coup, ma mère qui rentre dans la chambre, elle ouvre un peu la porte, oh, excusez-moi. Du coup, elle referme, mais 2 secondes après, elle rouvre la porte, elle arrive. J'ai fait des crêpes. Elle avait jamais vu mon ex à l'époque. Ouais. Du coup, elle arrive puis elle tape la bise à mon ex pour connaître tout le et alors qu'elle salut, était ça va alors qu'elle était à Walpé, c'est ça? C'est ça. Oh, oh merde, on est bon là quand même. Bonjour, je me présente, je m'appelle je suis la maman d'Olivier. Hein, je vais être votre belle-mère. Voilà, vous n'avez pas ça. Un poil, vous êtes épilé. Ouais. Bon alors, est-ce qu'il vous l'a bien mise? Est-ce qu'il a été bon au lit là, dites-moi? Non, et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, c'est tout? Et du coup, enchanté, l'air d'Olivier et tout, pour une fois qu'on se voit, je me suis dit, on aurait pu se voir autrement qu'à ce moment-là. Ouais, mais casse-toi de la chambre à un moment, hein. Mais moi, le truc, c'est que ça m'a tout cassé. Ah bah tiens, sans déconner. Voilà, mon ex qui était mort de rire, ma mère aussi, et moi, je me cachais sous le drap. Oh ouais, putain, mais tu m'étonnes, évidemment, quoi. Mais ça se trouve que ta mère, elle a rien capté. Si. Non, mais genre, attends, bah, t'es dans le lit. Dans une chambre, tu vois. T'es dans le lit, t'es avec ta meuf dans le lit avec la couette par-dessus. Mais bah, tu fais rien. Daronne, tu vas pas. Mais tu vas pas te claquer une bise. Mais non, ça je confirme, mais c'est ça, tu vas pas. Ah, la daronne à Toff. Le truc, c'est que mes parents, ils sont partis en voyage. Ils m'avaient ramené un truc, tu sais, qu'on met dans les portes, devant aux hôtels. Ah, ne pas déranger, ah oui, do not disturb. Et on avait fait un truc avec mes parents, et quand j'ai ça, il n'y a personne qui rentre dans ma chambre. Ah ouais, bah là-bas. Ouais, mais j'ai pas vu, j'ai oublié mes lunettes. C'était ça, et ils ont peut-être oublié, du coup, ma mère, voilà. Pas mal. Et pas mal, Olivier, hein. T'es bien classé dans les hontes, là. Attends, il y a Thomas aussi avec nous, là. Salut, Thomas. Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Bon, ça va, très bien, Thomas. Sois le bienvenu. Alors, toi, t'appelles d'où, toi? T'appelles c'est pas la joie. T'appelles de Tarbes, c'est ça? Ouais. Bon, qu'est-ce qui va pas, Thomas, là? T'as un problème? Ouais, en fait, j'étais en cours et j'avais la chiasse et du coup, je me lâchais et j'ai dit que c'était la meuf de derrière et du coup, c'est elle qui a tout pris. Quel enfoiré! Oh là là! Mais attends! Non mais... T'es sérieux? Donc ça veut dire que... non mais, je veux dire, t'as juste pété ou t'as chié? Non, j'ai... au début, c'était juste des pets, après je me suis chié dessus. Mais comment... Ah non, mais c'est lui qui a tout pris, c'est-à-dire que... Attends, réexplique parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Qu'est-ce qu'il a pris quoi? Bon, voilà, j'ai lâché, c'est du coup je me lâchais et la meuf qui était tout le monde s'est tournée et j'ai dit que c'était la meuf de derrière et du coup la prof elle a engueulé la meuf de derrière. Ouais, mais d'accord, mais ça se voit un moment que c'est pas lui. Enfin, tu vois, si tu t'es fait dessus. Bah ouais, mais du coup j'ai essayé d'être le plus discret, ça se tournait, je sais pas, 5-10 minutes après. Ah oui, d'accord, ok, ouais, donc il a été... C'est juste la sortie qui a dû être un peu particulière. Ah oui, je confirme, effectivement. Et alors, attends, il y a aussi Thomas, un autre Thomas, cette fois-ci, dans les Ardennes. Salut Thomas. Ouais, salut. Comment ça va? Ouais, ben ça va et vous? Bah oui, très bien Thomas. Alors est-ce que, parce que la barre est haute en termes de honte avec Toff et avec Olivier là, Thomas, quelle est la honte pour toi, la pire? Ah, je pense que je suis pas mal. Là. Alors vas-y, nous sommes tous oui. En fait, tu sais, comme tous les gamins de 14-15 ans, tu sais, tu te dis, bon, tu vas regarder sur les trucs de boucle, tout ça, donc voilà, tu vas télécharger des films à gogo, tout ça, que tu regardes sur télé, tu vois. Ouais, normal. Et puis, bah, moi, pour éviter de me faire cramer par ma daronne, je me suis dit, tiens, j'ai des boîtes de jeux qui servent à rien. Les boîtes de quoi dedans, tu sais, les boîtes de jeux. Ah, les boîtes de jeux, ouais. Donc ils me servent à rien, donc pour éviter de me faire cramer, je vais les mettre dedans, tu sais. Ouais. Et puis Mais un beau jour, mon voisin est venu chez moi, mon petit voisin qui avait une dizaine d'années. Oh non. Et puis, si. Et puis il me fait comme ça, mais tiens, ça serait bien que tu me prêtes ces jeux-là, là, là, là. Ouais, ok, ben vas-y, prends-le. Alors moi, j'ai plus capté du tout, je me souviens absolument de ça. Et puis, 3-4 jours après, sa mère est venue me revoir et elle me fait, tiens, la prochaine fois que tu prêtes des jeux à Félix... je dois regarder ce qu'il y a dedans. Alors, mais pourquoi? Là, c'est comme ça, elle me tend une enveloppe, je dis merde, qu'est-ce qu'elle me donne, tu sais. Tu te tapes un peu l'air con, et là, je regarde, et puis j'ai rien fait. Ah ouais, ah merde. Ah, désolé, j'y pensais plus. Attends, on t'entend mal, là, t'es en train de passer sous un tunnel, Thomas, là. Ouais, non, bah, je bouge pas, là, pourtant. Non, mais du coup, ça captait moins bien, mais c'est pas grave. Donc après, alors, la finalité, c'est quoi? Bah en fait, sa mère m'a ramené les DVD. Et ça a coupé. Et ça a coupé, effectivement. Donc t'as eu les DVD. Le principal, c'est qu'elle n'est pas jetée. Ça, c'est le principal. C'est vrai. Ouais. Au final. Non, mais c'est vrai quand tu vois. Bon, dites-nous si vous avez encore des hontes, là. On en parle évidemment. Merci Olivier. Merci les deux Thomas d'être passés, là. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Ouais. Salut. Salut okay. À vous. Ciao. Bye bye. Et restez bien sur Fun Radio. On va prendre Johan aussi dans quelques minutes. On aura toujours la colle avec Arnaud. Benjamin qui a apparemment une astuce pour se faire de l'argent facilement, facile. A priori. Donc on en parle. Le temps d'écouter le son. Bah, je vous l'avais promis, hein. Le son de Drake maintenant sur Fun Radio au cœur d'une heure sans pub. Hold on, we're going on. Et il y a toujours l'Xbox One à gagner sur le Facebook de l'émission. Venez nous rejoindre. Vous faites un like et un partage sur la photo où je suis avec la Xbox One. Si vous êtes tiré au sort avant minuit, c'est pour vous. Facebook.com/MIKLOfficiel. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Bienvenue. Drake sur Fun Radio avec Hold on, we're going on. Il y aura David Guetta, je vous l'avais promis, il va arriver. Shut Me Down, et puis je vous avais promis aussi le son de Britney. Till It's Gone. Voilà, ça va arriver sur Fun Radio avant 22h, donc restez bien à l'écoute si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit, hein. On est là tous les soirs sur Fun Radio, 20h minuit le dimanche, 23h, 2h toute la semaine. Il y a Félicia qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit « Salut bande de salopes, je vous aime, putain, je suis en retard, mais je regardais Games of Thrones, les amis, ne me frappez pas. » Ah bah alors là, Félicia, je suis désolé, mais c'est la même règle pour tout le monde. Ah ouais. Il faut pas arriver en retard, Félicia. Quentin qui dit « Je fais un gros bisou à ma mère Anne-Sophie, à mon père Jean-Marc, et à ma sœur Manon et à ma chérie d'amour Marine, je vous aime tous. » T'abuses pas un peu, Quentin, là quand même, hein. Et alors Endule Pio Pio qui dit petit message de bienvenue pour Paps Tony qui est nouveau. Bah écoute, avec plaisir, hein, s'il est nouveau en plus, avec grand plaisir. J'en ai un bien là. Je m'excuserai, j'ai une journée d'enculé, mais vraiment de chien de la casse. De chien de la casse. Et puis message aussi de Marlex qui dit oh yeah, j'arrive Mickaël, ça fait une semaine que j'ai pas écouté. Un petit coup de pelle pour moi. Bah alors là, hop, et un deuxième. Voilà. Allez, toujours là jusqu'à minuit, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je vous disais tout à l'heure que j'avais un bon plan pour gagner un peu d'oseille. Oui. Parce qu'il y avait une bonne femme là qui avait gagné 6000 euros pour arrondir ses fans de moi juste en mangeant. C'est-à-dire qu'en fait elle se filmait en mangeant, elle mettait les vidéos et les gens allaient voir et voilà, ça lui faisait gagner de l'oseille. Bah, d'ailleurs Sandro va bientôt commencer. Hein. Oui, exactement, pour gagner de l'oseille en mangeant. À chaque fois qu'elle va manger, elle va le filmer. Et avec un peu de bol, ça arrondira les fins de mois. Enfin, ça remplira les fins de mois plutôt. Enfin, ça remplira le mois tout court. A priori. Et donc du coup, c'est un Italien cette fois-ci qui a lancé ça. Il fait la file pour vous. Alors pour 10 euros, il va faire la queue pour vous, que ce soit pour déposer un recommandé, acheter quelque chose ou n'importe quelle queue. Il l'a fait pour vous. 10 euros, ça coûte, ça va? Bah, c'est cool, ouais. Ça dépend de la queue, quoi. Ouais, mais disons que si tu veux le nouvel iPhone et que t'as envie de faire la queue pendant 4 jours à l'Apple Store, bon, déjà, ça va te coûter cher, hein, parce que à l'heure, ça va quand même te coûter le téléphone, je pense. Ouais. Mais c'est surtout que si t'as une petite queue, ça va, quoi. Ouais, mais la dernière fois, moi j'étais à la poste. Franchement, si quelqu'un avait pu faire le truc pour moi, ça m'aurait fait plaisir. Ah, mais comme Toff, il a une petite queue, c'est pour ça qu'il préfère demander à l'italien de lui faire la file, quoi. Et on rigole, on est con. Benjamin qui est avec nous de Fontainebleau là. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Comment ça va? Salut. Salut toi. Est-ce que tu louerais les services de l'italien là pour faire une petite queue? Non. Non, d'accord, ok, très bien. Mais c'est pour ça, voilà, hein, 10 euros de l'heure. Quand tu vas à la sécu ou à la poste tout ça, bah tellement tu te fais chier, t'es bien content qu'il y a un mec qui le fasse à ta place. Ah ouais, mais enfin 10 euros ça te coûte quand même le prix du recommandé, hein. Eh mais en règle générale tu restes pas 2 heures. Non ouais. Mais bon, à voir après. T'es pépère, comme ça t'as. Est-ce que le mec fait comme tous les trucs, c'est heure entamée égale heure due. Donc le mec fait la file 3 minutes, il prend 10 euros quand même, hein, il a niqué son heure lui. Ce qui a priori tomberait sous le sens. Et là où il est fort, c'est s'il fait la queue pour plusieurs personnes en même temps. Voilà, c'est ça, ouais. Bon alors c'est quoi ton astuce toi Benjamin pour gagner de l'oseille? Oui, alors j'ai inscrit sur un site internet qui s'appelle Zema. Et le droit d'inscription c'est 400€ par contre, mais si on trouve, comment dire, 3 personnes dans le premier mois, on gagne, comment dire, un bonus de 550€. Attends, j'ai rien compris. Donc c'est quoi le concept? Donc, tu dois aller sur un site, tu dois te faire membre, ça te coûte 400 boules, et puis si tu trouves d'autres membres qui eux aussi vont forcément payer ça, du coup ils te donnent 500€. Il te donne un bonus de 500€. Ouais, mais ça sert à quoi si t'as rien en fait? C'est la pyramide, ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une histoire de pyramide, voilà, tout à fait. Ah ouais, mais c'est pas légal ça en plus, si? Non, il paraît que non. Je pense pas, hein. C'est-à-dire qu'en fait, parce que quand t'es sur ce site, t'as rien. T'as accès à rien, enfin, t'as rien. Si. En fait, tu dois juste essayer d'escroquer les autres gens, quoi. Non, du tout, parce que, comment dire, ça a démarré aux États-Unis il y a 2 ans, il y a plus de 65 000 candidats utilisateurs, et en France, ça a juste commencé il y a même pas un an. Je connais un pote qui était depuis 10 mois, il se fait environ dans les 5 000€ par mois. Ouais, mais il faut quoi? Il faut. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que t'as rien en fait avec ça. C'est juste que tu dois enfumer les gens, parce qu'au final, t'as quoi sur ce site? T'as quoi comme avantage? Vous connaissez, enfin, j'ai pas envie trop de donner de marque. C'est comme une boisson énergisante. En fait, tous les mois, ils vous envoient un pack de 60 canettes chez vous. Ouais, enfin, ça fait cher 400€ quand même, hein. Ouais, mais bon, c'est vite fait avancer aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, pourquoi pas. Après, faut voir. Méfiez-vous. Je suis pas sûr que ce soit très légal ce truc. Donc faites quand même attention avant de faire n'importe quoi. Mais bon, why not. Donc ça, c'est un bon concept pour arrondir les fins de mois a priori. Voilà, enfin, et... il faut avoir le budget de départ. Bah, il faut déjà avoir 440€. C'est 440, c'est ça? Non, 400. 400, ouais. Il faut déjà avoir 400€ effectivement à mettre dans le site à la base. Mais c'est clair. Bon, bah merci en tout cas, Benjamin. Là. Si vous avez d'autres astuces, appelez-moi. Hein, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On attend tous vos appels, bien évidemment. Merci Benjamin. À bientôt. De rien. Au revoir. Salut à toi. Ciao. Retour avec Léon dans quelques minutes avec Kylian et avec Emeric. Et puis Sephora le retour là. Qui cherchait un mec là. Sephora. Oui. Ça va bien. Sephora, oui. T'as bien pris toute la commande de tout à l'heure. Ah oui, parce que Sandro ne rigolait pas là, elle voulait le rimmel et tout le bordel. Hein. Et moi un parfum là. Bah bien sûr. Dior. Bon, et Sephora. Désolé. Tes parents étaient fans de la boutique qui t'ont appelé comme ça? Ouais, je pense. C'est un truc de ouf quand même. Bon, Sephora, donc toi tu nous appelles de Saint-Denis, c'est ça? Sephora. Ouais. Dans le ouais. 9-3. Je me permets, ouais. Si t'as une fille, tu vas l'appeler Mariono? Non. Hop, voilà. Ça aurait pu, ça aurait pu. Non, c'est vrai. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Oui, c'est vrai. Au moins, on a fait les marques de tout le monde. Bon, toi, tu nous appelais parce que tu cherchais un mec, Sephora, oui. Parce que t'es célibataire depuis un mois, c'est ça? Oui. En même temps, c'est pas très grave vu ton âge, hein, Sephora. Hein. Ouais. Je veux dire, ça casse balai. Il y a pire comme problème d'être célibataire depuis un mois, tu vois ce que je veux dire? Mais. Ouais. Mais Sephora, moi qui suis un spécialiste de l'amour et des relations romantiques amoureuses, ça bloque où? Je sais pas. Mais ça bloque où? Il y a bien vraiment. Ah oui, attends, parce qu'il y a la mère qui gueule là derrière. Ok. Très bien. Bon, alors du coup, Sephora. Oui. Voilà, mais la prochaine fois que tu cries à ta mère, n'hésite pas à retirer le téléphone de ta bouche pour crier, puis après tu le remets, parce que là on a failli tous mourir sourds là, a priori. Hein. Mais c'est pas grave, Sephora. Donc tu cherches un mec. Écoute, ça tombe bien parce que nous avons toujours avec nous notre grand spécialiste de l'astrologie chinoise, Maître Ping. Bien dur. Voilà, alors t'es quel signe chinois toi, Sephora? Je sais pas. On est cheval. Ah, t'es cheval? Oui, né en décembre 1998. Ah, t'as donné naissance au standard, très bien. Bien sûr. Bon, c'est parfait. Donc, alors donc du coup, cheval. C'est une femme loyale et élégante. Par contre, elle se la raconte trop. Ah, la raconte trop. Oui. Et alors sinon en fait en amour elle est passionnée, elle aime la conquête, mais surtout elle aime que ça change vite. Ouais. Donc elle ne sait pas rester, elle doit rester. Soit amoureuse, soit après elle est égoïste avec ton amoureux. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Très bien, ça me paraît pas mal ça, Sephora. Hein. Oui, sinon j'ai quelques petits conseils. Alors il faut absolument éviter les rats et surtout les dragons, parce que les dragons, ça va pas du tout avec le cheval. Voilà, donc dans les signes astrologiques, tu regardes avec tes mecs et t'évites les dragons et les rats. Oui, alors attention aussi aux cochons. Ah, les cochons non plus, il faut pas les prendre. Oui, parce qu'en fait elle va juste, les asservir. D'accord. Voilà. Très sinon, bien. Sinon, les bons signes qui marchent bien, t'es le tigre, le lapin, la chèvre et le tien. D'accord. Bon, bah voilà, très bien. Et accessoirement, si vous êtes un mec tu les cherches vers quel âge là? 16? 16, 17, 18. 16, 17, 18. 18, c'est mieux. S'ils ont une voiture, c'est encore mieux, quoi. Non, mais voilà, mais tant qu'à faire. Elle est dans le 9-3, voilà, là, Sephora. Donc, si jamais ça vous intéresse, les mecs, vous appelez le standard maintenant. Et puis, on donnera vos numéros à Sephora. Donc, 01 42 48 5000, n'hésitez pas. Bon, voilà, Sephora, écoute, là, le message est passé. Tu ressembles à quoi? T'es blonde, t'es brune? Non, je suis blague. T'es black, d'accord, ok, très bien. On parle de tes cheveux. Oui, oui, mais je parlais des cheveux, mais bon, en l'occurrence noir, donc très bien. Eh ben, parfait, bah, le message est passé. Sephora, hein, on va essayer de trouver quelqu'un. D'accord. Voilà, je te fais des bisous, Sephora. Bisous. Salut, et attention, attention avec les dragons et les rats alors. Hein. Oui, t'es là, faut éviter les dragons et rats. Et vous saviez que Danny Boone, il est cheval. Ah non, je savais pas. Bah, je vous le dis à Tom Cutter aussi. Eh ben, on se couchera moins con ce soir, merci. Sinon, par contre, j'en ai un que ça va pas lui faire plaisir. François Hollande aussi, les chevals. Ah, les chevals aussi. Ah, parfait. Allez, bon courage. Salut Sephora, ciao à toi. Hein. Ciao. Allez, bye bye. On va parler des ondes dans quelques minutes avec Emeric, avec Kylian. On va faire les appels avec Toff également. Et puis, la colle également, toujours avec Arnaud. Le temps d'écouter le son de David Guetta maintenant. Bah, souvenez-vous, je vous l'avais fait découvrir la semaine dernière sur Fun Radio. On était bien mis dimanche dernier. Shut Me Down, le dernier son de David Guetta que vous écoutez sur Fun Radio. Il est 21h33, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit sans pub. I was five and he was six. Le son de David Guetta sur Fun Radio, Shut Me Down. On est toujours au cœur d'une heure sans pub sur Fun. Il y a Félicia qui dit moi je suis coq, il va m'arriver quoi de nul cette année? Je vais rester célibataire ou pas? Et libre ou pas aussi d'ailleurs Alors maître attendez, Ping, maître Ping. Coq. Coq. Bon bah regardez. Musique. Attendez, je cherche. Oui bah regardez. Bah oui, coq, je cherche des informations, une seconde. Bah oui, mais enfin bon, allez-y. Alors. On a la coq, tout va bien te pâter. Ah oui. Ça c'est vraiment le tu sais l'astrologue de merde. Ça va? Oui, oui, génial. Ah bon, bah très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, t'es aucune péripétie, pas de problème, aucune menace de sécurité. Bon, très bonne année pour le coq et le teval. Voilà Félicia, hein, si tu es contente de cette réponse de ce charlatan, n'hésite pas à nous le dire. Ma pire honte, me faire surprendre en pleine branlette quand j'avais 12 ans, c'est Xavier. Ah ouais, ça arrive ça. Hein. Stéphanie qui dit Sephora, il faut lui trouver un mec qui s'appelle Yves Rocher. Et Guillaume qui dit moi je me gaffe de crêpes au Nutella en vous écoutant, triple coup de pelle pour moi. Bah je confirme, tiens. Tiens, et encore une fois, voilà. Bon, avant de récupérer Emeric justement et Kylian pour parler des pires hontes, on va faire les appels, hein, comme tous les soirs, vous le savez, on en fait avec Toff tous les soirs de la semaine, et là, on va parler branlette. Oui. Oui, bah c'est ça, motivation sexuelle, etc. Voilà, etc. C'est ça, en gros, c'est qu'est-ce qui... quand vous allez faire l'amour, qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour? Voilà. Donc, je rappelle quand même que les trois premières réponses, c'était l'attirance, le plaisir physique... Et ça fait du bien. Exactement. Et que par amour n'arrivait que 8e. Voilà, donc on avait appelé des gens et donc on va les rappeler, on va les appeler maintenant, c'est parti. Et donc si vous avez des numéros de gens encore debout, n'hésitez pas, hein, et surtout qui sont assez rock'n'roll dans leur état d'esprit, bah vous envoyez les numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on fait le premier appel maintenant. Attendez, merde, on fait de la merde. Attendez, où est-ce qu'il est? Ah bon, on va faire les appels après. Bon, c'est pas grave. On va d'abord prendre Emeric, parce qu'on a un petit souci avec le son. Emeric. Ouais. Ouais, Emeric. Bon, ouais, avant, on va faire les appels juste après. Ouais, Emeric. Salut à toi de Maubeuge. Bon, alors, Emeric. Ouais. Alors, c'est quoi, toi, ta pire honte, puisqu'on en parlait justement, tiens? Bah, alors, c'est une honte, mais interplanétaire. Mais bon, c'est bien fini quand même. Hein. Attends, une honte interplanétaire. Alors, ouais, vas-y, explique-moi le dossier de la honte interplanétaire. T'étais sur Pluton ou sur Vénus? Ouais. C'était plutôt Vénus, ça, sur ce coup-là. Ouais. D'accord. En fait, tout simplement, j'étais célibataire à ce moment-là et une fille m'intéressait là, sur mon lieu de travail. Et malheureusement, mais elle était plus vieille que moi. Et on m'avait bien averti que c'était pas possible si j'étais plus jeune de pouvoir sortir avec. D'accord. Donc j'ai simplement menti sur mon âge. Ouais. Voilà. Mais l'affaire a continué, la vie a passé, un an s'est écoulé et le jour de mon anniversaire est arrivé. Et là j'ai dû m'expliquer sur les 50 différences qu'il y avait entre elle et moi, c'est-à-dire plus jeune. C'est pas mal. Et oui, et puis l'affaire s'est bien terminée car aujourd'hui elle est devenue ma femme. Non. Bah voilà. Non. Ah ça va, c'est une pire honte qui se termine quand même pas mal au final. Voilà. Bon, voilà, c'est bien. Ouais. Voilà. Et c'est une honte que j'ai eu du mal à avouer. Bah oui, parce que le problème c'est que plus le temps passe. Plus le temps passe, plus t'es emmerdé parce que tu... Merde, ouais. Voilà, c'est exactement ça, plus tu t'enfonces, exactement. Et vous avez bien retenu la leçon. Quand le gâteau est arrivé avec l'âge de 35 ans dessus alors que... Bah ouais. Voilà, quoi. Enfin, pas 35 ans, je me trompe, il y a 5 ans de différence, à l'époque c'était il y a 8 ans. Je veux dire, j'avais 25 ans, elle en avait 30. Ah oui, oui, forcément. Ouais. Donc voilà, quoi. C'était un peu, enfin c'était chelou, je me souviens plus de la différence exactement, mais c'était chaud, quoi, il a fallu lui faire avaler. Quoi, et, ah, il a fallu lui faire avaler, bah oui, j'imagine. Ouais. Bon, alors attends, parce qu'il y avait aussi Kylian qui est à Lyon, là, qui a aussi une pironte, là. Salut Kylian. Salut. Comment vas-tu ? Bien et vous ? Bah bien Kylian, sois le bienvenu. Alors, c'est quoi ta pire honte toi ? Bah moi ma pire honte c'était un soir. C'était la première fois que mon copain il dormait à la maison. Ouais. Et ma mère, enfin on commençait l'acte sexuel avec mon copain. Ouais. Et ma mère elle m'envoie un message, faites-moi le bruit. Oh c'est bon ça ! Ah oh, ça va, c'est cool ça encore Ouais. Ouais, bah après, attends, t'as des parents, ils disent vous faites rien chez moi, etc. Donc le fait de t'envoyer un message dire, en disant bah faites un peu moins de bruit, ça reste bon esprit, tu vois, ça aurait pu être pire de la mère. Bah après, on a plus envie. Après ça coupe un peu l'envie, ouais, ça c'est clair. Dites-nous les autres, hein, appelez-nous encore si vous avez pire honte là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Merci Emeric, merci Kylian. Allez, ciao, salut à vous. Allez, ciao à vous. Merci d'être passé sur Fun Radio. Bon, allez, on va faire l'appel maintenant. Le problème est résolu. Donc, c'était par rapport à ce qui vous motivait à faire l'amour, c'est ça ? C'est ça. Et voilà. Je rappelle donc que par amour n'est qu'en 8e position. Exactement, ce qui est quand même assez violent. Donc, on faisait les appels. C'est parti maintenant, comme on fait tous les soirs d'ailleurs. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir ce qui vous motivait à faire l'amour avec votre femme. Et que ça peut te foutre, espèce d'enculé. Bah, c'est juste pour savoir, monsieur, enfin, un petit peu de... Allez, va te faire enculer. Mais enfin, monsieur... Est-ce que vous êtes motivé à faire l'amour avec votre femme ? Ah, c'est des cons qui font les cons. C'est sérieux, tu le réponds avec ta mère, tu te laves le cul, là, pour le coup. Et t'as eu le dire avec ta mère. C'est une histoire, j'ai pas mamie. T'as eu mamie. Voilà. C'est des cons qui font les cons, hein, oui. Ça vous avez pu le remarquer. On avait donc rappelé, évidemment, vous nous connaissez, on ne s'arrête pas au premier appel. Jamais. Jamais. Allez. Oui, excusez-moi, on a été coupé, monsieur. Votre correspondant vous a mis en attente. Bah veuillez patienter. Oui, allô. Oui. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. Non, mais c'est quoi cette connerie là ? Mais c'est pas une connerie, monsieur, je voulais savoir ce qui vous motive à faire l'amour avec votre femme. Non, non, non, mais qui êtes-vous déjà, pour commencer ? Bah, je m'appelle Toff, moi, monsieur. Oui, moi je t'emmerde. D'accord, mais ça répond pas. Toi, t'arrêtes de m'appeler parce que là, ça va pas le faire. Ou alors tu viens carrément à la maison et je vais t'expliquer le code de la route. Et pourquoi vous voulez m'expliquer le code de la route, monsieur ? Je comprends pas. Ah ouais, c'est bon. Alors t'arrêtes de m'appeler, tu me casses pas les couilles. D'accord, mais répondez à ma question, alors. Non, mais il veut t'apprendre le code de la route et... Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Bah c'est vrai que je devrais peut-être réviser. Bah peut-être, ouais. Bon, du coup, on l'avait rappelé une dernière fois. Écoutez, là, évidemment, c'était le summum hein, de cet appel. Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ben, je voulais savoir, monsieur, qu'est-ce qui vous motive à faire l'amour avec votre femme ? Eh ben, toi, qu'est-ce qui te motive ? Ben, je sais pas, j'ai pas de femme, monsieur. Ah, ben, alors t'es un homme ? Ben, oui, je suis un homme, monsieur. Oui, non, mais t'es un homme, alors, si t'as pas de femme. Ben, non, j'ai pas d'homme, j'ai pas de femme, monsieur. Je suis seul, abandonné, je n'ai que ma main pour moi. Ah, ben, comme pour moi, alors. Et qu'est-ce qui vous motive à vous branler, alors ? Eh ben, ça dépend, quand j'ai des érections, ça me motive. Ah oui, d'accord. Il faut que ça monte et après vous finissez, quoi. Ouais, ouais, moi je suis un diesel, tu sais, une fois que ça monte, après c'est parti. Ah bah parfait. Eh bah très bien, monsieur. Bah je vous remercie. Voilà. Hein ? Une bonne soirée. Eh bah à toi aussi. Bon, ok. Bon, finalement, il était plutôt cordial. Ouais, bah, oui. En fin de compte. En fin de course, il était sympa. Voilà. Bon, restez sur Fun Radio, je vous l'avais promis, le son de Britney. Qui va arriver dans quelques minutes. Et puis on reste sur le canular également de jeudi, hein, si vous étiez avec nous à base d'animaux. Alors c'était la fête à l'animal jeudi soir sur Fun Radio. Restez bien là, c'est Mickaël No Limit, on est là tous les soirs sur Fun, le dimanche de 20h à minuit et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h. Faites passer le message auprès de vos potes. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Fun Radio. No Limit. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Et on est toujours toujours sans voix. Je disais donc qu'on est de retour là en direct sur Fun Radio. Une heure sans plume, on remet le couvert. Il y a Tess qui dit je suis de signe cochon. Je m'entendrai bien avec un singe ou avec un coq.

Non, et Gaëtan, des canulars de pouilleux comme ça, j'en entends tous les jours. De pouilleux, un peu de respect quand même. C'est un putain de canular à la con, c'est très bien, vous êtes bien amusé. Gaëtan, pour info, je me lève à 2h du mat, donc je suis pas très content et tu le sais. Ça va, et dans 2h, on n'est pas non plus dans le détail. Hein. Bon, bah, moi je me casse, ça m'a saoulé. J'aurais pu prendre une moto au moins, une voiture. Ah ouais, j'aurais pu, mais je l'avais pas en stock. Attends une seconde, faut voir. C'est de la passe sur ton. Ah si. Bon, c'est une moto de merde. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais, le scooter, il pète vachement plus. Hein. Ah, une bonne Harley. Voilà, bon partout avec le scooter de Toff, c'est encore mieux. Voilà, là on est bien. Là on est pas mal, là on est pas mal. Bon, effectivement, oui, on est les appels de pouilleux, Eric. Bon, c'est Fun Radio, c'est Mickaël, ça va ? Voilà, il me semblait bien, oui. Ouais, il me semblait bien, oui. C'est nous qui faisons les appels de pouilleux. Attends, je vais entendre les trucs tous les jours. Bon, Gaëtan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir la télé à ton père. Carrément quoi. Il rigole jaune quand même, enfin bon. Eric ? Oui. Un écran Full HD 32 pouces, c'est pas mal, ça peut regarder la Coupe du Monde bientôt là. Bah c'est très bien. Bah voilà, très bien. Bon, on va te filer ça, comme ça tu vas pouvoir regarder l'équipe de France. Bah tu l'offres à Gaëtan, hein. C'est pas pour moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Bah regarder la télé ? Bah il y a Full HD. Ah il y a la vieille. Bon bah alors si il y a la vieille, alors très bien. Bon bah alors ok, d'accord. Bon bah c'est pas grave, en tout cas avec bon Gaëtan, bah la télé écran plat est pour toi. Et puis Eric, bah bonne soirée Eric hein. Bonne soirée. Et bon courage pour le réveil tout à l'heure. Merci, c'est gentil. Bon, et si vous voulez vous aussi faire un petit canular, là, n'hésitez pas à appeler nous 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Vous êtes tous les bienvenus. On refera le canular évidemment dans la semaine. Il y a Secret Key qui dit cramé mes loulous. Là, il est pas content le daron. Ouais, c'est pas grave, vous avez vu, il s'est remis. Magda aussi qui dit oh, il a bouffé les 2-3 kiffants. J'en peux plus, il va bouffer la vache. Margot qui dit ça me fait toujours plier de rire les canulars, c'est ça. Et Gadrake qui dit j'adore le canular Mickaël No Limit, c'est sur Fun Park. Oui, Fun Park, tout à fait. Il y a Blonde Belge aussi qui dit oh punaise comment c'est bon de vous entendre, c'est excellent. Et alors Mary and Happy qui dit je peux avoir un message de bienvenue, un bien marrant. Bah oui si tu veux Mary and Happy, avec plaisir. Alors attends, message de bienvenue, je vais te mettre eh ben celui-là m'a l'air plutôt pas mal, spécial dédicace à Toff. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Voilà, évidemment, il adore se faire insulter, vous le savez, hein, tous les soirs. Bon, j'aime on va s'écouter, ça. Mais oui, on va s'écouter, je l'ai promis, le son de Britney Spears maintenant avec Till It's Gone. Juste après les pirontes avec Thomas, avec Loïc, il y a Louis qui voulait nous parler également, il y a Marc, il y a Johan. Et puis la réponse avec la colle d'Arnaud également, on fait ça juste après. Britney Spears maintenant, Till It's Gone sur Fun Radio, au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit tous les dimanches. I'm blind from the tears that fall like rain. Britney Spears, à l'instant, Till It's Gone, le nouveau sur Fun Radio. Je vous cale aussi le son de Martin Garrix à suivre avec Wizard. Et puis il y aura aussi Dimitri Vegas. Et puis pour ceux qui aiment bien les bons vieux sons, là, je vous en cale un petit sympathique dans quelques minutes. Donc restez bien sur Fun Radio, ça va arriver. Voilà, j'en dis pas plus, tout ce que je sais et tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va arriver. Kylian qui dit, j'avais dit que le canular était pourri, mais après réécoute, il est génial. Oui, Kylian qui nous a dit, ouais, je vais en faire un, je vais en faire un. Et attention Kylian, je t'avais dit, si tu passes à l'antenne et que tu fais le canular, t'as plutôt intérêt à ce qu'il soit bon, sinon t'es un homme mort à coup de pelle. Tu vas prendre cher Kylian. Il y a Magda qui dit, moi ma pire honte c'est quand je suis rentré franco dans la chambre de mon père, il était en train de faire la chose avec sa copine. Ah bah oui, ça y est, il a qu'à fermer la porte. Hein. Kobo aussi qui dit, salut, je vous kiffe, j'adore les appels. Bah merci Kobo. Et Théo qui dit, maître Pong, je suis tigre, est-ce que je peux savoir, est-ce que je peux avoir ton avis? Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de maître Pong, hein. C'est maître Ping. Ping. Ouais. Voilà, ne pas confondre. Oui, et c'est l'autre qui dit, mon coudin, mais il lui est arrivé malheur. Voilà, il y a Cédric qui dit, ma pire honte, c'est quand on est tombé du clic-clac avec mon ex, on était bloqué entre l'armoire et le clic-clac, et là mon frère est venu. Ah oui, dommage. Et puis je suis tombé. Ah oui, on va en parler dans quelques minutes, hein. Restez là. Et alors, ah oui, je suis tombé sur un truc dans les PV à la con. Parce que là aussi, il fallait que j'en parle, hein. C'est-à-dire que j'ai lu ça tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il faut en parler. Il y a un mec qui s'est fait arrêter ce week-end dans l'Aude, hein, 170 km/h sur l'autoroute. Ouais, bon, ça va. Bon, ça fait quand même déjà 50 au-dessus de la moyenne, au-dessus de la limite, pardon. Hein. Et donc, on pourrait dire, bon, bah, pas de bol, etc. Ça pourrait m'arriver. Bon, ouais. Pourquoi pas. Ouais, mais parfois, t'es un peu pressé, tu roules vite. Voilà, non, tu fais pas gaffe. Ou alors, t'as une voiture puissante, et c'est vrai que parfois, avec une voiture puissante, t'accélères légèrement ça, et tu te retrouves vite à 180, tu dis, oh putain, ouais, et ouais, bon, tu ralentis. L'autre jour, avec j'étais sur le quai avec l'autolib, j'ai un peu accéléré, direct, j'étais à 55, 60, d'une violence assez extrême. Voilà, donc on pourrait dire, ça peut arriver. mais là il a battu tous les records le mec, hein. Contrôle anti-drogue puisque bah il était positif aux amphètes, à la coke, cannabis et l'alcool. Bon, heureusement les flics ont été cool, hein, et comme il a pas commis d'accident, il a pu rentrer chez lui, bon à pied évidemment, hein, mais il a pu rentrer chez lui. Donc t'imagines, le mec il était à 170, cocaïne, cannabis, alcool et amphètes. C'est un ouf. Ouais, bah, en même temps avec tout ce qu'il avait, le mec en fait les aiguilles de la voiture, il se rendait pas compte de ce que mais c'était. Oui. Hein. Non mais c'est surtout à se demander comment est-ce que le mec tenait encore debout après avoir consommé. Je roule à 50, je roule. Ah ouais. Non mais c'est clair. Enfin bon, il y a Johan avec nous maintenant là du Nord-Pas-de-Calais. Salut Johan. Johan. Ah oui. Comment ça va Johan? Ça va bien. Bon, bienvenue à toi Johan. Bon alors, qu'est-ce qui t'amène toi? Bah, qu'est-ce qui m'arrive, c'est que je suis tombé amoureux du copain de ma petite sœur. C'est bon ça. Attends, t'es tombé amoureux du... Ah ouais, du copain de la petite sœur. Bon bah ouais, ouais. Quel âge il a le copain? 40 ans. Ah, attends. Et ta sœur, elle a quel âge? 23 ans. Donc, alors attends, parce est-ce que la, je suis la, dans une faille. La situation est compliquée. Donc tu as quel âge toi? Moi j'ai 25 ans. 25 ans. Donc ta petite sœur se tape un mec qui a l'âge d'être ton père. Ah, j'exagère un peu, mais pas loin. Voilà, ouais. Bon, 20 piges, enfin, ça va. Bah non, il a 40 ans, le mec. Bah, lui, il a 25, donc il aurait eu 15 ans, quoi. Bon. Ouais, c'est vrai, allez. Donc, ouais, c'était, voilà, j'exagère un peu, même si techniquement, effectivement, c'est possible. Bon, et t'es en kiff sur lui. Ok, génial. Et, c'est, oui. Ok. T'es en kiff, c'est-à-dire, tu veux vivre avec lui? Bah, moi, je vais vous expliquer mon histoire. Bon, déjà, on a compris que t'étais gay, a priori. Ah non, pas du tout, avant ça j'aimais les femmes, mais depuis que j'ai vu le mec de ma sœur... Non mais t'es gay donc? Ouais, voilà, ouais, okay. J'aime les hommes, je suis homosexuel. D'accord, y'a pas de problème. Bon, et donc? Donc, ça fait 5 ans que je connais le copain de ma petite sœur. Je me suis dit, depuis le premier jour que je l'ai vu, je suis tombé amoureux de lui. Mais d'accord. Elle sort avec lui depuis... Attends, elle sort avec lui depuis combien de temps? Hein? Elle sort avec lui depuis combien de temps? Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. D'accord, ok. Elle avait donc 18 ans. Bah oui, 18 ans, 18-23, pourquoi pas, ouais. Ah, mais ils ont deux enfants, ils ont voilà, une fille et un gamin. Allez. Oh là là. Oh mec, dans quoi tu t'embarques, Johan? T'es sérieux avec cette histoire? Ouais, je m'embarque dans une situation, c'est phénoménal. Ouais. Bah oui, qui c'est qui rigole derrière, là? Hein? Ah, mais c'est ma soeur et son mec. C'est mon père, il est derrière moi. Parce que ton père est au courant, bah évidemment. Oh là là. Mon père, il voulait pas me croire que j'étais homosexuel, donc je lui dis, bah... Ah bah viens, écoute, assiste à un débat, tu verras, tu vas vite comprendre. Ouais, voilà, donc... Non mais c'est un truc de dingue. Est-ce qu'on peut prendre l'avis de papa, juste pour... Vous pouvez l'imaginer, l'équipe, c'est un truc de malade. Ouais, non mais je vois bien, ouais. Bon, et donc? Donc, bah, je voulais appeler le beau-frère pour lui déclarer ma femme. Ah, parce que tu veux l'appeler en direct, évidemment. Oh là là. Sérieux? Oh là là là là. L'équipe, moi je vous aime tous, Michael, Sandro, Polo, Top, tout bordel, moi je vous kiffe tous les soirs, je vous écoute. Ouais, non mais après, on est des amis, on te serre la main, nous. Non mais après, on est potes, hein, t'inquiète, hein, y a pas de problème, ah, mais je suis pote avec toi, y a pas de soucis, si je peux passer à la radio en direct avec vous, l'équipe, je viens directement avec vous. Bien sûr, bien sûr. Bon, et donc du coup, tu veux qu'on appelle le... Mais tu, enfin, c'est improbable. Tu peux pas. Ah, je recommence. Je suis tellement perturbé. À aucun moment, tu te dis bon bah tant pis. Ok, c'est vrai que je le kiffe, mais ma sœur est quand même avec. Il y a deux gosses. C'est pas grave. Je trouverai un autre. C'est dur, mais. Ah, moi j'y vais. Ah d'accord. T'es comme ça, toi. Non mais ok. Bon bah. Non, alors, mais je suis comme ça. C'est... Je m'en fous, moi. Mais ton daron, il cautionne tout ça derrière ou pas? Ouais, il est là, il écoute le daron. Ah lui, il s'en fout aussi. Bon, bah c'est génial. Le daron, il me pousse à l'action et tout, il dit vas-y, gamin. Ah, c'est lui qui te pousse à l'action, alors là. Là, on est quand même au top, là. Mais il le kiffe pas, le mec de ta sœur, en fait. Mon père, il s'appelle Jean-Pierre. Ouais, mais ça, peu importe, à la limite, hein. Bon, Johan, on va donc appeler ta sœur dans quelques minutes? Le beau-frère, oui, je suis con, oui, c'est vrai, ouais. C'est le beau-frère, oui, excuse-moi. Ouais. Bon, on fait ça dans quelques instants, Johan, reste avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de psycho? Il y a qu'à nous que ça arrive. Non, trucs. Mais c'est un truc de ouf. Il y a qui c'est que t'entends ça? Ouais, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a Non, je te disais de prendre Louis. Ah oui, non, passé, mais Louis, hein. On va le prendre, attends une seconde. On va d'abord faire la réponse de la colle là, avec Arnaud, sinon on va être à la bourre. Allô, Arnaud? Oui. Ah, très bien, t'as entendu l'histoire qui arrive là? Ouais. On est au top ou pas là? Ah ouais. Là on est quand même pas mal. Bon, ah ouais. Allez, avant de reparler de ça, on va d'abord voir comment ça se passe au niveau des cadeaux, puisque je rappelle qu'il y a le casque DJ qu'on offre ce soir. Et donc Arnaud, on va donc appeler le gagnant ou la gagnante maintenant. Celui ou celle qui s'est inscrite avec la bonne réponse, a priori par SMS ou via le Facebook. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si elle décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. On y va, c'est parti. Allô ? Ah non. Je pensais que ça allait décrocher. Allez. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, bonjour, oui. Comment tu t'appelles ? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio ? Tristan. Tristan, très bien, Tristan. Il y a Arnaud qui a une colle à te poser, vas-y Arnaud. Alors, je pleure quand on me tourne la tête, qui suis-je ? Le robinet. Le ouais, robinet ? C'est ça. Ah, non, sérieux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Très bien. Eh ben voilà Tristan, le casque DJ, ça vaut 200€, on va t'envoyer ça directement. Là je vais, on va prendre tes coordonnées et puis bravo encore Tristan. Ah merci. Bah avec plaisir. Bravo. Passe une bonne soirée ouais. Tristan. Bah merci. Bon et tu peux remercier Arnaud également hein, qui te laisse son casque là. plutôt cool, c'est un mec sympa. Ouais, bravo, plutôt cool de sa part. Salut Arnaud. Salut, merci. Allez, à bientôt à vous deux. En tout cas, merci d'être passés tous les deux là. Et puis, les autres, vous pouvez y aller. Hein, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Félicia qui dit mais il est taré, il va détruire sa famille. Il kiffe pas sa sœur pour faire ça. Bah écoute, visiblement, je suis consterné. Briser un couple pour une baisse. C'est Crystal qui avait envoyé le message. Et Cynthia qui dit salut l'équipe. Dans les pires hontes, j'ai envoyé un SMS. Ça passe, je crois, durant un mariage. Une abeille est entrée dans mon décolleté et ma mère a été la chercher. Et plus elle essayait, plus l'abeille descendait. Grosse honte, tous les invités regardaient. Bah oui, mais c'est normal, après, si ça pique, il va faire mal, surtout si t'as la phobie des abeilles, là. Hein. Et Karine, depuis l'application Mickaël No Limit, que vous pouvez télécharger sur iTunes, je suis serpent, je suis compatible avec qui ? Je vous adore. Maître Ping. Oui, bien serpent, sûr. Serpent, c'est compatible alors, avec quoi ? Terpent. Non, serpent avec un S. Oui, t'es ça. Voilà. Que te dis, terpent. Non, vous dites avec un T, mais enfin, soit, t'en es pas dans le détail. Alors, le terpent, eh bien, écoutez, il sera très doré avec le buffle. Ouais. Le tigre, t'as évité. D'accord. Le lapin va s'intéresser au serpent, mais malheureusement, le serpent va manger le lapin, donc ça ne marchera pas. D'accord. Par contre, dragon et terpent peuvent vivre ensemble, oui, ils seront très très bien. Jamais mettre un serpent avec un terpent. D'accord, parce que forcément sinon après... il te mord de la queue. Ah bah forcément après ils se bouffent mutuellement. Voilà, t'es ça. C'est ça. Le serpent supportera le cheval. Ouais. Voilà, mais ça va pas très bien, très bien. D'accord, bon bah très bien. Voilà. Bah voilà comme ça, hein, Karine. J'espère que tu en sauras plus. J'en doute hein, avec ce charlatan, mais j'espère que tu en sauras plus quand même. De ne tue pas tard l'attente. Tout non, ce non, que non, te non, dis non. est vrai, vérifié et vérifiable. Et vous êtes le restaurateur d'en face de la radio. En plus. Exactement, ce qui ne gâche rien, évidemment. À ma nourriture, je vous laisse pas le dire. Complètement. On va parler des pirontes encore avec Thomas, avec Loïc. Et puis avant d'appeler le beau-frère de Johan, là, il y a Louis avec nous maintenant de Dijon là. Bonsoir Louis. Salut. Comment ça va? Bien, un peu moins bien que d'habitude, mais ça va. Ah, bah oui, j'imagine. Bon, Louis, t'as quel âge? T'appelles d'où? J'appelle de Dijon, j'ai 30 ans et... évidemment. T'as quel âge, Louis? T'as été opéré, c'est ça? T'as 30 ans? Ouais. T'as été opéré, Louis? Comment? T'as eu une opération des cordes vocales qui s'est mal passée? Peut-être. Ouais, des amygdales. Ah, des amygdales, bah oui, évidemment, ouais, ceci non. explique cela. Ouais. À quel moment, à quel âge t'as eu l'ablation des testicules? Et toi, à quel âge t'as eu un nouveau cerveau? Ah, eh ben il l'a pas encore eu en l'occurrence. Eh, dans ta gueule, Toff. Ouais, voilà. Bon, et Louis, tu nous appelles pourquoi, dis-moi? 30 piges, hein, on rappelle. 30 piges. En fait, vendredi, en rentrant plus tôt. Attends, j'ai pas compris, recommence. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vendredi, en rentrant plutôt du boulot. Ouais. J'ai vu tu fais quoi dans la vie? Je suis. Je travaille chez Electro-Dépôt. Electro-Dépôt. Et tu vends quoi? Tu vends de l'électronique? Bah ouais. Bah évidemment, ouais, parce que c'est pour ça que ça s'appelle Electro-Dépôt. Ouais. Bon, ok, d'accord. Et donc Electro-Dépôt, et après? En rentrant plutôt de mon boulot, j'ai vu. Ouais. Mais ils rigolent comme des poulets. Mais non, mais c'est des poulets, ils sont cons. Les sphères, c'est des cons, Polo et Toff, t'inquiète. En rentrant plus tôt, en fait, ma femme, elle était en train de tailler une pipe à un autre. Non, la salope. Mais quelle honte. Ah ouais, franchement, tu la viens, donc, moi. Donc en fait, j'en ai pris un, j'ai fait, je suis contre le mur, tu imprimes et tu ressors. Non, j'ai pas compris, tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Et le mec, je l'ai sorti. Non. Je lui ai pris sa tête, je lui ai fait ta prime contre le mur, je l'ai fait sortir. Sa femme à poil, je l'ai fait sortir. Et ses habits, je les ai balancés depuis le quatrième étage. Mais t'as bien raison, et t'habites à quel étage? Au quatrième. Ah bah au quatrième, oui, c'est pour ça que t'as balancé depuis le quatrième étage. Oui. Bah évidemment, Louis, quelle vie. Bah évidemment, et du coup maintenant tu cherches une autre meuf là? Bah mon chat il est très bien. D'accord, mais moi aussi j'ai bien mangé ce midi. Non mais il est pas mangeable, il est très gentil. Oui. Il fait la chandeleur avec lui. Ah bah oui. Non mais trapping, non pas de chat. Pas de chat. Bon bah très bien Louis, et t'es né en quelle année? Bah en 80. Non. Ouais, en 80. Tu sais plus alors, t'as oublié quoi. Oh bah, c'est pas grave. Non, bah, on s'en fout. De toute façon, à partir d'un certain âge, on oublie ces conneries. Hein ouais. Tu sais ce que c'est quoi. Et à propos des conneries, moi, en cours, c'était il y a longtemps quand même. Ouais, donc, alors, en cours à l'époque, ouais, et. Bon, en fait, il y avait une meuf que j'aimais, mais elle ne m'aimait pas. Donc, en fait, pendant toute l'année, je lui ai écrit des lettres et pour la Saint-Valentin, je lui ai offert un bracelet en or. Non. Et alors? Ben là elle m'a dit ouais, je veux bien sortir avec toi. Mais non. En fait, 2 mois plus tard, elle me dit non mais c'était juste pour ton fric. Hein. Putain. Et tu te souviens de ça? C'est beau. T'es 7 ans, quelle classe? C'était en quatrième, je crois. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, enfin ouais, depuis le temps t'as oublié quoi. L'année exacte. C'est chaud. Bah oui, évidemment, ouais. C'est chaud, c'est clair. C'est bon bah si écoute, hier, eh ben Louis, et en tout cas, bonne chance pour le travail. Demain tu commences à quelle heure là? Demain je prends à 8h je crois. Ah tu prends à 8h, d'accord, ok, très bien. Et puis t'as une pause à 10h15, ça reprend à midi, non? J'ai une pause à midi, je reprends à 2h et je finis à 20h. Et à 20h, putain, 8h, 20h, ils ont culé quand même. Et Louis, la récréation c'est à quelle heure? Bah 10h15. Je peux passer une dédicace? Ouais bah vas-y, tu vas dire bonjour à tout le staff d'Electro-Dépôt là. Non. Ah bah vas-y. À une seule personne? Bah bien sûr. Je passe une dédicace à mon pote Clément Gay qui se reconnaîtra, c'est mon pote, voilà. D'accord, pote qui bosse aussi chez Electro-Dépôt? Ouais. Bah parfait, bah écoute, et alors génial. Et en quatrième, vous étiez dans la même classe ou pas? Non. Non, d'accord, ok, bon bah très bien, parfait. Bon bah merci Louis en tout cas. Hein. Et mon chat, il vous adore. Bah on l'embrasse également le chat. Salut Louis. Salut. Allez, à bientôt et on embrasse évidemment tous les chats qui nous écoutent. Hein. Voilà, il est aussi. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit, on est en direct, c'est Martin Garrix et Wizard qu'on écoute maintenant sur Fun. Martin Garrix sur Fun Radio, c'était Wizard. Allez, bienvenue, je vous cale dans quelques minutes. Un très très bon son, très très bon son, puisque c'est un bon vieux son d'époque. Très bon son. Non mais vous allez voir, je vous avais promis un son un peu pas old school, mais en tout cas un petit souvenir qui fait du bien par où ça passe. Il y a Azer aussi qui, je l'adore Mickaël, vous êtes la meilleure radio du monde, merci Azer. Thibaut aussi, le petit m'a tué, j'ai 30 ans, mort de rire, dead. Il y a Derk Hers qui dit j'en peux plus, putain, mort de rire, il m'a tué. Il y a Jules, mort de rire, le Louis, il a 30 balais, et Gonel qui dit j'ai besoin d'un petit coup de pelle, je me lève à 2h pour taffer et pas moyen de dormir. Bah oui mais ça, voilà tiens, pas sûr que ça t'aide, hein, cela dit au passage à t'endormir. Mais bon, et Miss Mello qui dit le Louis, c'est une énorme arnaque là, fou rire garanti. Et Steven qui dit oh le merde, 30 ans mon cul, ouais, il se grille tout seul. Salut, bah voilà, bienvenue, c'est Mickaël No Limit. Alors on est là jusqu'à minuit tous les soirs. Et imaginez si j'ai une voix comme ça tout le temps. Ça serait la folie quand même, non? Ouais, trop bien. Ah oh, putain, ouais, grave. Oh, ce serait la folie totale. Bon, Johan. Oui. Bon, j'espère que ma nouvelle voix te fait plaisir. On prend la même que celle de Louis. Ah ouais, ça me fait très plaisir, je kiffe. Ah bah c'est parfait, écoute. Tiens, en parlant de flics, parce qu'on en parlait tout à l'heure là avec les. Je vais arrêter. Dans les avec les PV à la con là, le mec s'est fait choper à 170 sur l'autoroute. Il y en a un autre qui vient d'arriver là par mail, c'est l'histoire de. Quand une histoire de flic, c'est un mec aux États-Unis qui passe sa journée à picoler, complètement ivre, il rentre chez lui, sauf que sur le chemin en fait, bah il croise une policière qui prend pour une stripteaseuse, dommage. Du coup il commence à danser avec elle, il la plotte et il finit par lui verser sa bière sur le corps. La meuf a moyennement apprécié, vous imaginez bien. Hein. Ah ouais. Il a fini au poste avec une amende de 100$ et une interdiction de boire. Ça va? Oh, ça va. Non mais pour prendre une flic pour une stripteaseuse et lui mettre de la bière dessus, 100$, je trouve ça quand même relativement bon marché. Ouais, bon, en même temps, il l'a pas tapé, il lui a juste versé de la bière, quoi. Ouais, non, mais d'accord, mais tu sais bien comment ils sont, les ricains, hein. Ouais, c'est vrai, outrage à agent. Outrage à agent, tout le bordel, enfin, t'imagines un peu, là. Bon, t'as déjà fait un truc, Johan, à la con, toi, genre un PV inutile ou des conneries comme ça? Hein? D'accord, Johan. Bon, on prendra Marc dans un instant, tiens, pour ce sujet, ce sera mieux. Bon, Johan. Ouais. Bon, on va appeler ton beau-frère maintenant, parce que t'es amoureux de lui. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bon, eh ben écoute, on va l'appeler, alors, hein. Tu parles, hein, j'imagine, hein, tu te démerdes. Bah oui, bah ça, c'est pas toi qui veux parler à ma place. Bah je confirme, parce que je rappelle que le beau-frère est maqué avec sa sœur à lui, et que... Et laisse, écoute-moi quand je parle, Johan, on dirait un train, lui. C'est une fois qu'il démarre, il s'arrête. Regarde, il continue. Ah bah oui, t'es au taquet, oui, ça c'est sûr. Bon, et donc du coup, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, donc Johan veut appeler son beau-frère, qui est donc le mec de sa sœur avec qui elle est depuis 5 ans. Ils ont deux gosses ensemble et bah il s'en fout, il va quand même lui balancer ce qu'il a sur le cœur. À savoir qu'en plus de ça, il y a Jean-Pierre le père qui est derrière et qui lui pousse son fils à le faire. Et ça c'est rock'n'roll. C'est bizarre. Bon, on y va, on l'appelle, comment il s'appelle lui? C'est Michael. Ah, il s'appelle Michael, bah c'est parfait. Et coupe la radio, Johan, derrière toi, là. Allez, on y va. C'est parti, okay. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Bonne chance, hein, Johan. Hein. Ouais, merci. Où est-ce qu'on s'engage? Ah là, ça va être beau, là. Ça va être beau. Après Louis, 30 ans. Oh putain, il manquait plus que ça, toi. Allô? Allô? Allô, Michael? Oui. Ouais. Ouais, c'est Johan, ça va? Ouais, ça va, toi? Ouais, ça va. Ouais, ouais. Je t'appelais parce que j'ai besoin de te parler. Faut que je dise un truc. Il y a longtemps que je garde sur le cœur. Ça fait maintenant 5 ans que je l'ai au fond de moi. Je sais plus quoi penser. Je suis amoureux de toi. Voilà. Tu m'as tapé dans l'œil. Et j'ai envie que tu me tapes dans le cul. Voilà. Je m'en souviens. J'ai dit, j'ai eu un coup de foudre pour toi. Tu me plais beaucoup, ça fait 5 ans maintenant que tu me plais, que t'es avec ma petite sœur, tu me plais beaucoup. Il a tout dit, ouais, que tu es avec ma petite sœur. J'ai envie de me mettre avec toi. T'as envie de me mettre avec moi? Moi j'ai envie de me mettre avec toi, oui. Mais je savais pas comment te le dire, je savais pas comment de prouver mon amour, tu vois. On a déjà fait des moteurs ensemble et tout. Tu m'as déjà tenu par la taille, tu m'as déjà touché le téton, j'ai apprécié, tu vois. C'est pas sérieux ça quand même. Moi je me suis dit, pourquoi pas peut-être aller plus loin. Ouais, bah oui, aller toi, plus loin au supermarché. Tu veux... Tu dis à ta femme, écoute-moi, c'est fini, on se met à deux et voilà. Moi je t'aime, j'ai envie de me marier avec toi. Non mais c'est pas possible. Je sais pas comment tu le prends, c'est vrai, je vais trop vite pour t'expliquer les choses, mais... Ah ouais, là, tu me prends là comme ça. Ah oui, il prend là. Pour ton parler, tu me prends pas quoi. Hein ça te touche. Tu sais pas quoi penser. Bah oui, quand même. Bah ouais, tu m'as annoncé ça comme ça. Je suis avec ta soeur, on a des enfants. Bon bah. Peut-être que c'est pas sérieux cette histoire. Ouais. Une fille, un garçon, je sais bien, je suis parrain. Oh là là, il est parrain. Je sais bien. Vous l'appelez comment après, beau papa ou parrain? J'ai envie de toi. Moi j'ai envie d'être avec toi, sentir ton corps contre le mien. Tu caresses ta peau, tu caresses la mienne et tout. Moi je veux te tomber. Tu deviens fou ou quoi? Non, je deviens pas fou, moi. Je te dis, je peux plus me cacher et tout. Maintenant que j'assume mon homosexualité, il faut que je vais au bout de mes buts et bon, j'arrête de me cacher, de me voler la face. Tu comprends? Ouais. Quand tu me voles la face comme ça en me disant... Non, j'arrive chez toi, ça va gros, c'est de rien, ami, beau-frère, mais t'es pas mon beau-frère, moi je veux que tu sois mon homme, ou ma femme, comme tu veux, je m'en fous, mais je veux de toi, moi. Ah non, c'est, bah, oui, c'est vrai, mais attends, je sais pas quoi, là tu me prends là comme ça, court, en plus il est, je sais pas quelle heure. Ouais, je te prends sur 22h29. Sur cette guerre, là, c'est vrai, je te prends comme ça vite, mais sache que moi... J'ai 25 ans, pas 40 ans, différence d'âge, il fait beaucoup, mais moi j'aime bien, ta barbichette, ta moustache et tout. Mais c'est où est-ce qu'on va là? Bon, il va falloir que j'intervienne, sinon on va passer là comme ça jusqu'à la nuit, toute la nuit. Sur du pantalon et hop, tu dégaines direct. On demande pas la vie de la sœur. Dans le défi, ça c'est certain. Mais je peux pas le dire là, bah j'espère qu'il y a personne qui entend ça, parce que sinon... Moi je m'en fous, moi, je l'ai fait exprès pour que tout le monde entende, tout le monde monde entier. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle en pense, la sœur? La sœur, qu'est-ce qu'elle en pense, la sœur? Donne le téléphone à la petite sœur, qu'est-ce qu'elle en pense, la sœur? Donne le téléphone à ma sœur. C'est Mickaël. Bah, ouais, non, mais c'est un autre, on est deux. Moi aussi, je m'appelle Mickaël, t'as pas l'exclu, hein. Ah, t'es avec Yohann aussi, moi. Ouais, moi je suis avec lui aussi, ouais. On est sur Fun Radio, explique-lui, Mickaël. Oui, non, bah je voulais d'abord avoir l'avis de la sœur, mais bon, là, oui. Bon, t'es en direct sur Fun Radio, Mickaël. Ah bon? Bah oui, et c'est moi aussi, Mickaël, d'ailleurs, tous les dimanches soirs, là, 20h minuit, et la semaine 23h-2h. Et donc, bah du coup, Yohann nous avait appelé parce que, bah, il voulait te casser les pattes arrière, quoi. Oui. Voilà. Il veut te fourrer la rondelle. Voilà. Et donc, du coup, ben, on avait beau essayer de lui expliquer que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Surtout que t'es quand même le papa de ses neveux et nièces. Oui, oui. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que c'est bien. Puis, bon, ben, maintenant, il y a tout le monde au courant, apparemment. Ah, ben, là, maintenant, tout le monde est au courant. Oui, ça, c'est une certitude. Ouais. Mais, du coup, tu t'es plutôt intéressé ou pas? Ben, à vrai dire, oui et non. Comment ça, oui et non? Oui et non, peut-être que moi j'avais peut-être des sentiments aussi, en fait, bah maintenant, ça y est, voilà, c'est fait. Oh là là là là. Ah bah on est bien là. Là. Ah là on est pas mal, là on est pas mal. Bon, et la sœur dans l'histoire, elle en est où là? Ah bah j'espère qu'elle n'a pas entendu. Ouais, mais il y a un moment, il va falloir lui dire. Ouais, bah ça, bah, elle va peut-être s'en rendre compte petit à petit. Elle va s'en rendre compte petit à petit. Et les enfants? Bah les enfants, bah c'est autre chose. Hein. Ah oui, ça c'est autre chose, c'est un détail. Ouais, bah, faudra juste leur expliquer que papa a changé maman contre son frère. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, oui. Enfin, moi, même grave, quoi. Je suis encore amoureux quand même. Hein. Ouais, ben, ne sois pas amoureux. T'es pas encore amoureux quand même, donc tu te laisses quand même l'ouverture là. Là. Non, mais attends, je vais régler tout ça. Tu ne fais rien du tout, tu t'en vas. Mais c'est ça. Reste de ta femme et de tes enfants. Voilà, tu restes avec ta meuf, c'est un truc de ouf, ça quand même. Comment tu peux? Bah si, mais si. Mais t'en as plein des mecs, tu vas en trouver des milliers. Y a Tof déjà. Bah moi, j'allais avec toi. Alors, moi, je vais venir te voir toi. Tu me plais beaucoup. Ça va pas être possible. Ah ouais, ouais, sinon il y a toujours Tof qui est disponible. Bien sûr. Bon, Johan, parce que tu es en train de crier. Johan! Ouh! Oh là là, okay. Moi, c'est possible de crier autant, Johan. C'est dingue ça. Bah, c'est qu'il doit bien aimer crier, peut-être. Bah, peut-être, ouais. Bon, Johan. Moi, j'aime bien, ouais. Johan, on va vous laisser faire en famille, hein. Ok. D'accord. Et puis vous nous tenez au courant, d'accord? Ok, bah, je te rappelle dans la semaine. Bah, on fait comme ça. On dit les conclusions, ça va? Très bien, bah alors concluons effectivement. Ouais. Quand bon bah alors vas-y toujours, bah une seule personne hein, et à ta sœur, hein, tu peux faire deux. Allez, deux personnes, une dédicace à mon père Jean-Pierre et puis mon cousin Sébastien qui est à ses côtés et est en train d'écouter à la radio. Très bien, bah comme ça toute la famille est au courant, tu vois, c'est parfait. Bon bah merci les gars en tout cas et puis amusez-vous bien. Hein. Oh putain, la prochaine réunion de famille, je pense qu'on va se marrer. Hein. Je pense qu'on peut vachement se marrer effectivement, ouais. Bon, allez, on va revenir avec Thomas et Loïc dans quelques instants par rapport aux pirontes. Il y aura Marc également pour parler des amendes là, donc restez bien sur Fun Radio. Et puis je vous l'avais promis le son de Rihanna maintenant, tiens. Et hop là, Pound the Replay sur Fun Radio, il est 22h33, c'est Mickaël No Limit. On est en direct comme tous les soirs jusqu'à, enfin tous les dimanches jusqu'à minuit, bienvenue sur Fun Radio. Je vous l'ai promis le son de Riyad qui a un Pound the Replay. Eh ben voilà, ils viennent passer. On mettra aussi Dimitri Vegas à suivre dans quelques minutes. On va récupérer les pirontes avec Thomas, avec Loïc. On aura Marc, on va se faire aussi tout à l'heure le match d'impro hein, si vous voulez jouer avec nous au match d'impro. Là, il y a des cadeaux, notamment les casques de DJ à gagner, ça vaut 200€. Si vous voulez jouer avec nous, eh bien vous appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Le principe est simple, on joue ensemble hein, avec des auditeurs, avec vous, et donc deux auditeurs qui s'affrontent. Le but, arriver à faire une bonne improvisation, celui qui est le meilleur repart avec les cadeaux, c'est pas plus compliqué que ça et c'est les auditeurs qui votent bien entendu avec le Twitter, avec le Facebook. Venez nous rejoindre et en parlant de Facebook, il y a toujours la Xbox One également à gagner hein, sur le Facebook de l'émission facebook.com/mikl officiel si vous voulez si vous voulez repartir avec votre Xbox One, donc elle est gratos et on tire au sort avant minuit facebook.com/mikl officiel. Bon, on va faire les appels, vous le savez, comme tous les soirs avec Tof, et là c'était une échange de fellation. Oui, enfin c'était une actrice américaine. Ah oui. C'était une actrice américaine qui avait proposé, d'ailleurs faudrait que je vois qui a gagné, qui avait proposé d'échanger une fellation contre la plus belle construction en Lego qu'on pourrait lui envoyer. Tout à fait, mais personne n'a gagné, c'était le 1er mars encore. Ouais. Encore un petit peu de temps, c'était le 1er mars. Oui, t'as encore un mois devant toi. T'avais encore, ah, t'as parfait, encore un mois devant encore toi. Le temps. Et donc du coup, Batoff avait appelé pour voir si des gens étaient ok d'échanger quelque chose contre une fellation. Eh ben oui. Bah voilà, hop, c'était parti, on y va. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Je vous écoute. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir contre quoi je pouvais échanger une fellation avec votre femme. Va te faire enculer, sale con. Ah non, monsieur. Va te faire enculer, sale pédé. Ah non, monsieur. Enculé de ta race. Ah non. Donc on l'avait rappelé, hein, on était tellement bien accueillis, vous imaginez bien qu'on a remis le couvert immédiatement. Allez. Oui, monsieur, pourquoi tant de méchanceté et de vulgarité? Parce que tu es un enculé. Ah non, monsieur. Oui, tu es un sale con. Ah non. Et si tu continues, j'appelle les flics. Mais pourquoi vous l'appelez les flics, monsieur? Parce que tu me fais chier. Mais non, monsieur, je vous appelle juste pour faire un échange. Ah bah oui, mais là, il voulait pas d'échange, hein, donc on avait rappelé une fois encore. Hein. Hop là, on met le couvert. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, j'étais en communication avec je ne sais pas qui. Et oui. Je lui demandais contre quoi je pouvais échanger une fellation avec sa femme. Tu es pas pour un con ou quoi toi, non? Mais pas du tout, monsieur. Mais pourquoi vous dites... pour un con ou quoi, non? Mais pas du tout, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Quoi, tu n'es pas un connard, hein? Mais pas te faire foutre, toi. Pas te faire foutre. Oh, va pas te faire enculer. Mais enfin. Mais enfin, monsieur. Ben écoute, il n'y a pas de monsieur. Tu m'emmerdes, donc je vais pas te plaindre contre toi, d'accord? Mais pas du tout. N'appelle plus, je te dis. Mais enfin, monsieur. Je te dis merde. Mais ça se fait pas, monsieur. Ah oui, ça se fait pas, mais pourtant il l'a fait. Hein. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure à base de petites couilles. Ah. Voilà, on avait fait ça la semaine dernière également, donc restez bien sur Fun Radio. On est toujours au cœur d'une heure sans pub, hein. On va remettre le couvert dans quelques minutes également, et puis on est là aussi jusqu'à minuit. Tous les dimanches, 20h minuit, faites passer le message auprès de vos potes, au bahut, au travail, un petit peu partout. Il y a enfin un truc à écouter le soir à la radio, et c'est sur Fun Radio que ça se passe. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, vous faites la promo, vous continuez à faire la promo, bien entendu. Et puis, bah, on est là également tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du matin. Bon, on a Thomas pour parler des hontes là, de la Manche. Salut Thomas. Comment ça va Thomas? Ouais. Est-ce que tu peux prendre ton téléphone parce que tu as un kit main libre ou un haut-parleur de piètre qualité? Voilà. Allô. Voilà, parfait. Bon, bienvenue à toi Thomas. Alors de la Manche, c'est quoi ta pire honte toi? Ma pire honte en fait, c'est quand j'étais allé au collège, en cours de sciences physiques, je me lève pour aller mettre un papier à la poubelle. Il y a un pote qui me fait un croche-patte et j'arrive entre les seins de ma prof. Oh, c'est bon ça. Eh, ça va, au niveau des airbags, tu t'es bien mis, hein. Bah ouais, là on avait des gros, ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais franchement, ouais, tu t'es bien mis hein, en termes d'airbag. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que t'as eu? Bah en fait, elle était assez gênée, moi aussi, je suis retourné à ma place et le papier, en fait, il est resté sur ma table, quoi. Bon, bah ça va, alors, si tout s'est bien passé, tant mieux. Ouais. Bon, attends, tout le monde était mort de rire, ça. Oui, mais bien sûr. Mais attends, il y avait Loïc aussi qui est avec nous de Pau, là. Salut Loïc. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Bah très très bien. Bon, alors, explique-nous Loïc, c'est quoi ta pire honte, toi? Bah c'était une soirée d'anniversaire chez un pote, j'étais complètement bourré, donc je suis parti vomir. Et sauf qu'entre-temps, bah, j'ai eu une envie de chier. Ouais. Et vu que ça faisait une petite demi-heure que j'étais dans les toilettes, il y a un pote qui est venu et qui a ouvert la porte et... Il m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que je me chier et je me suis torché devant lui en fait. Oh. Ouais mais en même temps il est con aussi, t'es aux toilettes, qu'est-ce que tu veux faire aux toilettes? Bah oui. Bah tu fais quoi? Bah à part pisser ou chier ou éventuellement vomir si t'es malade, il peut pas y avoir 150 000 possibilités non plus. Hein. Et t'es toujours pote avec lui? Oui toujours. Oui. Vous en reparlez de temps en temps ou pas? Bah ça arrive, ouais, en soirée ça arrive. D'accord, ok, bon bah tu m'étonnes. Bon, continuez les pirontes là, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique, on vous attend avec impatience. Merci tous les deux, Thomas et Loïc, vous revenez quand vous voulez. Hein. Allez, vas-y Loïc, à une seule personne, hein, tu connais la règle. Ouais. C'est une dédicace à Claire qui m'écoute. D'accord, eh ben, le message est passé sans problème. Salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao. Et puis on va prendre Marc avec nous maintenant là pour les amendes. Salut Marc. Allô Marc. Allô, ouais. Ah, Marc qui est avec nous, parfait. Bon, Marc qui a 23 ans, qui appelle de Bruxelles, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Très bien, c'est quoi ton amende toi? T'as pris quoi comme amende? Moi j'ai pris 250€. Ah quand même, t'as fait quoi? Ah ouais, stationnement. Stationnement? C'est un beau stationnement. Mais t'étais garé où? Sur le trottoir. Mais 250€ pour se garer sur le trottoir, putain. Ah ouais, c'est parce que c'est 62€ par roue en fait. Donc, par roue? Mais... oh les enfoirés, sérieux? Ah ouais, je crois qu'on blague ici. Donc quand tu te gares avec 2 euros sur le trottoir, tu prends 2 fois 62. Quand tu mets les 4, c'est 4 voilà. fois. Tout à fait. Ah oh, c'est bon ça. Mais ok, d'accord, c'est énorme. Et pas mal, t'as dû les payer du coup, pas de négociation, rien du tout. Bah non, y'a rien, c'est rien, il met la moitié et 120. Bah y'avait un pneu en équilibre, il a essayé de négocier mais ça a pas marché. Ouais, mais j'avais un pneu plat, est-ce que ça coûte moins cher? Bah non, là, pour le et coup. Et le pneu de secours, ça compte pas? Ouais, ouais, parce que ça fait 5. Ouais, du coup, t'en avais 5, ouais, enfin, attention avec ces conneries. Ah, ouais. Fais gaffe, ouais. Mais t'as de la chance qu'ils soient pas venus avec la dépanneuse aussi, hein. Mais j'étais dans la voiture en même temps, hein. Ouais, donc, c'est pas faux, ouais. Ils viennent avec la dépanneuse, je les laisse pas la prendre, hein. Ah, t'étais dans la voiture et ils t'ont mis, au lieu de te dire, ouais, écoutez, monsieur, bougez-vous, ils t'ont directement mis la prune, quoi. Non, en vérité, c'est des fausses plaques, donc c'est pas grave. Ah oui, alors si t'as des fausses plaques, alors évidemment, c'est moins grave, oui, évidemment. Donc t'auras jamais le PV, quoi. Ouais, en quelque sorte, à moins que quelqu'un d'autre le reçoive. Ouais, c'est ça. Ouais. Regardez pas. Non, bah évidemment. Évidemment. Un mec côté au fin fond de la campagne qui va recevoir un PV pour son tracteur. C'est clair. Ouais. Voilà. Bon, ben bah, merci Marc pour l'anecdote. Tu reviens quand tu veux. Hein. Attends, moi j'ai envie de faire des dédicaces. Eh ben vas-y en speed. Alors à une seule personne, Marc. Ah moi j'ai beaucoup en fait. Ah non, c'est une seule personne ou rien. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, ATM, dédicace à Radam, mais ce n'est pas fratrie. Très bien. Prenez le contrôle. Non, c'est une seule, j'avais dit. 42 48 5000. Sur Fun Radio. Michael, no limit. Dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, en direct jusqu'à minuit sur Fun. C'est parti de nouveau pour une heure sans pub avec, je le rappelle encore, la Xbox One à gagner. C'est votre dernière chance là de tenter la Xbox One sur le Facebook de l'émission. Quand je dis dernière chance, c'est qu'on fait le tirage au sort tout à l'heure à minuit. Donc si vous voulez gagner, eh bien venez nous rejoindre facebook.com/mikaelofficiel. Il y a une photo avec la Xbox One où je suis dessus avec la Xbox One. Eh ben il suffit tout simplement d'aller faire un like et un partage. Et puis si vous êtes tiré au sort dans une bonne heure, là une heure et quart, eh bien à vous là. Xbox One, donc faites passer le message également autour de vous. C'est sur le Facebook que ça se passe, facebook.com/mikaelofficiel. Bon, on va récupérer Margot dans un instant pour les pires hontes et on va également s'écouter tout à l'heure le son de Tony Junior. Il y aura aussi Jason Derulo avec Marry Me et puis un son également que vous avez découvert dans Party Fun, c'est tous les week-ends sur Fun Radio. En plus, c'est un belge qu'on écoute maintenant. Là, je vous le cale dans moins de 10 minutes, c'est Dimitri Vegas. Dimitri Vegas avec Stampede, donc je vous le passe dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et puis je voulais vous demander également, c'est quoi les pays où vous avez eu le plus facile à séduire? Non, parce que j'ai la carte sous la carte du monde sous les yeux là, qui donne les pays où il est le plus facile de séduire. Et donc la France et la Belgique sont plutôt dans la moyenne, c'est plutôt pas mal. Et les filles les plus faciles à pécho sont en Bolivie, au Cameroun, au Congo ou en Thaïlande. Ah, Thaïlande, c'est vrai. Ouais, et les plus chauds, enfin les plus difficilement accessibles, elles sont plutôt autour de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran et le Yémen. Moi, je pensais pourtant qu'en Iran, on était plutôt pas mal. Ouais, je pensais que les gens étaient ouverts là-bas. Ouais, c'est ça, que c'était plutôt ouvert. Moi qui suis un globe-trotteur avec tout ce que j'ai visité, c'est vrai que la Thaïlande, le Brésil, c'est beaucoup plus simple. Et l'Iran, bah t'as déjà été aussi, tu vas souvent en Iran. Non, je suis parti en Iran. Mais c'est vrai que c'est plus simple. Je dis pas que tu peux pécho à tous les coups, mais c'est beaucoup plus simple. D'accord. Bon, ouais. En tout cas, je vous ai mis la carte du monde avec justement les couleurs en fonction des pays les plus faciles pour draguer. Allez la voir hein, sur le Facebook, elle est dessus, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis, venez nous dire aussi le pays où vous avez eu le plus facile à séduire un mec ou une meuf. Ouais. Bah, la Russie, je trouve pas. Hein. Franchement, les meufs, elles étaient super froides. Bah, on a été une fois en Russie avec Toff, effectivement, et on c'est payé. Vrai que. Ah ouais, c'est ça. Faut sortir la carte. Bah, ouais. Y a peut-être la carte aussi qui marche. Toff est arrivé en croyant qu'il allait pécho tous les soirs et rien, même pas un début de téton. Mais quoi. Les Russes, elles sont très froides. Hein. Ouais. Au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire que t'arrives. En fait, c'est très compliqué de lier à. Parce que tu sais, elles ont pas ce côté où tu peux discuter avec elles sympathiquement. Sauf si t'es blindé, peut-être. Voilà, je sais pas. Exactement. Ouais. Bon, en tout cas, dites-nous si vous avez été dans un pays déjà où vous avez eu peut-être eu plus facile à draguer qu'en France ou en Belgique. Là, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a Thomas qui dit Fun Radio, je vous adore. Merci Thomas. Jérémy Didi qui dit coucou les meilleurs de la radio. Enfin quelque chose de bien le soir à la radio. Gros bisous mes amours. Merci Jérém. Et Sophie qui dit ma pire honte, c'est un jour je descends du bus au lycée. Il y avait le mec que tout le bahut kiffait. Il pleuvait, je descends du bus, il me regarde et là je descends les marches. Je tombe sur le cul, ils ont tous rigolé. Ah bah oui, ça par contre. Ah bah oui Sophie, mais là, l'histoire ne nous dit pas si t'as réussi à te le choper Sophie. Et Rémi qui dit Mickaël, t'es trop génial, je te remercie. Gaëtan qui dit en Thaïlande, je sais pas l'écrire. Bah c'est avec un H, hein, comme t'as écrit, mais avec un H et avec un L en moins. Tu pécho comme tu peux, ça déchire. Fabienne qui dit enculé avec toutes les sauces énormes. Et Sophie qui dit les Italiens, ils sont bien chauds paraît-il. Oui, bah dites-nous les autres, hein, comment comment qu'est-ce que vous avez déjà réussi à pécho, comment ça s'est passé. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a Max avec nous maintenant là. Bonsoir Max. Max. Max. Ah, il est là Max. Très bien, parfait. Allô Max. Donc 22 ans de Bourg-les-Valence. Oui, c'est ça. Bon, bah, bienvenue à toi Max. Ah bah oui, attends. Bourg-les-Valence. De Bourg-les-Valence. Bon alors Max, qu'est-ce qui t'amène toi? Sois le bienvenu. Alors déjà, avant que tu nous parles de ce que tu voulais parler, enfin de ce dont tu voulais parler, est-ce que t'as déjà été dans des pays où il était plus facile de draguer qu'en France ou en Belgique par exemple? Au Portugal. Oh, bah, ah bon? Oui. D'accord, ok. Bon, pourquoi pas, très bien. Franchement, c'est des sacrés, je dirais, salopes. Bon, oh, dis donc, du calme. J'ai plein de cousines là-bas, donc reste calme. pour avoir été au Portugal, moi je trouve que c'est l'Angleterre quand même qui est plus simple. Ouais, qui est le plus simple. L'anglaise, au bout de deux bières, t'en fais un peu ce que tu veux. Ouais, ouais, peut-être. Mais sans les Portugais, je les déteste. Ah, tu les détestes? Pourquoi, Max? Tu t'es pris des râteaux? Ah bah, tu vas savoir pourquoi là-bas, pas longtemps. Ah bon, bah alors vas-y, explique, Max, je t'écoute. Mais en fait, tu vois. Attends, en plus ça a coupé. Tu disais en fait quoi, Max? Je crois qu'il y a un problème. Allô, Max. Bon, c'est pas grave, on va le reprendre dans un instant. En attendant, on va prendre Margot là pour les pires hontes là de la Drôme. Margot, allô Margot. Oui, allô. Comment vas-tu? Bah ça va et vous? Bah très bien Margot. Sois la bienvenue. T'as 20 ans toi. Et oui. Bon alors c'est quoi ta pire honte, Margot? Ma mère elle est prof de danse country. Ah oui, enfin déjà ça c'est dur à vivre. Non mais ouais mais il faut voir après. Aux US par exemple, la country, t'es le roi du monde hein, quand tu fais la country. Et d'ailleurs je suis tombé sur Pernod ce week-end, je fais une petite aparté, malheureusement le festival country en France ne pourra pas se faire faute de merde. Voilà, je voulais les soutenir, les pauvres. D'accord, ok, ah bah c'est bien, c'est une bonne chose. Merci Jean-Pierre de m'avoir donné cette grosse information. Ouais, c'est une bonne chose. Bon, et donc vas-y, continue Margot. Et du coup, j'étais avec une amie à moi et on était donc dehors. Donc on attendait que le cours se termine et j'avais une envie pressante. Et du coup, je me suis calée, j'ai voulu me caler entre deux voitures et à ce moment-là, au moment où je baisse mon pantalon, j'avais pas capté qu'il y avait deux personnes dans la voiture et je me suis tapé vraiment la grosse honte. C'est pas mal. Ouais. Mais c'est une belle honte, franchement c'est pas mal. Alors on n'est pas encore au level de Tof. Et non, peut-être une nouvelle histoire à Tof ou pas de honte là, non? Une grosse honte, non mais j'en ai une d'un autre animateur que je peux raconter. Ah bon, de quel animateur? Un mec qui fait une émission avant nous en semaine. D'accord, ok, alors vas-y. Donc en fait donc le mec il a tourné, enfin il s'est filmé avec une de ses meufs. Ouais. Et donc il en a fait un DVD. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah il a mis, pour pas que le DVD traîne, il l'a mis dans une autre boîte de DVD. Ouais. Et un soir donc sa meuf actuel. Ouais. Ah, si on regardait ce film-là. Mais lui, il a oublié qu'il a mis le DVD dans cette boîte-là. Donc la meuf, elle prend le DVD qui est dedans, elle le met dans le lecteur, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Son mec en train de se faire pépon par une autre. Oh putain, on est bon là. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Donc a priori, il se serait un peu fait engueuler. Sans déconner. Mais méfiez-vous, cela dit. Hein, méfiez-vous de des vidéos. Là, vous faites des conneries. Vidéos, alors ouais. Déjà, si vous trompez votre copine, soyez un minimum discret. Mais alors, commencez pas à filmer. Bah, oui, là, filmer, photo et tout. Là, vous êtes complètement con. Hein. A priori, il la trompait pas. Hein, c'était un truc. C'était avant. Ouais, c'était avant. Mais bon. D'accord. Va-t'en lui expliquer à la meuf. Oui, bah c'est clair, bien sûr. Et en plus, quand tu vois ton mec ou ta meuf, même si c'est un ex ou une ex d'il y a 10 ans. Ça fait toujours pas plaisir quoi, enfin ça fait pas plaisir plutôt. Bah merci Margot d'être passée, je te fais des bisous. Je peux faire une dédicace? Allez vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Tous les gens de Twitter, et est-ce que ce serait possible d'avoir un cadeau? Oui, tu vas voir avec Sandro, on va te filer un pack fun sans problème, sans problème Margot. Je t'embrasse. Bisous à toute l'équipe, je salut, vous merci, nous aussi on t'aime, gros bisous Margot, bisous, ciao. Bye. Bon alors est-ce qu'on a récupéré Max? Max? Oui, allô. Ah voilà, ça avait coupé là, c'est bon, on t'a récupéré, parfait. Alors Max, sois le bienvenu, qu'est-ce qui t'amène toi? Donc c'est quoi le truc? Oui, en fait, voilà quoi, je travaille là maintenant, ça fait 2 mois. Ouais. Et il y a 2 semaines, en fait, moi j'ai un ami portugais assez proche. Enfin, il était assez proche. Ouais. Il y a 2 semaines quoi, je rentre du boulot. Et je vois ce mec en train de faire l'amour avec ma mère. Comment? Ah ouais, je comprends que t'aimes pas les Portugais, même s'ils sont pas tous comme ça, mais je peux concevoir effectivement que tu les mettes dans le même panier. Ah oui. Effectivement. Et quel âge il a lui? Il a 24 ans. Ouais. Voilà, il a 24 ans et moi ça m'a pas plu, tu comprends, tu vois ça. Ah bah non, mais bien sûr, non, mais évidemment. Moi j'ai essayé de crier un peu faire l'homme, et le pire c'est qu'il m'a pété la gueule. Voilà. Ah oui. Oh, attends, c'est-à-dire que le mec se tape ta mère et il se permet de venir te casser la gueule, il est gonflé quand même lui. Hein. Voilà, ouais. Ah putain, et du coup, comment ça se passe les rapports avec ta mère? Ça fait deux semaines, je suis pas rentré, elle m'appelle, je réponds pas. Ouais, bah oui, tu étais vénère, non mais je comprends en vrai. Voilà, et... Bah dites-nous, tiens, si jamais ça vous est déjà arrivé de griller votre copain, votre meilleur ami ou amie, ou même les copains-copines, hein, avec vos parents par exemple, hein, pour voir un peu comment ça s'est passé. Bon, et du coup, Max, tu vas faire quoi là? S'il y a un moment, il va falloir rentrer. Hein. Le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que quand il est venu, parce que quand on s'est battu, ma mère, elle est même pas venue séparer. Ah non, elle regardait, elle comptait les points. Oui, lequel va gagner? Et puis tu sais, elle passait avec la pancarte, avec les rounds. Ouais, c'est ça, ouais. Hein là, je sais pas quoi faire. Bah il y a un moment, il va falloir parler de toute façon, hein. Peut-être avec ton pote, à la limite tu lui parles plus parce que t'es vénère, bon c'est ton droit et t'as raison. Maintenant avec ta mère, ça reste ta mère, tu vois. Dans l'absolu, elle avait pas à se taper ton pote, mais fais ce qu'elle veut avec son cul dans l'idée. Il y a tellement de mecs sur Terre. Mais oui, il y a Toff par exemple. Mais oui, moi je suis toujours disponible. Si vous êtes une mère célibataire, que vous avez envie de vous taper un mec, appelez-moi. Bien sûr. Donc, t'as bien dit un mec, donc c'est pas toi qui. Ah bah voilà, c'est ça. Des meufs qui aiment bien les grosses bites, donc pas Toff a priori. Ouais. Bon, et donc Max. Ouais, mais d'après ce qu'on m'a dit, ils sont encore ensemble, c'est ça le souci. Oh ah ouais, mais il y a un moment, faut en parler à ta mère. Ouais, mais peut-être qu'elle est amoureuse, qu'elle est heureuse et qu'elle aime bien se sentir. Mais non, elle a quel âge ta mère? Elle a quel âge ta mère? Je connais mon pote quand même, je sais ce qu'il fait avec mes filles. Non, mais ta mère, elle a quel âge? Elle a 45 ans. Mais 40... oui, il a 24 ans l'autre, c'est vous à l'échec. Ouais, il veut se faire une mille, quoi, voilà, c'est tout. Bon, attends, reste avec nous, Max, on va demander l'avis des autres. Là, tiens, vous qui êtes derrière la radio, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si vous avez des conseils à filer à Max, là, bah allez-y, balancez tous vos messages maintenant, on attend tout ça. 01 42 48 5000, 02 851 4x0, et continuez, donc depuis la Belgique, hein, le numéro, et continuez à nous dire aussi où est-ce que vous avez déjà réussi à pécho le plus facilement, dans quel pays du monde. J'ai mis la carte des pays où il y a le plus, où c'est le plus facile de pécho et où c'est le plus difficile. Donc venez nous dire si vous êtes d'accord avec la carte ou pas. Plein de messages qui arrivent comme d'habitude, hein, sur le Facebook. Il y a Jérémy Didi qui dit: les Allemandes, allez faire un tour à la fête de la bière, vous allez bien voir, vous allez draguer comme vous voulez. Ouais, mais là c'est dû à la bière, hein. C'est pas dû au fait qu'il ou elle soit allemand, hein. Les Anglaises sont chaudes aussi, c'est Joris. Alexandra qui dit en Italie, c'est un pays qui est très romantique, j'ai adoré ces instants avec des Italiens, hein. Oh. Bah oui Alexandra. Jojo aussi, c'est 8 qui dit: en Espagne, moi j'ai réussi à pécho un mec. Ah carrément, Jojo, tu mis bien là, c'est pas mal. Bon, continuez, hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook de l'émission, et puis on va se faire le son. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme son maintenant? Tiens, je vous avais promis le son de... Ah bah Dimitri Vegas, je suis bête. On va se le mettre maintenant, Dimitri Vegas, là, c'est parti. On va récupérer Nicolas juste après. On va prendre Ahmed également, qui voulait faire le thème chinois avec Metropping. Bien sûr. Ah oui, on est toujours en direct sur Fun Radio, on est là jusqu'à minuit, profitez-en, prévenez vos potes. On est en live sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous venez de débarquer, Mickaël No Limit le dimanche de 20h à minuit et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h sur Fun Radio. Dimitri Vegas à l'instant sur Fun Radio avec Stampede. Il y aura Tony Junior aussi à suivre. Tony Junior avec Twerk Anthem. Tout ça au cœur d'une heure sans pub, évidemment. Je vous calerai aussi Jason Derulo avec Marry Me. Et la version 2014 de Showtech, Cannonball. Ça va débarquer dans quelques minutes sur Fun Radio. Restez là, on est là jusqu'à minuit, hein, comme tous les dimanches soirs, évidemment. Continuez à venir nous rejoindre également, hein, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore fait un petit follow là sur Twitter, là, continuez. Venez plutôt aussi, si vous me faites un follow, eh bien je vous followerai par derrière les filles, puis on se followera normalement, hein, pour les garçons, évidemment. Vous tapez M-I-K-L underscore, c'est le petit tir en bas, M-I-K-L underscore officiel. Et pareil sur Instagram, il y a Cédric qui dit: la honte que j'ai eue, ça remonte à la semaine dernière, et une fille a voulu me donner un coup de sac et j'ai mis mon pied s'est mis dans la bretelle, je suis tombé devant tous mes potes. Ah, dommage. Camille aussi qui dit: est-ce que Polo peut me jouer du pipeau pour me remonter le moral après le match nul Marseille-Toulouse? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu nul que je peux t'en jouer, bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais, ouais. Allez, c'est parti, on y va. Alors. Voilà. Et c'est fait comme ça. Il y a Jules qui dit: Max peut toujours leur acheter des capotes, l'enculé. Ouais, par rapport à son pote qui s'est tapé sa mère. Gauthier qui dit: là où c'est le plus dur de pécho, c'est en Bretagne, je pense. Oui, mais Gauthier, tu remarqueras que la Bretagne n'est pas un pays. Ouais. Ah, mais enfin, ils essayent quand même. Peut-être, mais bon, on avait dit. Christelle qui dit: il faut qu'il y ait au moins une discussion après, c'est sa mère, donc il peut pas la laisser non plus, c'est délicat. Et Hugo Réo qui dit: à mon avis, on peut pécho super bien en bois de Boulogne. Oui, mais Hugo Réo, ce n'est pas un pays non plus. Samy également. Ouais, ma pire honte, un soir, je regardais un film avec mon père. Normalement, c'était un film d'horreur. Résultat, non. C'était un film porno. Oh putain, glauque. Bah, j'espère que ton père, il a arrêté quand même, parce que c'est quand même glauque de regarder ça avec son fils. Adrien qui dit: je vous adore, on vous écoute tous les soirs. Ouais, je suis portugais et c'est facile de drailler. Ah bah très bien, Adrien. Ouais, je me rends pas bien compte, moi, si les portugais sont plutôt plus open que les autres. Pourtant, je suis portugais, moi, mais j'avoue que jamais. Mais c'est. Non, mais avec Toff, personne n'est open. C'est... Voilà. C'est ce qui se dit sur les portugaises, les espagnols, etc. Mais. Ouais, en fait, je pense que ça dépend des gifs. Bah peut-être ouais. Les italiennes aussi peut-être après. Encore que faut voir parce que les italiennes à mon avis c'est quand même un petit peu plus tendu tu vois. Elles doivent être peut-être un peu comme les ricaines tu vois où ça a l'air d'être très ouvert et au final t'as rien. C'est surtout qu'il y a les frères et les parents derrière et le père pour les italiennes. Et plus tu vas dans le sud plus c'est dramatique. Hein. Plus... Ah bah ouais je peux te dire je suis avec une sicilienne. C'est pas facile tous les jours. Ah, ah bah non c'est pas facile tous les jours je le confirme. Bon avant de récupérer Max on a Nicolas avec nous maintenant là. Bonsoir Nico. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah très bien Nicolas, là. On a encore un petit thème avec Maître Ping dans quelques minutes. De quoi on parle avec toi, dis-moi Nico, sois le bienvenu. Bon, en fait je suis posé avec 2 ans avec ma copine et j'ai attends, vraiment... Attends, t'es posé avec qui? Avec ma copine. Depuis 2 ans. Ah, depuis... Ah, je croyais, j'ai compris, t'es posé avec 2 ans depuis ta copine. Il a parlé comme Maître Yoda dans Star Wars. En fait, d'accord. Voilà, il a mis le... Voilà. Bon, alors vas-y, donc t'avais 2 ans que t'as avec ta copine. Très bien, bah tant mieux, bonne nouvelle, hein. Voilà, et en fait, voilà, j'éjacule vraiment trop vite, j'ai des problèmes. Ça dure vraiment, vraiment pas plus de 2 minutes, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce que tu penses à... Ah, attends, d'abord, autre question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé avec d'autres meufs ou c'est qu'avec celle-là? Avec d'autres meufs, vraiment. J'ai essayé avec des autres, ouais. Et c'est la même, quoi. Bon, après, alors, attends, juste une question aussi, mais tu dis trop vite, c'est après combien de temps? Bon, après 2 heures, tu comprends, là, c'est un peu rapide. Non mais franchement ça dure 2 minutes. Non mais à chaque fois 2 minutes. À chaque fois 2 minutes. Oui. Ah ouais c'est chaud. Mais 2 minutes de va-et-vient ou 2 minutes préliminaires compris? Vraiment 2 minutes va-et-vient quoi. Bah tu sais que, alors je sais que je vais me répéter hein, mais c'est pas considéré comme précoce hein. Au-delà de 1 minute t'es pas considéré comme précoce. Alors certes c'est rapide mais t'es pas considéré comme précoce. Fais des pauses comme ouais ça, tu fais des pauses. 2 minutes vont multiplier par 10 minutes. Ou tu penses à Toff au milieu, tu sais quand tu vois ça, que ça vient tu penses à Toff. Hop ça va calmer direct hein. Tu vas débander tout de suite. Ah bah bien sûr, non bah évidemment ouais, mais après c'est pas sûr qu'il puisse repartir. Enfin si, moi je dis ça après. Le sperme va retourner à l'intérieur, va remonter C'est ça, t'imagines il y pense, il est tous les spermatozoïdes. Ah stop. T'as tout le truc qui arrête. Non mais c'est clair. Mais pourquoi tu te branles pas ne pas y aller le pistolet chargé. Franchement quand je me branle ça dure plus longtemps que quand je fais l'amour. Non mais ça c'est normal. Oui. Mais ça c'est normal. C'est ah non heureux. Moi c'est le contraire. Ah, non, ouais, moi, c'est ah bon. Oui. Ah non. Ah ouais. Moi, c'est ouais. C'est normalement c'est le contraire. Hein. Bon ouais, ça dépend après à quoi tu penses. Ça dépend ce que tu fais. Mais après tu peux aussi. Ça peut venir vite. Ce que tu fais. Bah je me branle. Non mais d'accord. Mais ça dépend à quoi tu penses. Je veux dire. Mais dans le sens où si avec ta copine ça peut venir plus vite si t'es super excité et surtout et ça c'est le problème que beaucoup de mecs font. C'est plus ils s'obstinent et plus ils pensent au fait qu'ils vont être rapides en se disant je dois pas être rapide plus ils sont rapides. C'est obligatoire, c'est comme ça. Plus t'y penses, plus ça viendra vite. En fait, faut que t'y ailles en disant je suis un tueur, j'en ai rien à foutre, blablabla. Bla, bla. Non, mais c'est vrai, en fait. Il y a la fameuse capote aussi. Et puis t'as la capote, la Durex Performa, ouais. Donc ça, tu peux essayer aussi. T'as déjà essayé celle-là ou pas? Non, franchement, j'ai jamais essayé. J'ai essayé, on m'a conseillé plusieurs choses, mais franchement, ça ne sert vraiment à rien. Ça t'endort le gland, ça t'endort le zboob, et tu peux y aller. C'est vraiment tout chaud et on sent rien, quoi. Bah non mais quand t'essayes avec la capote, la Performa, alors évidemment que t'as moins de sensations que quand tu mets pas de capote, ça tombe sous sens. Mais non mais pour le coup je te jure j'ai déjà essayé un jour. Ah oh, bah là putain j'étais limite peine à jouer hein. Ah ouais non mais c'est. Ah bah c'est-à-dire qu'avec la avec la Performa wow. Ah ouais c'est performant hein. Mais ça fait quoi en fait? Mais en fait c'est un espèce de merde, comment on appelle ça, de gel. Ouais, c'est un gel qui endort quoi, tu vois. Ah d'accord, qui donc endort. Tu peux y aller la bazocaïne, ça s'appelle. C'est de la bazocaïne, ouais. Et donc du coup, tu le mets. Ah oui, ça marche par très contre, bien. Tu peux arrêter de te masturber parce que c'est horrible. Là. T'es en train de te branler ou pas en entendant, en nous écoutant là? Là ouais, je me branle en vous écoutant. Ah d'accord. Oh, ah bah ouais, c'est ça. Et attends, parce qu'on en a eu, hein, qui le faisait un gilou. Oh, écoute. Ouais, attends, il le faisait vraiment direct pour le coup. Bon, il y a Tess qui dit il y a 2 ans et demi, je sortais avec le meilleur ami de ma meilleure amie et elle l'aimait. J'ai fait un choix, j'ai pris mon copain. Aujourd'hui, je regrette. Ah bah, je dois être content. Il y a Colin aussi qui dit putain, vous me donnez la foi, je joue à Call of Duty, je baisse tout le monde. Et bah ouais, continue, hein, Colin, c'est bien. Et Christophe qui dit pensez à Toff en baisant, tu m'étonnes, après tu restes des heures. Ah ouais, mais moi je vous donne des conseils. En fait, ce que vous voulez, mais ça peut être un bon conseil, quoi. C'est ça. Bon, Nico. Oui. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est effectivement de ne pas y aller les pistolets chargés. Hein. Donc en gros, tu y vas, tu te branles un coup avant si t'es sûr de coucher avec la fille. Deuxième conseil, de ne pas penser que t'es précoce, parce que plus tu vas y penser, plus t'as de chance de lâcher la purée rapidement. Et peut-être, si vous faites trop de préliminaires, des fois, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas. En fait. Alors ça dépend. Non, attendez, je vais m'expliquer. Non mais il essaye parce que comme je sais qu'il a du mal à arriver au bout de ses phrases. C'est pas ça. J'ai pas envie de dire de conneries contrairement à Tof. Si tu te matches, si vous touchez trop, si elle te branle trop, si elle te suce trop, t'es déjà parti quoi. Tu vois, t'as fait 70%. Alors, c'est ça, t'as fait 70% du trajet. Sauf, et ça, mais alors là par contre, faut vraiment être un bon joueur et un bon. Faut bien gérer, faut pas rater, sinon c'est mort. Sauf si tu vas jusqu'à la limite et puis tu t'arrêtes. Et là, tu tiens 2 heures. Ah ouais, j'ai bien aimé le. J'ai essayé franchement de faire ça, d'arrêter, mais franchement, ça va trop vite. Ouais, mais quoi. Tu t'es pas arrêté à temps. Il faut, au moment où tu sens que. Pas que c'est trop tard, mais au moment où tu sens que ça arrive, stop, t'arrêtes tout. Mais faut. Limite, tu le préviens à ta meuf, hein. Mais tu la pousses pour qu'elle arrête directement, parce qu'il suffit d'un coup de lâcher, c'est mort. Le mur. Non, mais n'abuse pas, mais je veux dire, Et là, si t'as ça, bah t'es tranquille après, tu peux y aller, hein. Mais il faut pas rater son coup, hein, parce que évidemment c'est un peu chirurgical quoi. Ouais. Voilà, faut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Bon bah très bien. Donc les autres, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, hein, même les filles, hein, à donner à Nicolas, on sait jamais. Hein. Donc on te rappelle Nicolas si on a des gens qui ont des conseils, d'accord? D'accord, je peux passer une petite dédicace? Vas-y Nico, à une seule personne, choisis la bonne. D'accord, alors je passe une dédicace à Genghis Kilik. Très bien. Restaurant Kilik et à Garage vous envie l'auto. Très bien, bah ça en fait double comme ça. Je peux avoir un petit cadeau? Oui, tu vas gérer avec le pack folle avec Sandro, on te la repasse maintenant Nico. D'accord, bah je vous remercie de vos conseils en tout cas. Salut Nico, merci bonne à toi d'être passé. Salut. Merci, ciao à toi. Bon, Maître Ping, il y a Ahmed qui est de Montpellier là. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Mika, bonsoir Tof. Comment ça va? Il y a Polo aussi, non, puis il y a Maître Ping. Voilà, et puis il y a Maître Ping et Sandro, tu l'as eu en antenne, donc c'est très bien, t'as déjà fait le tour de tout le monde. Bon, oui, Ahmed. Ahmed, oui. Alors tu voulais connaître ton signe, parce que c'est le nouvel an chinois là. Et donc exactement. Du coup, depuis tout à l'heure, on essaye de faire un maximum pour donner de meilleurs conseils aux auditeurs, bien sûr. Nous entrons dans l'air du tubal de bois. Voilà. Et donc, t'es de quel signe chinois, Ahmed? Alors chien. Un tweet, tiens. Ah, t'es un chien, toi? Ouais, chien. Sale chien. D'accord. Comme tous les tiens, tu es fidèle et loyal. Très bien. Par contre, tu es pessimiste et tu as des angoisses. Je suis pessimiste et j'ai des angoisses. Oui, tu as des angoisses. C'est vrai, ça? Oui, c'est sûr. Ah, très bien. Et pour l'avenir, Maître Ping? Pour l'avenir, ça dépend, il faut voir. Il faut voir quoi? Oui, il faut voir ce que ça dit dans les dates. Ouh là là. Ouais, parce qu'il est dans sa boule de cristal. Hein. Ouh là là là là, je vois que des choses, ça va pas être terrible, hein, cette année. Qu'est-ce qui va pas? Il va être très agacé, hein, il voudrait foncer dans le tas, mais je ne crois pas que ce soit une bonne solution pour la réussite. Ah. Bon, il faudra calmer tes ardeurs. Bah voilà, mais hein, comme ça t'en sais plus. Hein. si vous voulez appeler ce charlatan, on vous donnera le numéro en antenne, bien entendu. Bien sûr, je suis disponible tête sur tête 24h/24. Voilà, numéro gratuit. Bien c'est sûr. Voilà. 0892. Oui, c'est ça, et tu parles. C'est gratuit. Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, Ahmed, hein, avec plaisir. Hein. Merci. Bah, je t'en prie. Et puis passer une dédicace à Tom qui est à Carca en train de corriger ses copies de troisième, voilà. Ah, bah, Polo, il pue hein, toujours. Hein, bah voilà. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, salut Ahmed, merci beaucoup d'être passé en tout cas. Oui, salut. Oui, t'inquiète, je te repasse Sandro maintenant sans problème. Salut Ahmed. Bon, on va faire le match d'impro tout à l'heure aussi. Hein. Appelez-nous si vous voulez participer. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si vous voulez jouer avec nous au match d'impro, vous êtes évidemment les bienvenus. Il y a des casques de DJ à gagner, ça vaut 200€ le casque. Donc on vous attend évidemment avec impatience. On jouera avant la fin de l'émission, évidemment. On va récupérer David, Michel. Alex qui voulait réagir à Max qui a surpris sa mère avec son pote, évidemment il l'a mal vécu. Et ben on fait tout ça après le son de Tony Junior maintenant au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit. Je vous rappelle encore qu'il y a la Xbox One à gagner ce soir sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort dans 3 quarts d'heure. Vous nous appelez, vous jouez maintenant pardon sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, je vous souhaite bonne chance et c'est Tony Junior qu'on écoute maintenant. Twerk Anthem sur Fun Radio. Tony Junior à l'instant sur Fun Radio, c'était Twerk Anthem. Il y aura Jason Derulo à suivre, il y aura Showtech également. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. Et il y a Delphine qui dit Nico, il faut qu'il prenne du Viagra, il tiendra plus longtemps. Non, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Hugo Rio qui dit moi honnêtement j'aimerais bien voir déjà avoir une meuf. Après je vous appellerai pour des problèmes. Bah, pourquoi pas Hugo Rio, ça viendra bien. Et Alex qui dit moi je dure 2 heures sans compter préliminaire et l'image de la mamie c'est radical. Ouais mais 2 heures c'est peut-être un petit peu long quand même hein, en termes de l'image quand même. Hein. Un petit peu à mon avis. On va récupérer Max dans quelques minutes, on va se faire le match d'impro également. Tout à l'heure on cherche encore une fille, on a un mec pour jouer avec nous, on cherche une fille. Si vous voulez jouer avec nous les filles, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va vous donner un thème, il va falloir faire de l'impro en fonction du thème qu'on va vous donner, de quelques difficultés évidemment. Et puis les auditeurs voteront pour savoir lequel des deux est le meilleur, c'est pas plus compliqué que ça. On joue avant minuit et en parlant de jeu également, il y en a plein qui voulaient qu'on refasse le jeu, le karaopé. Très grand jeu. Eh ben ce très grand jeu, alors on l'a fait pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on fait ça le mercredi. Donc si vous voulez jouer avec nous, ben on jouera évidemment avec grand plaisir. Et donc le but c'est d'arriver à retrouver les chansons avec des auditeurs, c'est ça. Ça c'est Pitbull et Kesha et Timber. Ah. Voilà, et comme ça je vous mets la version originale. Ah. Merde, hop là, où est-ce qu'il y a la version originale? Et alors il y avait aussi Maître Gims. Voilà. Et il fallait découvrir Maître Gims à base de cette chanson là évidemment. Meilleur, c'est mieux la version pêche. Ouais. Ça le met plus en valeur. Voilà. Et puis il y avait aussi cette vieille chanson là d'Indochine avec l'aventurier. Ça c'est le piège. Alors écoutez la version paix. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, on fait ça tous les mercredis, hein, c'est le karaopé. On remet le couvert ce mercredi, bien entendu, avec plaisir. Si vous voulez participer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Retour avec Max, 22 ans de Bourg-les-Valences. Max, toujours là ? Oui, allô ? Très bien, Max qui est de retour avec nous, qui a surpris sa mère avec son pote. Du coup, je vous avais demandé si vous aviez déjà vécu ça ou si vous aviez des conseils à donner. Et il y a Michel avec nous maintenant là de Tournus. Salut Michel. Salut. Alors, j'ai pas confondu avec Tournée, hein. C'était Tournus, c'est dans Saône-et-Loire. Tournu. Tournus. On dit Tournu, d'accord, ok, très bien. Oui, parce qu'il y a échelle de Tournus. D'accord. Voilà, très bien, parfait, merci Taf. Un petit peu de culture. N'est-ce pas. Bon, alors Michel, bienvenue, tu voulais donner un conseil à Max, toi qui es là? Oui, un petit conseil. Je voulais, c'est pas, j'ai pas vécu cette situation-là, mais en fait, je suis sa mère. Ah merde. Non, mais en tant que maman, je trouve ça dommage qu'il réponde pas au téléphone à sa maman, parce que. Ouais, mais enfin, à côté de ça, lui doit trouver certainement dommage que sa mère soit tapée son meilleur pote, tu vois. Oui, 24 ans et. Bah ouais. Peut-être, mais faut qu'ils se disent que sa maman, avant d'être une maman, ça a été une femme, donc. Ouais, ça a été une cochonne. Ça le regarde pas. Bah si. Non, après, moi je suis d'accord avec toi. Ça le ça lui regarde pas. À part quel droit elle peut juger sa mère. Attendez. Ça lui regarde pas si elle couche avec n'importe quel homme, si elle a envie de se taper un mec tous les soirs. Effectivement, c'est pas son business. Mais putain, pas son meilleur pote. Il y a tellement de mecs sur Terre, tu t'as pas le meilleur pote. Oui, mais après une pulsion, une envie. Non, arrête. La dame a 47 ans. Il y a un moment donné, faut arrêter de pulsion, quoi. Ouais, peut-être. Enfin, faut voir. Moi, après, je voulais dire, par rapport à ça, je ne juge pas sa maman, mais je trouve ça dommage qu'il réponde pas à sa mère, parce que c'est triste de laisser une maman comme ça sans qui appelle. Non, mais d'accord, Michel. Mais bon, fallait penser aussi. Je veux dire, si moi je suis père, je vais pas aller me taper la meilleure amie de ma fille. Mais oui. Tu réfléchis un minimum, même si t'as une pulsion, tu dis bon, écoute, je vais pas le faire parce qu'il y a un moment, il y a mon fils, il y a ma fille derrière, c'est pas normal, ça se fait pas, machin. Il y a un moment, faut aussi réfléchir à ça. Mais attention, il y a aussi Alex qui est avec nous. Un bon 21 petit pistonnage de temps en temps, ça fait toujours du bien. C'est sûr. Alex, si 21 ans de Bruxelles. Ouais. Ça va bien, Alex? Toujours la forme. Je l'écoute très régulièrement. Ah, bah c'est gentil, Alex. Bon. Je vous salue tout d'abord. Eh ben, salut, Alex. Je voulais d'abord réagir à Max. J'ai pas vraiment vécu cette situation, mais d'après ce que j'ai compris, lui, quand il a essayé de discuter avec son pote lui a entre parenthèses que l'a amoché, on va dire ça comme ça. Ouais, enfin ils sont battus quoi. Ouais, mais là, le cas suivant, ce qu'il devrait faire, c'est de nouveau aller le retrouver. Lui mettre une patate. Ah non. Non. Oui, mais de toute manière, l'autre, il est quand même un peu plus fort que lui. Ça c'est clair. Là, il doit aller chez lui. Ouais. Discuter avec lui clairement. Ça c'est mon avis, car ce qui m'est déjà arrivé, mais bon, pas dans la même situation, dans un autre cas. Vas-y. Même si le type est plus fort que lui il doit pas montrer qu'il a peur. Surtout pas, même s'il est plus fort que lui, il doit trouver une solution et pouvoir le casser lui la gueule. même avec quelque chose en main, il doit pas se laisser faire. Tu vas avec tes potes? Non, parce que ça, déjà, ça commence à être plus intéressant dans ce cas-là. Ouais. C'est lui, donc c'est Max avec son pote qui a un problème. C'est lui qui doit aller le régler. S'il a aucune chance à main libre, qu'il prenne un bout de bois, une chaise, n'importe quoi, c'est lui qui doit le... Un point américain. Mais non, mais non, bon, le but, non, non mais le la violence, c'est-à-dire la violence. Oui, pas la violence, mais Max a essayé clairement de discuter avec son pote, son pote, et l'autre lui a cassé la gueule. Ça, c'est pas correct du tout, ça part. Ouais, mais après, il se la ramène, mais le jour où sa daronne, elle va le virer, et là, il pourra dire, t'as vu, espèce de petit con, ouais, je t'avais prévenu, et là, il pourra plus se la ramener. Ça aussi, je suis d'accord avec vous. Mais oui, le temps est la meilleure des vengeances. Donc, tu es d'accord avec moi. Oui. Non, mais pour le coup, c'est vrai, hein. Moi, j'étais en rage contre un mec il y a des années. Et en fait, le mec, tu vois, j'ai essayé de le chercher, tout le bordel. Bon, finalement, j'ai pas réussi à le trouver. Et un jour, comme ça, je le croise. Et il était vendeur dans une boutique. Et je rentre dans la boutique, mais sans savoir. Et en fait, je le reconnais. Mais juste sa gueule. Et le mec, il a le même âge que moi, à peu près. Hein. Il est devenu, mais d'une laideur. Oh là là. Pire mais que c'est... moi. Ah ouais, franchement, oh ouais. Merde. Mais genre la tête avec des petites lunettes, on leur a dit professeur Tournesol, il avait perdu tous ses cheveux, il lui restait une couronne. Il te faisait pitié, la couronne qui restait, c'était gris. Et puis tu sais, quand j'ai regardé, j'ai dit à un pote, je dis, putain, tu vois, je l'ai pas retrouvé, je lui ai pas pété la gueule, mais le temps m'a vengé. Toujours. Voilà, c'est le temps, la nature m'a vengé. Oh, et ça, c'est beau. Ah putain, mais j'étais content en fait, plus content que si je lui avais mis une patate. Bien parce sûr. Qu'il avait l'air tout triste, tout dépité comme ça, cette tête de con. Et j'étais content. Mais c'est ce que je dis toujours, tu sais, les gens, il y a un moment donné, tu. Oui, bah, avec le temps, ton tarande. Ah, j'essaie de vous imiter, Maître Ping. Hein. Avec le temps bas, tout en bas. Ah, avec le temps bas, avec le temps tout en bas, tout non, en bas. Avec le temps bas, tout en bas. Avec tout en bas, tout en bas. Tout en bois. Non, avec le temps en bois, tout en bas. Avec le temps bas, tout en bas. Non, va. Ouais. Tout en bas. Tout en bois. Non, c'est pas grave. Vous n'atteindrez jamais la sagesse. Je ne peux rien pour vous. Donc avec le temps bas. Non, le temps va. On va manger, on attend. Voilà, on va très bien, manger, avec moi qui pourtant devant la radio, c'est parfait, très c'est bien. Parfait, c'est bon, parfait. Merci, Maître Ping. Bon, alors attends, Alex, deux secondes. Il y avait aussi David qui est avec nous de Bruxelles également. Tiens, c'est en force ce soir, Bruxelles. Là. Comment ça va, David? Ouais, salut, ça va. Ça va bien, toi? Ouais, très bien. Ben, bon, écoute, c'est un cas concret. Mon copain, il a eu la même chose que toi, que Max. Ouais. Et honnêtement, c'est pour reprendre une phrase que tu viens de dire, le temps tout. Tout est arrangé. Oui, avec le temps bas, tout en bas. Je n'avais rien compris à ce que tu dis, mais ce n'est pas grave. Ah bon, merde, désolé, Maître Ping. La tadette arrivera à celui qui t'aura prendre le temps de comprendre mes paroles. Oui, bah c'est pas gagné. Hein. Bon, et donc David, alors c'est quoi l'histoire? En fait, ce qui s'est passé, lui aussi, donc il a pété aussi un câble, tu vois, il est parti et il a quitté la maison. Pendant un petit temps, je l'ai hébergé pendant 2-3 jours. J'ai essayé de le raisonner un petit peu pour lui dire, écoute, ben, tu sais, avec le temps, elle va pas se caser avec ton pote et tout, donc ça, c'est voué à l'échec. C'est pas quelque chose qui va durer. Tout compte fait, après un mois et demi, ben, le type, il s'est trouvé une meuf de son âge, donc ça n'a pas duré longtemps. Donc, ce que j'allais lui dire, honnêtement, c'est ça a rien d'aller chercher des noises ou quoi, ou de pouvoir faire ça avec la violence. Ni même discuter avec son pote, parce qu'un pote qui fait ça, c'est pas un pote, moi je trouve. Ouais. Oui, non, c'est clair. Bah, bien sûr, c'est pas un pote, c'est un connard. Voilà, un gros. Hein. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Hein. Mais oui. Non, mais c'est un grand enculé, quoi. Donc, tu sais, tu réfléchis à deux fois. Déjà, c'est vrai que la mère, elle réfléchit aussi à deux fois. Mais le pote, encore plus. Mais oui, hey, Max. Oui. Hey, sinon, oui. On l'appelle, hein, le pote. Hein. Moi, je lui parle. Voilà une bonne Est-ce idée. Que je peux vous juste un conseil? Oui, quand le temps bas, tout en bas. Non, là, c'est Polo qui parle. Là. C'est Polo contre le reste du monde. Ouais. Toujours se méfier de ses amis et surtout de sa famille. Ah oui. Ah. Vous vous méfiez de tout le monde dans l'idée, hein. Ouais. Bah ouais. Mais ouais. C'est les pires. Oui, David. Bah écoute, voilà. Donc Max, il faut qu'il ait la patience d'attendre. La patience d'attendre, oui. Voilà. Et quitte même à la limite d'appeler sa mère ou de dire au moins qu'il est encore vivant, qu'il va bien. Oui, ça tu peux dire aussi, donner des nouvelles, Max, en disant voilà, je vais bien, mais laisse-moi réfléchir un petit peu parce qu'il y a un moment, c'est trop pour moi là. C'est clair que c'est un gros choc, c'est le cas de le dire. Oui, ça c'est clair. Ouais. Mais honnêtement, le temps va passer et c'est clair. Car avec le temps bas, tout en bas. Oui, n'arrête pas de vous le dire. Oui, merci, Maître Ping. Ma dette perd bien. Bah oui. Bon. Donc il faut pas qu'il s'inquiète. C'est clair. Ça arriverait à n'importe qui d'entre nous. et on réagirait pareil que lui. Sauf ah oui que, bon, y a que le temps qui peut faire jugement. Oui, car avec le temps bas, tout en bas. Oui, t'as bien entendu, voilà. Pas de vous le dire. Mais merci, Maître Ping. Bon, bah, merci David, Michel et Alex, en tout cas, d'être passés. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Alors, bon, merci. Merci à vous. Oui, oui, vous partez avec le pack fun, je vous envoie chez Sandro au standard. Okay. Salut à vous, à bientôt. Bon, Max. Oui, allô. Bah, tu veux pas qu'on l'appelle, le pote, là? En fait, parce que j'ai écouté Michel et David. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est... Ce qui m'a choqué, le plus qui m'a choqué, c'est l'image. Ah bah non, ah, mais oui, ça, oui. Par contre, tu peux rien faire. Hein. C'est-à-dire que même s'il s'excuse, tu l'auras à l'image. Hein. Ça, il n'y a plus rien à faire. Hein. De voir ma mère et mon pote à poil. Oui, oui. Et encore, ça aurait pu être pire. Hein. Non, mais c'est... en plus, je connais mon pote. J'ai déjà couché avec des filles avec lui. Ah, t'as déjà fait des trucs à trois? Oh là là. Oh. Ah ouais, mais là on peut essayer de voir pour le l'appeler, tout ce que tu veux, mais ça, l'image, on peut rien faire, on peut pas l'enlever. Hein. Bah ouais. On est déjà allé à l'hôtel avec des filles et tout, t'es. Ouais. J'ai vu comment elle est terminée. Il en a une grosse, hein. Oui, non, ben voilà, mais ça, après, Max, on peut rien faire, hein. On peut rien faire de plus, là. Mais à part l'appeler, le mec, sinon, essaie de recontacter ta mère. Pour le coup, c'est vrai, tu peux au moins donner des nouvelles en disant voilà, je suis encore en vie, mais par contre, au moins lui expliquer que t'es vénère, tu vois, que t'es encore vénère et que ça a pas passé tout de suite, toi. Tu veux pas qu'on l'appelle en direct? Mais si, on fasse peut, un choix, et qu'elle fasse un choix, bah voilà. Demander qu'elle le dégage, parce que bon, c'est vous à l'échec. Attends, Max, je te repasse Sandro pour voir pour les numéros si tu veux, là, ou si tu veux pas, y a pas de problème. On va prendre Belle aussi pour le match d'impro, on aura Julie aussi pour le match d'impro. Il y a Félix qui est apparemment un bon plan thune, qui est avec nous de Metz, là. T'es là, Félix? Oui, je suis là. Bon, très bien. Bon plan thune dans quelques minutes. Tu restes avec nous. Et puis, on va se faire, comme promis, peut-être une chanson pour la mère de Max, tiens. Jason Derulo avec Mary May. Non, mais on sait jamais. Ça se trouve, peut-être que le pote, il va arriver, il va dire... Do you marry me? C'est pas. 105 is the number that comes to my head. Plan the door. Jason Derulo sur Fun Radio avec Mary Me. Et je rappelle évidemment encore une fois qu'avec le tamba, tout en bas. Non, vous n'avez rien compris. La samba, si. La samba. Avec la samba, tout s'en va. Voilà. Vous ne comprenez rien. Je ne avec peux le rien tamba, pour vous. Le samba, tout en bas. Tout s'en va. Le samba de samba. Déjeuner, héros. Je voulais être dans votre ignorance. Mais ça n'a rien à voir, Maître Ping. On essaie de comprendre, mais vous comprenez rien non plus. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Je m'exprime. Avec le tamba, bien. Tout en bas. Oui, voilà, teta. Ah bah voilà, vous voyez que j'avais raison. Pas du tout. Oh là là. Bon, il y a Jayo qui dit ma pire honte au collège quand un prof a mis ma veste dans une merde de chien et j'ai dû prendre le bus comme ça. Oh l'enculé. C'est quoi ce prof? Salut, j'ai 30 ans. Attends, c'est quoi? Si lui a 30 ans, moi j'en ai 80. C'est Romain qui avait envoyé le message. Ah oui, c'était tout à l'heure Louise. Ah bah oui, il fallait réagir plus tôt là aussi. Hein. J'en peux plus de rire, c'est Sim Radio qui avait envoyé le message. Et par rapport à l'amende, il y a Gwenaël qui dit j'ai fait pareil sur l'autoroute en rentrant de Bordeaux. J'ai été flashé à 173 et 10 minutes plus tard, j'ai croisé la mégalérèse des flics. Heureusement pour moi, j'avais juste fait une pointe à 195 et j'étais redescendu à 145 quand je suis passé devant eux. Ouais, t'as effectivement eu un petit peu de chance, Gwen, pour le coup. Et Simon qui dit oh là, Mickaël, 170 c'est 50 au-dessus de la vitesse. 170 moins 50 égale 130. Ouais, non, mais alors, Simon, j'ai une excuse. En Belgique, c'est 120. Et donc, je rappelle que j'habite là-bas, moi. Donc, forcément, pour moi, c'est effectivement 50 au-dessus. Mais vous aviez compris que c'était 40 pour la France. C'est quoi le truc chinois pour le 19 décembre 2001? C'est Lucas. Mmh. Ah bah, il faut mettre ton signe, Lucas, là. C'est pas compliqué. 19 décembre, quelle année? 2001. Ah, 2001, oulala, petit jeune. Ah oui, c'est un petit jeune, oui. Alors, on te regarde. Allez, vas-y, regarde. Alors, t'as nous fait un terpenta. Un terpent? Un terpent, oui. Oui, parce qu'avec le tamba, tout en bas. Non, bah, t'en as rien à voir avec le terpent. Ah bon, alors, pensais. Le terpent, il est droit et volontaire. Par contre, il est jaloux gratuitement et il est toujours tout pitieux. Tout pitieux, oui. D'accord. Il n'est, comment dire, il toupçonne tout le temps. D'accord, mais parce qu'avec le tamba, tout en bas. Voilà, exactement. D'accord, non mais très bien, balance. Suspicieux. Oui, suspicieux, oui. Suspicieux. Ouais. Suspicieux, c'est ça. Complètement. Exactement, voilà. Merci Maître Ping. Vous voulez pas savoir pour l'amour? Ah bah allez-y quand même. C'est un amour vif, sensuel et il a tendance à la perversité. D'accord. Voilà, je tenais à le dire. Bon. Et... très contre, bien. Il est un peu dépenti aussi. Merci Maître Ping. De vous d'en prie. Et avec le tamba, tout en bas. Non, pas dans ce cas-là. Ah, pas dans ce cas-là. Bon, bah tant pis, alors c'est pas grave. On va récupérer Félix avec l'astuce thune. Il y aura Ali également qui veut nous parler, là, Ali de Paris. Mais avant cela, bah, vous le savez, tous les soirs on fait les appels avec Toff et on continue, y compris le dimanche. Cette fois-ci, c'était les petites couilles. Oui, en fait, il paraît que plus les couilles sont petites, plus la femme est fidèle, plus les couilles sont grosses, plus c'est une cochonne qui va se faire trancher par tout le monde. Paraît-il. Donc, du coup, on a évidemment prévenu les gens. Hein. Bah oui, je suis allé prévenir tous ces hommes qui ne sont pas au courant du drame. Bien sûr, évidemment. Donc on y va, c'est parti. On prévient comme d'habitude, je rappelle que c'est une émission d'aide. Non mais c'est vrai. De l'aide et encore de l'aide. Oh. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des petites ou des grosses couilles monsieur. Je voulais juste te dire que tu fermes ta gueule espèce d'enfant de pute. Mais enfin monsieur, pourquoi vous dites ça? Ouais, parce que je t'emmerde. Bah enfin monsieur, c'est pas très gentil tout ça. Ouais, va te faire reculer. Mais non monsieur, enfin pourquoi? Ah, je sais pas pourquoi, mais en tout cas lui voudrait. Bon, ah, on le rappelle. Toute cette sympathie était trop. Allez hop, c'est reparti, on y retourne. Enculé. Faire enculé. Mais enfin. Mais non monsieur. Arrête de m'enregistrer, espèce de merde, va. Mais enfin monsieur, dites pas ça. Va te faire enculer. Mais c'est pas gentil tout. Allô. Ah, en plus, il y a une petite imitation là qui était quand même pas mal. C'est bien quand il imite Dove, c'est énorme, j'adore ouais. Ça. Allez hop, on le rappelle encore un coup. Bon, c'est parti. Allô? Oui, il faut pas le prendre comme ça, monsieur. Ouais, c'est bien. Allez, bonne soirée. Bah non, monsieur, enfin, vous avez pas répondu à ma question. Remise-toi bien avec Internet et tes coups de téléphone de merde. Mais non, mais c'est pas un téléphone. Mais non, monsieur, mais c'est pas un coup de téléphone de merde. Je veux juste savoir si vous avez des petites ou des grosses couilles. Ouais. Et toi, t'as une petite bite, à mon avis. Oui, mais ça n'a aucun rapport, monsieur. Si, c'est un rapport, mon pote. Bah, c'est quoi le vraiment une petite queue pour faire ça au téléphone, espèce de merde. Bah, enfin. Mais enfin, bon. Tu me laisses tranquille, j'ai une famille, j'ai autre chose à foutre que de passer ma vie au téléphone avec toi, mec. Bah, oui, mais si allez, vous répondez. Bonne soirée, vas-y, ta gueule. Bonne soirée. Ça a au moins le mérite d'être clair. Hein. Je pense qu'on s'arrête là, c'est mieux. Je rappelle qu'on remet le couvert demain avec les appels. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone de gens que bah, qui sont aussi agréables que celui-là, n'hésitez pas. Des amis, des ennemis, etc., etc. Bah, vous pouvez les proposer ces numéros de téléphone sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Dans quelques minutes, on va faire le match d'impro avec Ben, avec Julie également, et on va d'abord prendre Félix avec nous là. Félix de Metz, t'es là, Félix? Félix oui, le chat. Salut. Très bien, et je rappelle que dans une semaine tout pile, on fera l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur, un prof de maths qui a gagné c'est plutôt nous qui avons gagné la possibilité d'y aller, hein, mais en fait on sera chez lui donc à Noyon en Picardie pour faire l'émission en direct de chez lui avec les élèves, tout ça, et le vendredi, juste avant, donc dans 5 jours, on sera aussi en soirée, et là ce sera au El Patio avec Jean-Pierre Sauzère qui sera là pour chanter en live, exactement, soirée également avec la possibilité dans la journée de venir bouffer avec nous, d'aller faire un petit kart. Wow. Également et de faire un petit laser game si vous voulez mettre des rayons laser dans le cul de Toph, tout sera possible. Ça serait bien quand en tant que prof de maths il donne des petits cours à Toph. Oui. Ou qu'il nous fasse des cours ou un truc comme ça. Ce serait pas mal. Ce serait sympa. Ben, on va essayer... mettre à niveau. Ouais, oui, c'est clair, pour nous remettre à niveau. Ben, on va essayer de gérer ça. Passage à niveau. Oui, c'est ça. Merci Toph. Bon, alors Félix. Oui. Bon, ben, bienvenue à toi Félix. Alors toi apparemment t'avais des conseils pour se faire de l'argent facilement. Oui. Alors c'est quoi ton conseil pour faire de l'argent facilement? En fait ça marche en hiver. Ça en marche fait, en hiver seulement, mais ça tombe bien, on est en plein dedans. Parfait. J'emprunte l'appel de mon papy pour déblayer. Ouais. Et puis je vais devant les maisons et je déblaye, après je sonne. Et quand c'est bien fait, généralement, ils te donnent de l'argent. Ah ouais, c'est un peu le même concept, je déteste ça, des meufs qui viennent te laver la vitre. Ah, les fameuses... Ouais, elles arrivent, tu fais signe, non, je veux pas laver la vitre. Et alors, elles font quand même, c'est un espèce de petit cœur. Alors, du coup, je suis obligé de mettre l'eau du lavage de vitre, tu vois, pour qu'elles se barrent. Ils leur mettent dans la gueule. Mais non, mais bon, il y a un moment, tu dis non, c'est pas la peine d'assister. Là, c'est sympa, en plus, c'est si t'es un petit vieux qui sait pas, qui veut pas enlever la neige, c'est pas... C'est... Ça, c'est vrai. Mais, par contre, si jamais t'y vas et que c'est pas des vieux qui ont rien demandé, ils vont te dire, bah non, et au final, t'as bossé pour rien. Ouais. Ah bah là, c'est tant pis pour moi. Ah bah ouais, et tu te fais combien à peu près là? Par mois là, 5-6 000 euros ou pas? Bah en fait, ça compte plus par jour. Bon, par jour à peu près. Bah des fois, ça me revient à 15 euros. Ah ouais. Mais pour la journée complète? Non, juste une après-midi. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Ou bien, bah des fois, quand il n'y a pas de neige, je suis dans la merde. Ah oui, là, cette année, t'es un peu dans la merde. Ah oui, cette année, ça dépend, t'es où là? Bah, t'es à Metz, ouais, y a pas une neige encore à Metz, Félix, a priori, cette année, enfin, pas beaucoup. Tu sais ce que tu fais? Tu importes de la neige et tu balances Tu mets des canons à neige juste devant chez le mec, tu dis attendez, hop là, je déblaye. Tu bombes. Et hop, tu nettoies le bordel, hein. Bon, après, tu peux le faire aussi avec des. Quand y a des feuilles, tu vois, là, l'automne, fin de l'automne, quand les feuilles sont tombées. Ouais. Ça, tu peux faire aussi, t'empruntes le balai de papy. Et puis, tu fais le ménage avec les feuilles. Ouais. Ça peut être un bon plan, ça. Mais en revanche, c'est pas un plan facile pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut quand même, il faut travailler, tu vois. L'astuce facile, c'est de rien foutre et de gagner de l'oseille. Il y a un autre truc. Par exemple, quand tu suis Toff à la trace et tu le déplaces, parce que comme c'est une merde, tu dégages les merdes de chez les gens. Exactement. Moi, je peux te donner 10 euros pour ça. Tu fais l'auto-nettoyage. Voilà. Ça peut être une idée également, effectivement. Mais c'est bien, en tout cas, Félix, que tu fasses ça. C'est cool. Félix? Non, Félix est décédé, malheureusement. Ah, je disais que c'était bien que tu fasses ça, c'est cool, plutôt que de gratter de l'oseille à papa, maman ou les grands-parents, etc. C'est bien de le faire. Non, mais c'est vrai. Merci Félix d'être passé. Bah, tu vas repartir avec le pack fun. Je te repasse Sandro au standard, ok? Ok, merci. Salut Félix, ciao à toi, ciao à toi. Bon, et puis Ali également qui est avec nous de Paris, là, qui a un petit coup de gueule. Salut Ali. Ali? Allô? Ali, allô? T'es là, Ali? Ouais. Il est presque mort, Ali, en train de tousser, là. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Ouais, c'était 3 heures, j'attends. Ah bah oui, attends, 3 heures, t'exagères un peu jours. Là. Une heure, Ali. Une heure. Bon, alors Ali, qu'est-ce qui t'amène? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, cet après-midi, je rentre chez moi tranquillement. Tu rentres chez toi tranquillement, ouais? Ouais, Peter, je suis heureux, je suis calme, serein. Je mets ma télévision, je mets des 17, et je tombe sur un nouveau programme qu'ils ont lancé, en fait. Sur un nouveau programme qui quoi? Parce qu'on comprend mal. Ouais, un nouveau programme qu'ils ont lancé. Qui vont lancer, ouais, d'accord, ok, sur D17. En gros, c'est un truc qui s'appelle le nouveau chevalier du Zodiac. Oh là là, oui. Je l'ai vu. Ouais, c'est les chevaliers du Zodiac, mais les nouveaux, quoi. Putain de merde, c'est de la grosse dose. Moi, je croyais qu'il s'est fait taper, ou il m'a tué. Non, mais c'est clair. Non, mais. Zodiac, il est vénère. C'est clair, non mais... N'importe quoi, on peut balancer ça, c'est impossible. Il y a plus Seiya. Ouais, mais tu regardais les anciens chevaliers du Zodiac ou pas? Oui, bien sûr, et oui, justement. Voilà, c'est l'urgence. C'est ça qui m'a le plus troublé, ils ont gagné mon enfance. Comment ils ont pu tailler les chevaliers du Zodiac? Moi j'aimais bien le mec avec la chaîne, c'est le signe. Ah, Andromède, j'adorais ce mec-là. Ah, il s'y connaît, Ali, hein. Et alors, parle des nouveautés, Ali. Ah, il y a quoi comme nouveauté? Les différences d'avant et... Alors, c'est quoi la différence? Avant, on avait Pégase, on avait le dragon, on avait... Ouais. Ah oui, c'était Pégase. Parce que Pégase, c'était le héros, là. On a le petit lion. Ouais. On est allé, tranquille. On a la moustique. On a le chevalier de Dura. Oh, putain. C'est les nouveaux, ça. Ouais, c'est les nouveaux. On a le petit lion. Et quoi, et les vieux, ils sont là avec des cannes ou pas? Le poisson. Non, mais même pas, mais c'est de la merde. Il n'y a même plus des armures, rien du tout. Les mecs, ils sont en collant. Ils sont bleus, les chevaliers d'or, tout ça? Mais non, mais on les voit même plus. On voit seulement des mecs qui se battent en body ou bien une meuf qui se bat en robe. On sait même pas pourquoi, mais. En body. À la fin, c'est défoncé par un mec qui lance de l'eau. Oh putain. Ah, c'est comme avec les Dragon Ball, hein. Ils ont tout foutu par terre. Ah merde. Ouais, ils ont gagné mon enfance. Ah bah ouais, c'est... Non mais je suis d'accord avec toi. Écoute, tu sais quoi, Ali? Demain, on appelle D17 et demain, on va les scandaliser. Exactement. Demain, à 23h, on te reprend, on appelle D17 et on les scandalise, quoi. Ok. Bon, on fait comme ça alors, parfait. Bon bah Ali, je compte sur toi demain 23h. Ok, pas de problème. Bon, ça roule. Et puis les autres, si vous avez aussi, si vous connaissez un programme que vous regardiez avant et qui a été transformé ou revu, remis au goût du jour aujourd'hui et que vous voulez gueuler, nous on appelle les chaînes, ne vous inquiétez pas. Donc on fait ça demain 23h, il n'y a pas de problème. Bon bah allez, on va revenir dans quelques minutes, nous en direct avec le match d'impro. Ce sera avec Ben et avec Julie. Vous êtes là tous les deux? Oui. Comment ça va? Ça va, Samuel? Bah très très bien, vous deux, ne bougez pas de là. Plaisir de t'avoir au téléphone. Oh mais moi aussi, Julie, en plus on est à Noyon là dimanche, je passe tout voir. Mais je sais déjà chez Olivier, en fait je serais que aujourd'hui moi. Ah bah non, c'est la semaine prochaine. Bon, on en reparle Julie, bouge pas. Allez, restez sur Fun Radio, on va revenir dans quelques minutes avec le son de Chevec. Tu l'avais promis, ce sera la version 2014 de Cannonball sur Fun Radio. Bougez pas de là, on revient après ça. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Allez, on est en direct sur Fun Radio, dernière ligne droite avant de retrouver Party Fun comme tous les dimanches soirs à partir de minuit sur Fun Radio. Et puis je vous rappelle également que c'est la dernière ligne droite pour choper votre Xbox One, tirage au sort dans moins de 10 minutes. Si vous voulez vous inscrire, à vous de jouer maintenant, vous envoyez M-I-K-L, enfin vous envoyez pas, vous allez sur le Facebook hein, tout simplement, facebook.com/M-I-K-L officiel. Et puis si vous êtes tiré au sort, eh bien je vous offre votre Xbox One, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite évidemment bonne chance, il y a un message de Quentin qui dit coucou toute l'équipe, vous êtes les meilleurs, encore une super soirée avec vous. Bisous à tous, je vous écoute depuis le premier jour que cette émission existe. Allez Mickaël, boot off, merci. Bravo. Quentin. Et Abdou qui dit j'ai regardé avec Ali mais ce programme est une honte. Il a pété les plombs mais violemment. Merci Abdou de nous avoir tenu au jus d'ailleurs, hein. C'est cool. Et alors il y a Julien qui dit ouais c'est la grosse merde des nouveaux chevaliers du Zodiac, l'histoire c'est de la merde, des dessins animés sont horribles, c'est une horreur. Bon, on va tirer ça au clair demain, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Et puis avant de partir, je vous mettrai aussi le son de Showtech sur Fun Radio avec Cannonball, la version 2014 que je vous calerai avant de partir. Voilà le son de Showtech, je vous le cale, promis. Donc avant de partir finalement, Cannonball, la version 2014. Et puis avant ça, évidemment aussi, nous sommes de retour avec le match d'impro, Julie et Ben. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, bon, oui, très très bien. Bon alors, nous allons faire un match d'impro. Le match d'impro est très simple. Enfin, très simple. Est-ce qu'il y en a un qui a sa radio allumée? Julie? Oui. Le ouais, mauvais son vient de chez toi. Est-ce que tu as le kit main libre ou le haut-parleur? Attends, ouais, je crois que je l'ai. Attends, je crois. Je suis pas si, sûr. Si le haut-parleur est mis. Bon. Ah, voilà, parce que ça faisait à chaque fois des bruits bizarres. Bon, bah là, ça va mieux là. Bon, ouais. Alors, Julie et Ben, donc le principe, le match d'impro, le but, on va vous donner un thème, d'accord? Oui. Le thème, c'est le nouvel an au restaurant chinois. Okay, voilà. Donc, il va falloir, attention, car je mets une difficulté, prendre la commande avec l'accent. Ah, génial. Et, cool. Et la finalité, partouze générale. La classe. La partouze générale. Ok, d'accord, génial. Est-ce que vous avez bien compris le concept? Ouais, c'est bon. Bon, les auditeurs qui êtes derrière la radio, là, prenez votre téléphone et puis vous allez pouvoir voter pour lequel des deux sera le meilleur. Le meilleur repartira avec évidemment le casque DJ de 200€. À vous de jouer. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Pareil sur le Facebook, vous pouvez jouer aussi en envoyant, en vous inscrivant déjà à Mickaël officiel sur Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan de la page, allez-y, mieux vaut tard que jamais. Et puis vous pouvez aussi le faire via le standard. Donc, Julie et Ben, vous êtes prêts? Ambiance restaurant chinois. Ok. On te croirait témoin. Voilà, c'est Maître Ping qui sera serveur. Bien sûr. Voilà. Ambiance restaurant chinois. Je rappelle, sujet donc nouvel an au restaurant chinois. La difficulté, c'est prendre la commande avec l'accent. Et la finalité, partout général. À vous de vous démerder pour arriver à gérer tout ça. Et celui des deux qui sera le meilleur repartira avec le cadeau, d'accord? D'accord. Okay, attention, Ben, Julie, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, monsieur. Bondo, de quoi le serveur témoin? Bonjour, monsieur serveur. Oui, Bondo, alors vous êtes d'où? Moi, je voudrais de petits nems, s'il vous plaît. Oui, d'abord, on t'attire au restaurant, hein. Donc, on va d'abord. Vous êtes deux? Bon, non, moi, je suis venu tout seul, mais madame me suit partout. Ah, d'accord, alors, d'accord, très bien. Non, c'est pas vrai, c'est le monsieur qui m'a suivi quand je suis rentré dans le restaurant. D'accord, bon alors... Attendez, dans mon thème, dans ma voiture, quand on est sorti de ma maison... Alors d'accord, déjà, devez reposer question, hein, vous mangez séparé ou à deux? Non, on va manger tous les deux quand même. Très bien, alors moi, des petites tables... Moi, je vais quand même manger avec le monsieur. Des petites tables dans le fond, sinon une petite devant, et sinon là-bas, et sinon là-bas au-dessus. Ah, bon, allez, on dit rien compris à cette fois-là, ça ira. Et bonne année. Temps mort, s'il vous plaît, je suis le réalisateur du film. En fait, le but, c'est pas de parler plus que l'autre, c'est de faire un porno dans le restaurant chinois. Voilà, et d'être le meilleur des deux. Voilà, merci, on y retourne. On recommence. Bonne année. Bonne année. Bonjour. Vous avez fait votre toit? Oui, ça y est. Vas-y, madame, je t'écoute. Alors, moi, je vais prendre des petits nems en entrée. Rappelle-moi, nems poulet, nems curry. Ils font la vraie commande. Non, des nems poulet. D'accord. Et sinon, tu veux pas mon gros nems dans ton cul? Non, je veux pas ton gros nems. Je préfère. C'est un film porno, vas-y, c'est un film porno. Je préfère t'en faire un film. S'il vous plaît, on coupe. Stop. Action, on coupe, s'il vous plaît. Première chose, Julie, enlève ton haut-parleur, sinon t'es disqualifié. Oui, j'ai pas le haut-parleur. Ah ben, enlève le kit main libre aussi alors. Mais il n'y est pas. Parce que ça fait nouveau du bruit bizarre comme tout à l'heure. Bon, toi, non, t'es pas. Bon, je réexplique, c'est un film porno. Donc, il te propose un nem, tu vas, tu le suces, tu le bouffes, ce putain de nem, t'as compris? T'as compris? Et toi, l'autre derrière, t'y vas aussi. On y retourne. Allez, action. Bon, donc on en était. Est-ce que tu veux pas mon gros nem dans ton petit cul? Oui, mais j'étais le 6 avant. D'accord, vas-y. Vas-y, prends le là. Moi, je voudrais quand même prendre pour la madame, je voudrais prendre le 69. Si eh ben, très bien, tu n'as qu'à la mettre sur la table et lui brouter son minou. Top, t'en mort. Tu n'es pas dans un restaurant de couscous là. Donc tu... on est restaurant chinois, donc on y retourne, Abdel. Bon alors tu l'attends bien, petit. Voilà, attrape-le, mon petit Nem. Vas-y, je te l'attrape et après tu me le mets dans le cul. Dis donc, honorable monsieur, est-ce que je peux vous joindre? Bien sûr, joins-toi à nous. N'hésite pas, elle est offerte, elle est à toi, c'est gratuit, c'est cadeau. Allez, pour un nouvel an, là, tous les patrons, là, pour un nouvel an, vous pouvez toutes baider entre vous, c'est gratuit. Ils ne m'attendent pas, ils sont derrière. Arrête de crier. Oh, je vais prendre l'huile de cocha pour faire glisser ça plus vite. On fait là dans l'huile avant. Attention de ne pas mettre l'huile pimentée sur moi-même. Ça va me brûler. Attends, il est mal mis là. Oh, vous avez été mauvais. Surtout qu'il y a Julie qui avait sa radio qui a la fond de balle. Mais n'importe quoi. Bah si, t'as un retour. Ou en tout cas, il y a un truc bizarre avec ta ligne. Du coup, ça faisait une espèce de truc là, assez désagréable. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui décide. Ce sont les auditeurs. Allez-y. Je n'avais pas le haut-parleur. Je veux bien te croire, mais en tout cas, il y avait un sale son. Tu réécouteras, tu vas voir. Allez-y. Donc hashtag et Mickaël hein, sur le Twitter et le Facebook. Il y a Cédric qui dit oh qu'ils sont mauvais. Oui, ah bah oui. Il y a Fabien qui dit ils n'ont rien compris au jeu de l'impro. C'est un film de boule, pas le grand restaurant. Dédé qui dit ils sont pas bons dans le jeu de l'impro. Polo, le réalisateur est obligé d'intervenir. Il y a Brian qui dit moi je fais une dédicace et un bonsoir à l'antenne, s'il te plaît. Bah voilà, Brian, avec plaisir. Et Elise qui dit purée, mais je suis trop d'accord avec Ali, vive les anciens chevaliers du Zodiac. Ah oui, ça c'était autre chose. Bon, donc allez-y, hein, continuez, votez, vous avez encore deux minutes. Vous restez là, Julie et Ben. Ouais, ça va. Parfait. Ne bougez pas. Julie, on va lui raccrocher au nez, on va la rappeler sur une autre ligne parce que là, avec l'écho, je pense que ça devient de pire en pire. Et effectivement, je pense que c'est un problème au niveau de la ligne. Donc allez-y, hashtag et Mickaël. Et puis en attendant, on va se faire le top tweetos. Bien sûr, comme ça, tu me prends à sec. Non, certainement pas à sec, et certainement pas tout court, en fait. Voilà. Ok. Top tweetos, bah, je te prends pas. T'es pas surpris, normalement, on le fait tout le temps vers minuit le dimanche. Ouais, mais si. Eh bah, là, il est minuit. Ah, voilà, regarde. Enfin, il est là. Minuit à ta montre. Non, il est minuit moins 3, t'es sérieux là? Bon. Bon, allez, on y alors, va. Numéro 5, je rappelle que c'est le numéro 2 qui gagne ce soir. Hein. Alors, c'est... sauf s'il a déjà gagné, à ce moment-là, ce sera le numéro 3, 4, 5 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné. Numéro 5. Alors, je pense, c'est Indou le Piu Piu. Ah, nouveau, nouvelle. Nouvelle, oui. Enfin, très charmante, une très jolie photo. Ah, bah écoute. J'aime beaucoup. Méfie-toi, Indou le Piu Piu, si quelqu'un vient te parler, surtout si c'est off. C'est un pervers. C'est un pervers et c'est vrai ce qu'il. C'est vrai. C'est véridique, on dit pas ça pour rigoler. C'est véridique, donc fais attention, méfie-toi. Numéro 4. Le prince Nadia. Non, bah, connu évidemment. Numéro 3. Fabienne. Numéro 2. Magda. Numéro 1. Cédric. Eh oui, Magda ayant déjà gagné, Fabienne aussi, le prince Nadia également. Ce sera donc Indou le Doudou. Le Piu-Piu. Le Piu-Piu, pardon. Indou le Piu-Piu, donc qui gagne le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà la bonne nouvelle. Et puis dès demain également, attention, on va vous offrir des entrées pour venir avec nous faire l'émission en direct de la Station Spatiale Internationale, puisqu'on est spécial Star Wars. Voilà, non, ça se passera à Paris, le salon Star Wars. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Et puis demain, on aura des places VIP à vous offrir avant même l'ouverture. Et ça, c'est du lourd. Je suis ton père. Ah bon ? Luc. Ah d'accord. Non, okay. Star Wars. Comme t'as pas prévenu, je me demandais. Il y a Ariel qui dit c'est quoi cet impro à la con ? Le sujet était bon pourtant. Bah oui, mais ça arrive. Hein. Guillaume qui dit trop énorme le sketch sur le nouvel an chinois. Continue comme ça, l'équipe, je vous adore. Il y a M qui dit vous me faites trop rire, sérieux. Et Margot qui dit vous me faites rêver tous les soirs, je vous adore. Et j'adore vous avoir en direct. Bah tu rappelles quand tu veux, Margot, avec grand plaisir. Bon, il va falloir donner les résultats maintenant. Hein. Oui, bah a priori, c'est Polo qui a gagné. Non, mais il faut voter entre Ben et Julie. Ah, pardon. Voilà. Ils ont pas bien compris sur Twitter. C'est ça, c'est ça. Bon, Julie. Oui. Ah, toujours là, Julie, très bien. Et Ben également. Ouais. Parfait. Bon, alors, quel est le résultat final ? Lequel des deux va repartir avec le casque Toff d'après les votes sur le Facebook et le Twitter ? Écoute, je pense que c'est Ben. Non. Oui, c'est Ben qui l'emporte. Hein. Eh ben voilà, ouais. Ben. Eh, t'excites pas, tu étais peut-être un peu moins mauvais, mais t'as pas été bon. Hein. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je m'en fous, j'ai gagné. Donc exactement, Ben. C'est voilà, nul. Bravo à toi. Bon, ben, Ben, tu repars avec le casque de DJ de 200 euros. Je peux encore te demander un truc. Vas-y, Ben. Tu veux pas passer un petit morceau? Non. Je te demande le titre? Non. Non. Ah, ben, tant pis alors. Non, mais je le mettrai demain si tu veux, parce qu'on en a plus le temps, là. Et qu'est-ce que c'était, quoi? C'était le morceau de Yeah, Yeah, Yeah. Ça, ça s'appelle Head Will Roll. Ray, Ray, Ray, Ray, Ray. Ray, Ray, Ray. Bon, envoie-le-moi le titre par mail, que je vois un petit peu à quoi ça ressemble, parce que comme ça, je ne vois pas ce que c'est. Ben, je t'enverrai ça par, ouais, par Twitter, ok? Oui, ou sur Twitter, c'est bon aussi, sans problème. Salut, Ben. Okay, ciao. Ouais, Julie. Alors, moi, comme l'autre consolation, j'aimerais bien une nuit avec Polo, en fait, quand je vais à Noyon. Oh, écoute, une nuit avec Polo. Écoute, tout est possible. Envoie-moi ta photo sur polo@radio.fr et je te dirai qui tu es. Oui, car le tamba. Dans toute la samba. Car dans ton la tamba. N'hésite pas, Julie, envoie-moi une photo. Bon, Julie, de toute façon, tu viens nous voir là vendredi. Ah, évidemment, je serai là, il y a pas de souci. Bah très bien. Donc vendredi on fait la soirée donc à Compiègne ou El Passion. Vous êtes en nombreux évidemment, on aura des places à vous offrir demain et puis on sera aussi à Noyon pour le coup et là on fait l'émission en direct de chez Olivier, un auditeur prof Olivier, de maths. Il n'y a pas de souci. Bah écoute, s'il est d'accord, du moins, il n'y a pas de souci. Bah il est d'accord, il est en face de moi, donc il est d'accord. Ah mais tu le connais? Ah d'accord. Bah, bah oui, très bien. C'était mon prof de maths quand j'étais au lycée. Non. Là, bah oui, à Noyon, c'est tout petit. Hein. Très oui, bien. Eh bah avec plaisir, Julie. Gros bisous à toi et à dimanche bisous. Prochain. Ciao, Julie. À bientôt. Et on fait le gagnant maintenant. Tous les gagnants, là, on les enchaîne comme ça, si on n'a pas peur. Le gagnant Facebook de la je vais dire non, Xbox. La Xbox, exactement la Xbox One. Elle était à gagner depuis 20h. Ce soir sur le Facebook de l'émission. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, celui ou celle qui va décrocher et donner son prénom. Voilà, gagnera la Xbox One. Allez. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Valérie. Bonjour Valérie, dis-moi. Valérie, est-ce que tu t'as fait un petit like, un partage sur une photo où je suis avec une console Xbox oui, One avec... Xbox One, oui. Oui, très bien. Qu'as-tu préféré, la Xbox One ou le mec qui la portait? Les deux. Non, c'est une mauvaise réponse. Qu'as-tu préféré, la Xbox One ou le mec qui la portait? Bon, sans être méchante, la Xbox One. Qu'as-tu préféré, la Xbox One ou le mec qui la portait? Qu'as-tu préféré? La Xbox One ou le mec qui la portait? N'oublie pas, mens-lui. Ouais. Malheureusement, ça va couper. Il faut répondre vite avant qu'on passe. Ah, allô, non, malheureusement, non. Qu'as-tu préféré? La Xbox One ou le mec qui la portait? Les deux? Non. Qu'as-tu préféré? Vite, parce que je vois un tunnel arriver à grands pas là. Bon, bah alors j'ai préféré le monsieur qui la portait. Tu vois quand tu veux. Eh ben voilà, Valérie. C'est bien, tu as bon goût. Bon, il a fallu aller chercher les paroles jusqu'au fond de la gorge, pardon. Ça mais bon. Pas sortir. Bah ouais, ça j'ai bien vu, ouais. Bon, bah merci pour le compliment en tout cas. En plus, c'était franc, donc ça me fait encore plus plaisir. Bon, bah Valérie. J'ai déjà quelqu'un aussi. De quoi, c'est de quoi ça, ça du... J'ai déjà quelqu'un, c'est pour ça que ça a eu du mal à. Ah non, mais ça veut. Bah mais c'est pas grave, moi aussi, mais ça n'empêche pas qu'un compliment est toujours agréable à avoir. C'est vrai. C'est pas vrai, parce que je suis avec quelqu'un que je ne peux pas dire que tu es jolie, par exemple, même si je ne t'ai pas vue. Tu vois ce que je veux dire? Hein, ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder ce qu'il y a à la carte. Ou une pâtisserie. Bah, par exemple, on peut pas passer devant une pâtisserie, par exemple. Et c'est pas parce qu'on a une sale gueule comme Toff qu'on peut pas acheter si un on beau peut t-shirt. Rien faire en fait. Ah, on peut pareil, rien c'est faire. Vrai. On peut rien faire. Bon ben bah, Val, la Xbox One elle est pour toi, félicitations. Tu vas rester merci. Bah avec plaisir, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidement, d'accord? Bah merci à tout le monde et bah, avec bonne, plaisir. Bonne soirée. Et eh ben super. Peut-être si j'ai la chance. Avec plaisir. Salut à toi Val, gros bisous. Salut. Bon bisous. Ciao. Et puis bah nous on va se retrouver demain à partir de 23h en pleine forme. Pépère tranquille. Bah voilà, pépère tranquille, exactement. Demain tout le monde, la musique, le générique évidemment, quand on va oublier. Attention, attention. C'est parti. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est tough. C'est parce que j'ai pas démarré. Ferme ta gueule de merde. Quoi l'enculé? Tu bouffes des bites, t'as te sucer toi l'enculé. T'es culeur, t'encules ton oncle. T'encules comme toi. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Car t'encules au nom de bien enculé. Dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas niquer ta mère gentiment. T'as une petite bite à mon avis. T'as nique ta race. T'as une petite bite à mon avis. T'es une grosse salope. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est mon banjo. Tu vas niquer ta mère gentiment. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites off, te sucer, toi l'enculé. Non, ça te fait enculer, puis ton donc c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà, merci beaucoup Lilou, comme d'habitude, au taquet. On se retrouve demain à partir de 23h sur Fun Radio. Gros bisous, bonne nuit, bon courage demain pour ceux qui reprennent les cours. Merci Alexandra également qui dit je travaille mes cours en écoutant mon émission de radio favorite. Rien de tel pour ne pas être découragé. Bah, bon courage Alex. Aurélie également qui était là, Stéphanie, Nid, Devers 45, Nalia, il y avait Elodie, Mathilde et Amandine, Adeline également, Petit Kiwi, que des filles, beaucoup de filles ce soir, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas, c'est bien, très très bien. Et on se retrouve demain donc à partir de 23h sur Fun Radio. Merci à tous les nouveaux également qui ont débarqué sur la page Facebook, sur le Twitter de l'émission et sur Instagram. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc le soir à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe. À demain 23h, ciao. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio.